Théo. Théo, ouais. Allez, c'est parti. Pas de majorité, 49-3. Surtout, on va pas s'emmerder à discuter. 49-3. 49-3. Bon, je voulais... On n'entend pas assez. T'entends pas? Allô? Oui, tout le monde entend. Radio debout. Management rétro planning, rendement et fils fucking, licenciement facial, harcèlement dominical, période d'essai, 20.d, pause carcérale, souci social. Allô? Oui, tout le monde entend. Radio. Vous êtes bien sur Radio Debout, en direct de presque la place de la République. En réalité, on est au Petit Tonneau, un bar qui nous accueille pour exceptionnellement pour ce soir, au 13 rue du Faubourg du Temple. Si vous voulez passer boire une bière avec nous, vous avez tout à fait le droit. On est au fond, voilà, c'est simple. Et on a mis notre panneau lumineux parce qu'il n'y a pas de raison. Dans le cadre de l'appropriation des espaces, on est là. Et comme vous l'avez compris avec nos merveilleux jingles, on fait une soirée un peu spéciale 49.3 qui va égrener notre soirée. Oui, tout à fait. Salut Manon, salut à vous tous, hein, chers auditeurs qui nous écoutez en ce moment. Personne sur la place de la République ce soir, et pour une bonne raison, tout simplement, la Nuit Debout appelle à la convergence vers l'Assemblée nationale, un rassemblement qui a d'ores et déjà commencé. Il avait lieu à 18h, mais vous pouvez toujours le rejoindre. Quelques petites informations, hein, l'accès à l'Assemblée nationale ne sera plus possible que par le quai Anatole France, c'est au niveau du musée d'Orsay, et aussi par le pont de la place de la Concorde. Il y a visiblement déjà plusieurs milliers de personnes qui sont présentes sur place. Faites bien attention à vous, hein, n'oubliez pas le sérum physiologique si vous en avez. Et le Manox. Exactement, tout à fait. On reviendra tout à l'heure sur cette Assemblée nationale où une partie de la Radio Debout est déjà d'ores et déjà présente. On fera quelques directs, on prendra un peu le pouls de l'ambiance devant l'Assemblée nationale. Et comme on vous le disait tout à l'heure, si ce matin encore on se posait la question de savoir si le gouvernement, face à l'impossibilité de réunir une quantité de voix suffisante, utiliserait le 49-3, eh bien ça y est, chers auditeurs, la réponse est tombée aujourd'hui. C'est un nouveau signe de faiblesse. Selon certains, Manuel Valls a bel et bien annoncé qu'il emploierait le 49-3 dès cet après-midi pour faire adopter son projet de loi travail sans le vote de l'Assemblée nationale. C'est la quatrième fois que ce gouvernement l'utilise depuis 2015, un nouveau passage en force. Donc, petit rappel, hein, le 49-3 a été utilisé 84 fois depuis 1958, dont 52 sous la gauche, 32 sous la droite. État de démocratie, comme dirait l'autre. Et je vous propose dans quelques instants de recevoir Thomas Guénolé, qui est politologue et professeur à Sciences Po. Et juste avant ça, on va recevoir Théo. Théo, c'est un peu notre spécialiste en droit constitutionnel. Théo, voilà. Est-ce que tu nous entends? Salut Théo. Oui, je vous entends, salut. Merveilleux. Alors juste pour préciser, Théo est en Moselle actuellement, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Et toi, tu es notre spécialiste en droit constitutionnel parce que tu as été, tu as fait du droit et tu as été aussi enseignant à Paris 1. Et, voilà. Et on t'appelle aujourd'hui donc, pour en savoir un peu plus sur cet article de la Constitution. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire déjà ce qu'il y a dans cet article? Alors, l'article 49, alinéa 3, il est assez simple et assez précis. C'est le pouvoir donné au Premier ministre de voter, enfin de faire adopter un texte en engageant sa responsabilité dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte que présente le Premier ministre est adopté sans vote et sans discussion par le Parlement, sous réserve de ne pas être renversé par une motion de censure. Alors, ça serait quoi, du coup, les conséquences de cette motion de censure si elle avait lieu? Alors, la motion de censure, elle doit intervenir dans les 24 heures. Normalement, il y a un dixième des parlementaires qui doivent mettre en place cette motion de censure. Ça fait 58 parlementaires à peu près. Et donc, cette motion de censure, elle doit être votée par 289, c'est-à-dire la moitié des parlementaires, pour renverser le gouvernement. Et donc là, dans le cas actuel, enfin aujourd'hui, il faudrait que la motion de censure soit votée avant 16h30 demain. Alors, non. La motion de censure, elle doit être déposée avant demain. En revanche, après, le vote de la motion de censure aura lieu encore le lendemain, a priori. Donc ce sera jeudi. Ok. Et alors, admettons qu'elle soit votée, cette motion de censure, c'est quoi la suite? Alors, la suite, et c'est là où ça va être problématique, si la motion de censure est votée, le gouvernement est renversé. Donc, charge au président de la République de former un nouveau gouvernement avec une nouvelle majorité pour la soutenir. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, même si le gouvernement est renversé, apparemment, il n'y a pas de nouvelle majorité pour succéder à ce gouvernement-là. Ok. Et du coup, cette motion, enfin, ce 49-3 a déjà été utilisé de nombreuses fois, non ? Alors, le 49-3, dans l'histoire de la Ve République, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été utilisé 85 fois avec celle-ci aujourd'hui. En comptant celle-là, ouais. Dont deux fois, et non pas quatre, sous cette législature, puisque depuis 2008, l'utilisation de cet article a été fortement limitée. Et alors, pourquoi, donc ça fait quand même 85 fois, on commence à avoir l'habitude, ouais, et pourquoi à la base cet article a été inscrit dans la Constitution ? Alors, en fait, il faut refaire un peu d'histoire. En 1958, on sortait de la 4e République, qui était un régime parlementaire caractérisé par l'instabilité ministérielle. L'instabilité ministérielle parce qu'il y avait beaucoup de partis à l'Assemblée nationale et qu'en fonction des coalitions, eh bien, à chaque fois, ils renversaient le gouvernement. Pour vous donner un ordre d'idée, la durée moyenne d'un gouvernement sous la 4e République, c'est 6 mois. Les gouvernements ne restaient pas plus de 6 mois. Et donc, les rédacteurs de la Constitution, de la 5e République, ont voulu donner au gouvernement des outils pour se protéger contre cette instabilité et pour se protéger contre les coalitions changeantes. Je comprends. Et alors, justement, tu disais tout à l'heure que dans le 49-3, il y avait ce côté, il y avait écrit noir sur blanc que ça engageait la responsabilité du gouvernement. Et ça veut dire quoi exactement ça, en fait ? Nous, on se posait la question à Radio Debout de la signification de cette formule. C'est un principe fondamental de la démocratie, même de la démocratie parlementaire. Le gouvernement est responsable devant le peuple qui est représenté par le Parlement. Donc, engager sa responsabilité, ça veut dire que, eh bien, on dit aux parlementaires, si vous êtes d'accord, eh bien, vous ne dites rien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me renversez. Engager sa responsabilité, ça veut dire qu'on met sa responsabilité en jeu devant les parlementaires. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Théo, pour ces différentes... précision, ça nous est bien utile. Et on va retourner en plateau. Et puis, si tu veux rester avec nous, tu peux. Je vous écoute. Merci beaucoup, Théo, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions à Radio Debout sur le 49-3. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait comme ça quand on entend 49-3. Thomas Guénolé, bonsoir. Bonsoir. Donc, je le répète pour nos auditeurs, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Voilà, vous avez accepté de répondre à notre invitation ce soir sur le plateau de Radio Debout. Est-ce que je pourrais vous demander peut-être quelle est votre réaction un peu à chaud ? Vous avez entendu comme nous le 49-3, l'emploi du 49-3 par Manuel Valls aujourd'hui. C'était une surprise pour vous ou vous y attendiez ? La question n'est pas tant de savoir si je m'y attendais ou pas. La question est surtout de ne pas tomber dans le panneau des éléments de langage, surtout de la part de Manuel Valls qui nous a habitués à utiliser en boucle 3 mots-clés, autorité, audace, fermeté. Vous lui demandez l'heure, il vous répond autorité, audace, fermeté. Il va acheter du pain, il dit à sa boulangère autorité, audace, fermeté et 3 croissants. Et donc, au-delà des éléments de langage, est-ce que c'est un acte d'autorité ? Non. L'utilisation du 49-3, par définition, n'est pas un acte d'autorité parce que ça consiste, pour le résumer dans une image très simple, ça consiste à faire du chantage au suicide à sa propre majorité. C'est de dire soit tu votes, soit tu t'abstiens de me censurer. Vous voyez ? Soit on va tous mourir. Le gouvernement tombe, on dissout l'Assemblée nationale, on va tout faire péter. C'est un chantage au suicide. Donc, d'une certaine façon, c'est un aveu de faiblesse, en fait. Et donc, c'est là que je voulais en venir. C'est la définition même d'une situation de faiblesse. C'est l'acte d'un désespéré. Si quelqu'un est en train de vous dire, avec une ceinture d'explosif autour du ventre, soit tu fais ce que je te dis, soit je vais tout faire péter, on n'appelle pas ça une position de force. On appelle ça une situation désespérée. Eh bien, le Premier ministre, le gouvernement, est dans cette situation-là. C'est bien entendu une métaphore pour ceux qui prendraient l'interview en route. Manuel Valls n'est pas en train d'utiliser une ceinture d'explosif. Je parle de l'article 49.3. Et vous pensez qu'une motion de censure, il y en a déjà une qui a été proposée, je crois, par l'UDI. Certains députés ont d'ores et déjà... Alors, si votre question est-ce que ça peut passer, la réponse est non. La réponse est non pour une raison extrêmement simple, c'est que s'il y a motion de censure, le gouvernement tombe et François Hollande dissout l'Assemblée nationale. Et donc les députés actuellement en poste retournent tous devant les urnes et un certain nombre sont relativement certains de ne pas retrouver leur siège. Et donc ça fait une très très grosse incitation. Notamment les députés socialistes. Notamment les députés du PS. Et donc, entre autres, il n'y a pas qu'eux, mais effectivement. Et donc c'est une très très grosse, et je ne vous parle même pas des écologistes, donc c'est une très très grosse incitation à avoir une fermeté dans le verbe, mais de ne pas aller au bout de la logique qui supposerait de voter la motion de censure. Ça a été dit très concrètement, d'ailleurs, par le patron des députés PS qui a dit, bon, voilà, si jamais vous ne votez pas le projet de loi, il faudra aussi prendre vos responsabilités par rapport à l'investiture pour les prochaines élections. C'est ça, donc je reprends ma métaphore parce qu'il me semble qu'elle résume bien la situation. C'est quelqu'un qui a une ceinture d'explosifs autour du vent, à la ceinture, et qui est en train de se braquer un flingue sur la tête en même temps qu'il a le minuteur, en train de dire, si tu ne fais pas ce que je te dis, je me flingue et juste avant, je fais tout péter. Et comment on a pu en arriver là, d'une certaine façon ? C'est très simple. Ce gouvernement s'est engagé dans une ligne programmatique qui n'est pas celle sur laquelle cette majorité parlementaire a été élue. Il est donc logique qu'une partie de cette majorité soit, en quelque sorte, vent debout contre un certain nombre de réformes qui sont entreprises, notamment tout ce qui est loi Macron, tout ce qui est... C'est-à-dire que... Loi Macron pour laquelle déjà l'article 49.3 avait déjà été utilisé. Et donc c'est pour dire que, je veux être très clair là-dessus, ce qui se produit, ce n'est pas des gentils contre des méchants, et Manuel Valls ou François Hollande ne sont pas engagés dans telle ou telle démarche par pure méchanceté, vous voyez. C'est pas de ce niveau, faut pas tomber dans le manichéisme. C'est François Hollande, Manuel Valls, Jean-Pierre Jouyet, Emmanuel Macron, un certain nombre de gens de ce courant idéologique pensent que leur rêve, sincèrement, c'est important à comprendre ça, ils pensent sincèrement que ce qu'ils font est indispensable pour redresser la situation économique et sociale du pays. C'est un courant qui s'appelle le social-libéralisme, c'est aussi un courant qui s'appelle la théorie du ruissellement, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc c'est pour dire que eux pensent qu'il faut faire ça. Problème, c'est pas là-dessus que François Hollande a fait campagne. Il a dit mon ennemi c'est la finance, etc., etc. Il n'a pas fait campagne sur ces réformes-là. Et donc, quand il essaie de les engager, une fraction de la majorité se désolidarise, c'est normal. Mais elle ne va pas jusqu'à faire une espèce de seppuku collectif en disant, bon, puisque c'est comme ça, faisons péter la majorité, faisons péter le gouvernement. Ils ne vont pas jusqu'à franchir ce Rubicon-là. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça la situation. Mais le moteur, c'est le hiatus entre le programme sur lequel la majorité et le président lui-même ont été élus, d'une part, et d'autre part, les réformes qui sont entreprises. D'ailleurs, le mouvement Nuit Debout est lui aussi, me semble-t-il en tout cas, de ce que j'ai pu en voir sur le terrain, pas comme participant, mais comme analyste, si vous me passez l'expression, pour moi, c'est clairement un effet secondaire de ce hiatus-là également, mais d'un point de vue, me semble-t-il, beaucoup plus générationnel. En réalité, une fracture intergénérationnelle. Il y a quelque chose dans le mouvement Nuit Debout qui est de l'ordre d'une repolitisation de la jeunesse au sens large de la jeunesse, c'est-à-dire que ça commence autour de 16 et ça se termine à 35. Et donc je m'inclus volontiers dans le périmètre en termes d'âge en tout cas. Mais c'est pour dire que la fracture générationnelle à laquelle on assiste, il y a une notion qui est développée par un certain nombre de sociologues depuis quelques années qui s'appelle la notion de précariat. Et donc la précarisation croissante de tout un pan de la jeunesse qui est beaucoup plus touchée que la moyenne de la population par les problèmes de précarité, il est tout à fait logique qu'il y ait une population qui soit disponible pour la protestation, mais il est tout à fait nouveau, en tout cas dans l'histoire politique récente, depuis mai 68 en gros, que vous ayez un mouvement de revendication économique et sociale, d'une part, d'autre part, profondément jeune en termes de classe d'âge, et trois, et j'insiste là-dessus, ça c'est vraiment la nouveauté fondamentale, quelque chose de durable, c'est-à-dire ça fait des semaines que ça dure, et j'ajouterais, à mon avis, c'est le critère fondamental de réussite ou d'échec du mouvement auquel on assiste. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'opportunités qui arrivent pour Nuit Debout, pour grossir, ou se propager, ou avoir une situation de déflagration qui entraînerait des grèves massives, etc. etc. Mais pour que ces fenêtres de tir existent, encore faut-il que le mouvement existe encore pour s'en emparer. Et donc, tout bien réfléchi, le critère fondamental d'échec ou de réussite du mouvement Nuit Debout, c'est de parvenir à durer. Vous voyez ? Et là-dessus, il y a une véritable difficulté. C'est une difficulté logistique, c'est une difficulté de rapport de force politique aussi. Et donc, moi, je suis surpris, pour être franc, que ça existe encore et que ça n'ait pas été purement et simplement balayé par les CRS. Je suis très étonné de ça. En même temps, si c'était balayé par les CRS et la préfecture, ce serait quand même le gouvernement socialiste qui se met à bas définitivement une partie de son électorat qui a voté pour lui. Vous avez parlé tout à l'heure de mai 68. Mai 68, effectivement, c'est le quartier latin émeutier, c'est les étudiants qu'on retrouve beaucoup sur la Nuit debout. C'est aussi la grève générale. Et c'est vrai que c'est quand même une des limites qu'on constate sur ce mouvement de la Nuit debout. C'est la peine, la limite, vraiment les difficultés à ouvrir, à élargir cette base. Au final, le nombre de personnes présentes sur la place n'a pas tellement augmenté. On a une fameuse commission action, une commission grève générale, et on pense tout de suite à la grève générale de mai 68. Est-ce que la grève générale, maintenant, c'est pas un peu une chimère ? Et ça me fait penser, notamment, je pense à cet autocollant qu'on voit souvent dans les manifestations avec le rêve général. Au niveau sémantique, c'est quand même assez fort. On est passé de grève générale à rêve général. La grève générale, est-ce que c'est pas un peu une chimère maintenant ? Et est-ce que c'est pas justement ces précaires dont vous parliez tout à l'heure ? Ces jeunes précaires qui sont sur la place de la République, qu'il ne faudrait pas aller chercher davantage. Alors, il y a beaucoup d'éléments abordés dans votre question. Je vais essayer de les prendre un par un, et puis vous me préviendrez si j'en oublie. D'abord, il y a mai 68, le vrai, et puis il y a sa légende. Et donc, il ne faut pas se laisser éblouir par le mythe de mai 68. Il faut regarder mai 68 comme il est. Mai 68, il n'y en a pas un, il y en a deux. Et ce n'est pas les mêmes qui l'ont fait. Il y a un mai 68 jeune et étudiant. Je dis jeune et étudiant parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait aussi des jeunes qui ne l'étaient pas. Et ce mouvement-là, en fait, Nuit debout est déjà arrivé au même stade en termes d'impact sur l'opinion publique et d'impact sur la jeunesse. Je rappelle qu'il y a à peu près 60% de la population jeune dans ce pays qui soutient le mouvement Nuit debout sans se déplacer, mais qui est d'accord. Et ça, c'est un impact en termes de politisation qui est absolument spectaculaire et qui était encore impensable il n'y a même pas un an. Et vous prenez une manifestation lycéenne à Paris, il y a 3000 lycéens qui sont présents. 3000 lycéens sur la population totale des lycéens de la capitale, c'est très très peu. Ah mais je suis pas en train de vous parler des gens qui se déplacent, je suis en train de vous parler des gens qui soutiennent. Et on vit à une époque où, oui, ça vous aura pas échappé, une pétition en ligne sans personne qui se déplace, si elle dépasse le million, le gouvernement recule d'un pas. C'est ce qui s'est passé sur la loi travail. Ils ont enlevé une partie du contenu parce qu'il y a eu une pétition en ligne. Ils ont placé Caroline de Haas. Absolument. Donc ça, c'est un premier élément qui me paraît important à avoir à l'esprit. Ensuite, en termes de conscience politique dans une tranche générationnelle, Nuit debout, au sens positif du terme, si on est d'accord avec Nuit debout, ou au sens négatif, si on est contre, il y en a beaucoup, il y en a quand même quelques-uns, c'est un point de fixation. C'est un point de fixation pour un certain nombre de causes et de sujets de débat et de sujets de clivage. Et là-dessus, par rapport à mai 68, c'est aussi une réussite. C'est une perpétuation de ça. Le fait de réhabiliter des slogans et des discours anti-système, ancré à gauche, pardon de le dire, mais c'est un mouvement qui est ancré à gauche de manière tout à fait visible. Tu le revendiques d'ailleurs. Oui, alors pas toujours. On a beaucoup parlé de l'affaire Finkielkraut. Pas toujours. Il y a un certain nombre d'éléments dans la participation à Nuit debout qui disent anti-système, mais pas particulièrement marqué à gauche, mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Et puis, quand on leur demande leurs opinions publiques, politiques par ailleurs, et qu'on essaie de les classer, on se rend compte assez rapidement qu'ils sont à gauche aussi. Et donc, c'est juste pour dire que le mai 68 étudiant, en termes d'impact dans l'opinion publique, Nuit debout a déjà atteint ce stade-là. Après, il y a le mai 68 ouvrier, syndical et gréviste qui a atteint le stade de la grève générale. Sauf que c'est pas le mai 68 jeune et étudiant qui a fait ça. C'est la base ouvrière syndiquée dont les parties les plus radicales se sont dit allez on y va, et derrière les centrales syndicales se sont dit je suis leur chef donc je dois les suivre. Historiquement. Les syndicats ont suivi, d'ailleurs. Voilà, comme souvent, c'est comme ça que ça se passe dans ce pays. En réalité, les centrales syndicales suivent la base quand la base veut vraiment y aller. Et donc, c'est beaucoup plus démocratique que ce que des gens pourraient croire. Et en l'occurrence, donc, vous avez eu ce mouvement-là où le mai 68 ouvrier et syndical est arrivé à la grève générale. Mais Nuit debout, dans la mesure où, à ma connaissance, ce n'est pas un mouvement ouvrier et syndical, lui demander d'arriver à la grève générale, c'est lui demander quelque chose qui n'est pas son boulot. Ça, c'est, si tant est qu'il le souhaite, le boulot des bases syndicales. Et ça, à la rigueur, c'est à eux qu'il faut le demander. Mais ce n'est pas à Nuit debout qu'il faut demander de faire le boulot qui n'est pas le sien, me semble-t-il en tout cas. Ou alors on mélange des choses qui ne sont pas les mêmes. C'est là aussi où on voit les limites des syndicats, les limites de Nuit debout et les points forts de Nuit debout. On est d'accord que le cadre de la Nuit debout a largement dépassé la seule loi sur le travail, la seule loi El Khomri. C'est beaucoup plus que ce qu'on propose à Nuit debout. C'est pour ça que mai 68, c'est pour ça que le parallèle avec mai 68, le premier mai 68, le mai 68 jeune et étudiant, me paraît jamais tout à fait fonctionné parce que, est-ce que vous savez quelle était la toute première revendication des 68ards jeunes et étudiants ? Dites-le nous. Des dortoirs mixtes. Voilà. À Nanterre. Des dortoirs mixtes pour les étudiants. Alors, certes, c'est devenu beaucoup plus après, mais à l'origine, la toute première revendication concrète, c'était ça. Et donc, vous aurez remarqué que des décennies plus tard, le Nuit Debout, qui est l'équivalent du mai 68 jeunes et étudiants, démarre dès le départ avec des revendications beaucoup plus politisées, vous me l'accorderez. Moins pragmatique dans la nuit, en tout cas. Moins opérationnel, si vous voulez. Peut-être. Peut-être une jeunesse plus politisée aussi. Alors, ça dépend si vous parlez. Je dirais plutôt plus précarisé. C'est-à-dire que c'est quand même. Le mai 68, où jeunes et étudiants, c'est quand même des révoltes de gens qui sont bien nourris. Alors que Nuit Debout, c'est un mouvement de population jeune qui se fait marcher dessus en termes de niveau de chômage, en termes de contrats précaires, en termes de stages à la chaîne. En termes de chômage pur et dur, sans formation ni emploi, enfin là, je parle plus des zones rurales ou des quartiers populaires. Mais ce que je trouve vraiment, moi, si vous voulez, ce qui m'a vraiment étonné sous l'angle de l'analyse, je vous le dis franchement, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que j'étais vraiment convaincu qu'on avait affaire à une jeunesse qui était durablement dépolitisée et qui était incapable d'action collective, ou alors de manière très marginale et tellement radicalement à moitié dingue que ça devenait complètement contre-productif, vous voyez. Et en fait, non. En fait, non. Donc, je suis agréablement surpris pour continuer à vous dire les choses comme je les ai ressenties. Après, comment dire, j'observe des différences de profil dans les participants de Nuit Debout. Et je me dis que ça peut être une force de faire venir des profils très différents, mais c'est aussi une limite potentielle. C'est-à-dire que vous avez pour moi les actifs qui sont des gens qui essayent de prendre un maximum d'initiatives, de monter un maximum de trucs et bref, de se bouger pour avancer vers quelque chose, y compris d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui cherchent plus ou moins explicitement la grève générale. Vous avez les passifs qui sont plus à adorer les bavardages dans l'Assemblée générale permanente et qui, eux, sont plus l'équivalent, si vous voulez, c'est de la masturbation intellectuelle d'Assemblée en plein air, si vous voulez. Donc ça va pas très loin et ils ont plutôt tendance à parasiter le mouvement, me semble-t-il. Et puis vous avez les spontanéistes qui, eux, tiennent à ce qu'il n'y ait pas trop d'organisation, ce qui rend la chose d'autant plus créative, mais qui peut poser des points faibles dès qu'il s'agit de devoir monter des actions efficaces rapidement. En termes de productivité. Oui, voilà. Donc autant un équilibre entre les actifs et les spontanéistes me semble à la fois nécessaire et sain dans l'intérêt du mouvement, mais je vous dis ça d'un regard extérieur, moi. Autant les passifs, ce sont vraiment des boulets pour le mouvement, me semble-t-il. Après, justement, sur le côté essoufflement ou non-essoufflement, moi, ce qui m'interroge surtout dans ce mouvement, c'est de réussir à réunir à la fois du coup, les jeunes précaires qui sont en ce moment place de la République, les jeunes précaires un peu passifs qui ne se masturbent pas forcément en AG, mais qui restent quand même chez eux et finalement ne prennent pas vraiment part au mouvement, et tous les autres, en fait, enfin, les gens un peu plus établis, les cadres, les moins cadres, mais plus âgés. Alors là-dessus, à mon avis, il y a deux pistes qui ne sont pas forcément encore exploitées par ce mouvement. Encore une fois, là, je parle en termes d'analyse de ce qui se passe. Hein. Je suis pas, comment dire, il n'entre absolument pas dans mon rôle de faire des préconisations. Je constate simplement ça manque de ruraux debout et de banlieues debout. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être fait. Mais le fait de monter ce type d'équivalent explicitement revendiqué, parce que ça change tout, explicitement revendiqué banlieue debout ou ruraux debout, aurait un énorme impact en termes d'identification de tout un pan de jeunesse qui ne se sent pas concerné. On ne s'adresse plus à la même population, du coup. La population que vous avez sur la place de la République et dans les banlieues debout, ce n'est pas forcément, dans les banlieues en général, ce n'est pas forcément la même. C'est des précaires, mais ce n'est pas forcément la même population. Vous avez fait vous-même l'observation, ils ont en commun leur situation globale qui est générationnelle, en réalité, de précarité. Et cet élément-là est un ciment qui permet de monter ce genre de choses. Et donc, il me semble que ce mouvement prendrait potentiellement une dimension supplémentaire si un événement l'équivalent à celui de la place de la République était monté dans un territoire tout ce qu'il y a de plus rural et relégué et dans le quartier populaire le plus sinistré socialement disponible. Je pense à des coins en Ile-de-France. À Aubervilliers, à Saint-Denis. Il y en a eu à Marseille où Visiblement, les gens de la Nuit debout de Marseille ont été un peu mal reçus. Enfin, mal reçus peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on a vu qu'il y avait les premiers points d'achoppement avec des gens aussi qui disaient, ben voilà, en 2005, il y a eu les émeutes en banlieue. Vous n'étiez pas là depuis ces émeutes-là. Vous arrivez maintenant. Nous, on n'a pas forcément les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'on a souvent les gens, les détracteurs de la Nuit debout pensent aux bobos qui veulent refaire le monde et qui va se réunir pour la Nuit debout. C'est précisément pour ça, me semble. C'est précisément pour toutes ces raisons que ça me semble réussir à monter cela, ce genre de choses. Me paraît être un objectif stratégique tout à fait fondamental. Et pour vous, l'Assemblée Générale, du coup, c'est quoi ? C'est une limite ? Non, ce n'est pas l'Assemblée Générale qui est une limite. Ce qui est une limite au mouvement, ce sont les gens qui, consciemment ou pas, sont dans un état d'esprit général de sabotage. C'est-à-dire que, je vais vous résumer le profil. Consciemment ou inconsciemment, peut-être. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que je viens de dire. Et donc, je vais vous donner un exemple. C'est le genre de profil qui, au moment où quelqu'un vient de lancer une initiative et propose de voter pour voir si c'est possible, c'est le type qui vous dit qu'il faut d'abord faire un vote sur le type de procédure de vote. Vous voyez ? Ce genre de truc. En même temps, on est face à un rassemblement qui remet justement en cause le système démocratique tel qu'il existe actuellement. Je ne conteste pas. C'est mis en avant comme un des points forts justement de ces gens-là qui disent voilà, nous, la Nuit debout, c'est l'horizontalité. Si quelqu'un... Je vais vous donner un autre exemple pour être plus clair. C'est des gens qui, au moment de prendre la parole, vous disent des trucs du genre il me semble absolument fondamental de réussir à recomposer une offre citoyenne qui redéfinira les modalités de démocratie participative et coopérative, etc. Et qui vous fait ce tunnel-là pendant à peu près un quart d'heure. Et au final. Et à la finale, il n'y a rien. Mais alors... Et quand vous essayez de le résumer à votre voisin, vous ne pouvez pas restituer ce qu'il a dit parce qu'en fait, le mec n'a rien dit. Et comment on fait alors ? Est-ce qu'on les interdit de parole ? Est-ce qu'on doit faire un tri parmi les gens qui veulent prendre la parole ? Non, c'est pas ça. On a vu vraiment n'importe qui pouvait prendre la parole. Non, il suffit, à mon avis, il suffit de dire que le problème existe et que ça se sache que le problème existe pour que ça se limite de soi-même. C'est tout. Vous savez, le narcissique d'Assemblée Générale, c'est quelqu'un qui envahit l'espace uniquement à mesure où il se sent tout à fait libre de le faire. Thomas Guénolé, je coupe juste un instant, on va se retrouver dans quelques instants. On va retrouver Alice, je crois, qui est en direct de l'Assemblée. Ça sera Nicolas et non ce pas sera Alice. Nicolas, mais voilà. Qui est en direct de l'Assemblée nationale, je crois. Allô ? Allô, Nicolas ? Alors. Ouais ? Ouais, salut. Tu nous entends ? Ouais, un peu près. Ok. Alors, toi, tu es devant l'Assemblée nationale, c'est ça ? Ouais, sauf que là, on tente une sortie en marche. D'accord. De l'autre côté, côté Concorde. D'accord, parce que là, vous aviez été menacé par les CRS, c'est ça ? On se tient tous ensemble et on passe côté Concorde, on essaye de passer Concorde, sauf qu'on est bloqué par des mobiles. Vous êtes sur le pont de la Concorde ? On est sur le pont qui relie la Concorde et l'Assemblée nationale, mais on a quitté le pont de l'Assemblée nationale, on tourne le dos à l'Assemblée nationale, on est face Concorde et on veut essayer de passer tous ensemble. Le cordon de CD mobile, je crois, s'il reste des mobiles, qui nous empêche. Et alors, comment est l'ambiance ? Est-ce que c'est un peu tendu ? Est-ce que pour l'instant, ça va encore ? Non, c'est pas tendu, on leur fait face. Il y a les non-violents entre nous et eux, qui sont assis par terre. Nous, on est, je sais pas, on va dire 1500, je sais pas, un gros millier. Mmh. Mais pour le moment, ça va, on chante. D'accord. Il y a un pote qui est sud qui a essayé d'organiser des espèces de chaînes. Il y a des gens qui arrivent encore, qui continuent d'arriver ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que les gens continuent d'arriver ? Bah non, du coup, ils ont tout bloqué. Du coup, ils ont rebloqué ce côté-ci, quoi. On était bloqué de l'autre côté, et là, ils bloquent le côté... On est bloqués des deux côtés, là, maintenant. Le quai Anatole France, on peut peut-être donner l'information pour nos auditeurs. Le quai Anatole France, vers le musée d'Orsay, il est toujours... on peut toujours passer par là ? Accessible ? Le quai Anatole France, non, ils sont bloqués. Il y a des gens qui sont restés bloqués à Invalides. Donc il y a plein de petits groupes un peu disséminés partout, bloqués par la police, en fait. Oui, il y a des petits groupes qui sont bloqués plus loin, mais moi, je n'ai pas de contact avec eux. Il y en a qui sont carrément complètement bloqués, mais c'est des petits groupes. Et puis il y en a qui n'ont pas réussi à nous rejoindre. Mais là, maintenant, de toute façon, on ne peut pas nous rejoindre ni d'un côté ni de l'autre. Là. C'est une espèce de nage sur le pont. Et alors, est-ce que certains ont réussi à rentrer dans l'Assemblée ? Est-ce qu'il y a des gens, alors peut-être, mais pas en force en tout cas, sans doute peut-être des gens invités par les députés, c'est possible. Les députés avaient le droit d'inviter des gens dans l'Assemblée. Tu peux répéter ta question ? Et il y avait les députés avaient le droit d'inviter quelques personnes dans l'Assemblée, en fait, c'est ça ? C'est ce qu'on m'a dit cet après-midi, on m'a dit qu'il y avait peut-être des personnes qui seraient invitées par les députés. Mais ça, moi, je ne sais pas du tout, moi, je suis arrivé... je suis arrivé à l'appel de la manifestation, donc j'étais tout de suite sur le pont. Et ça, après nous, il y avait un rempart de camions et de keufs, quoi. C'était pas possible. Hein. D'accord. Donc là, vous êtes, c'est quoi après, si vous arrivez à vous défaire de cette nasse, est-ce que vous rejoignez la République? Est-ce que... Bah, je pense que c'est ce qui est prévu. Je t'avoue que quand c'était décidé, je discutais avec des amis lycéens, donc j'ai pas été très... Là, je suis la masse. On est en train de se coller au non-violent. Oui, on est vraiment contre les camions de mobile. Il y a deux rangées de camions, au moins une rangée de camions mobiles avec... Enfin bon, il y a beaucoup de flics, je pense qu'on n'y arrivera pas, quoi. Ok. Bah, on se tient au courant et puis on te rappelle de toute façon au cours de la soirée. Bah oui, puis nous on essaie de vous rejoindre parce que je suis avec Max qui devait venir. Oui, nous parler après de la mobilisation en fait, à ce sujet. Je suis avec un petit groupe de lycéens. On va tâcher, mais franchement ça va être compliqué. Hein. Ok, et ben on se tient au courant et puis on vous souhaite du bon courage. Merci beaucoup, okay. Nicolas. À bientôt, ciao. À bientôt, fais attention à toi. Alors Thomas, on vient d'entendre un peu l'ambiance devant l'Assemblée nationale. Pour vous, est-ce qu'on est peut-être à un tournant aussi de ce mouvement de la Nuit debout avec cet article du 49.3, ce passage en force de la part du gouvernement et aussi, on l'a dit tout à l'heure, ce premier aveu de faiblesse? Je vous le disais tout à l'heure, il me semble que le critère absolument fondamental de réussite ou d'échec de ce mouvement, c'est son aptitude à durer. Plus ce mouvement dure longtemps, plus il multiplie les chances de profiter de telle ou telle fenêtre de tir qui lui fait prendre une dimension beaucoup plus importante. Mais encore faut-il être là, encore là, quand la fenêtre de tir se présente. Et donc, le critère fondamental, c'est de s'installer dans la durée. Et dans une moindre mesure, me semble-t-il, de réussir à dupliquer ce type de dispositif de la place de la République, aussi bien en territoire rural relégué qu'en territoire de quartier populaire. Pour moi, c'est les deux éléments vraiment fondamentaux. Mais alors, sur la durée, on a vu d'autres mouvements comme Occupy Wall Street ou même Podemos, qui est un peu en train de tourner aigre en ce moment. J'ai l'impression qu'ils se sont... Par Podemos, c'est en train de tourner aigre. C'est vrai qu'on est dans une impasse politique en Espagne, quand même, avec beaucoup de gens qui ont voté pour Podemos lors des dernières élections. Finalement, bon, voilà, il y a eu un bras de fer avec Podemos qui a dit nous, on ne va pas composer avec le gouvernement, en tout cas avec les partis traditionnels que vous avez remis en cause jusqu'ici. Bah, vous, ce qui est en train de se passer en Espagne. Et maintenant, les gens veulent plutôt voter pour le centre droit, c'est-à-dire Ciudadanos. Alors, moi j'attends de voir les résultats électoraux en question, mais je constate simplement que la mécanique ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà constaté électoralement en Grèce, c'est-à-dire que dans un premier temps, le mouvement issu des mouvements de rue a obtenu d'abord une majorité relative, enfin un gros score, puis une majorité relative, puis une majorité absolue, au fur et à mesure que les politiques économiques et sociales qui étaient blâmées s'aggravaient. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il me semble que ce à quoi on assiste en Espagne, c'est ce genre de choses. Et donc, on ne peut pas se focaliser sur un épisode d'une crise politique profonde et durable pour en déduire qu'il est en train pour arrêter les scores à ce moment-là. Ce qui est en train de se passer est une déstabilisation du système politique espagnol tout entier par l'irruption d'une force qui vient des Indignados. C'est ça qui s'est produit concrètement. Et donc, la fin du film n'est pas encore connue. Et moi, il me semble qu'on s'oriente plus vers un scénario à la Syriza que vers un scénario de décapilotable pur et simple du mouvement. Quant à Occupy Wall Street, pour moi, c'est absolument pas comparable avec ce qui s'est passé, ce qui se passe en Espagne ou ce qui se passe en Grèce ou ce qui se passe au Portugal et ailleurs, principalement parce que Occupy Wall Street, à aucun moment, n'a essayé de transformer ça en une offensive électorale. Pour une raison simple, hein, les États-Unis ont un financement oligarchique, au sens strict de l'oligarchie, au sens d'Aristote, du financement de la vie politique. Donc il y avait un barrage insurmontable en la matière. Peut-être justement la possibilité, la suite à donner à la Nuit debout à Paris, c'est ça? C'est une suite politique électorale? Alors là-dessus, comment dire, ma façon de respecter ce mouvement comme un mouvement d'adultes qui savent ce qu'ils font, c'est de ne pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais peut-être un avis, un avis quand même sur la question. Moi, je pense que, et ça n'engage que moi, que Nuit debout gagnerait à rester un mouvement profondément social et non pas électoral. Je pense que Nuit debout gagnerait en réalité à rester l'équivalent français d'Occupy Wall Street qui durerait le plus longtemps possible en tant que quartier général de tout ce qui peut s'y greffer. Et je pense que c'est ça qui une sorte de matrice qui resterait installée dans le paysage et dont un certain nombre d'autres structures n'arriveraient toujours pas à se défaire. Si vous arrivez à devenir le sparadrap du capitaine Haddock, en fait, vous pouvez considérer que vous aurez gagné. Très bien, bah, je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Thomas Guénolé. Avec plaisir. Et on va passer à un petit reportage sur Gilles, qui est prof de philo à la retraite. Je suis retraité de l'éducation nationale et je suis venu ce soir pour essayer de dire ce que j'estime être le plus utile au mouvement et faire une proposition très concrète ensuite. Je suis nuit debout et jour non couché. Toi, président, moi, citoyen, nous, citoyens. Toi, candidat, moi, citoyen, j'ai voté pour François Hollande parce que 6 mois avant l'élection présidentielle, je t'ai rencontré dans une librairie parisienne et que tu avais l'air sympathique, curieux, intéressé, intelligent, averti du livre et de l'édition. J'ai respecté là ta solitude, bien que j'ai été tenté ici d'initier un entretien avec un camarade socialiste. Toi, président, moi, citoyen, j'ai été heureux de ta victoire parce que c'était la victoire du peuple, mais du peuple progressiste. Et j'ai emmené mon fils à la Bastille en jubilant dans la joie et l'allégresse. On s'était débarrassé du nabo inculte qui ne s'était rehaussé que du fait de l'absence de grandeur de tous les autres. J'ai 67 ans, je suis professeur de philosophie de l'Académie de Créteil à la retraite depuis le 28 octobre 2015, où je gagne joyeusement la moitié du salaire que j'avais en activité, si bien que j'ai des raisons très personnelles, n'est-ce pas, aussi de me mobiliser, pas seulement idéologique ou politique abstraite, n'est-ce pas, voilà. Toi, président, moi, citoyen, je n'ai point vraiment déchanté parce que je savais que jusqu'à présent, les socialistes ont eu cette fonction historique de remplacer les réactionnaires et les conservateurs afin d'entretenir les évolutions du capitalisme et aujourd'hui du capitalisme mondialisé. Alors d'abord, il y a 6 mois à peu près, j'ai retrouvé des militants de 68, parce que j'étais à Sorbonne en 68 en philosophie de 67 à 77-78, et j'ai occupé la Sorbonne. Donc il y a 6 mois à peu près, j'ai retrouvé des militants qui étaient dans un comité pour la Grèce. Et j'ai dit, s'il y a un comité pour la Grèce actuellement, c'est que ça va péter en France. Pourquoi ? Parce qu'avant 68, il y avait un comité pour le Vietnam et ça a pété en France. Donc l'intérieur et l'extérieur, il y a une relation. Dès que j'ai vu qu'il y avait une occupation de la République, j'ai dit c'est le début de la nouvelle commune de Paris et cette commune de Paris, elle va avoir une extension européenne et mondiale. Voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire, je suis heureux comme tout, une nouvelle page de l'histoire, comme je viens de le dire, parce que les gens qui sont au pouvoir, ils sont complètement à côté du problème. Il faut s'en débarrasser, ils sont obsolètes, ils sont, déposés pour l'histoire. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection apparaît comme le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Est-ce que le gouvernement actuel et les gouvernements précédents, y contribuant, violent et ont violé les droits du peuple ? Oui ! Et donc voilà, on est sur Radio Debout, on vient d'écouter un reportage réalisé par Clément. C'est donc soirée 49.3 sur Radio Debout, on entend derrière le glas de la démocratie. Tout de suite, on va retrouver nos invités, donc avec Lise Marie. Bonsoir. Donc voilà, j'ai à côté de moi Francis Henri Assal, qui est avocat. On s'est rencontrés hier parce qu'avec Karim, on était donc au TGI pour le procès des 4 inculpés de Tolbiac. Et donc voilà, donc qui a été un peu un fiasco, il me semble. Peut-être rappeler ce que sont les 4 inculpés de Tout Tolbiac. À fait. Vas-y, Manon. Ah, moi, je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je pose la question. C'est super. Donc, Manon, c'est super. Il y en a... ils sont 3, en fait, c'est ça ? Non, ils sont 4. Oui, ils sont 4. Il y avait 2 motifs de poursuite, 2 préventions, comme on dit, en ce qui les concerne, un dossier que je ne suis pas, qui était outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, à personne, PDAP. Mais également des violences, en l'occurrence des jets de bouteilles. Voilà. Rapprochez un petit peu le micro. Alors, donc, des jets de bouteilles et des outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, les fameux PDAP. PDAP. Voilà. Et en l'occurrence, les avocats ont... Et comment ça s'est passé, en fait? C'est pour quelles raisons que ces mecs et ces personnes se sont retrouvés là? Vous Alors, connaissez un peu l'histoire, vous, de départ? Je ne connais pas l'origine de l'interpellation. En revanche, il comparaissait libre, donc sur convocation. Alors, juste pour rappeler l'historique, juste en deux, trois mots. En fait, il y avait une assemblée générale donc à Tolbiac qui s'est passée le 17 mars, je crois. le 17 mars, c'était l'assemblée générale à Tolbiac. Tu peux confirmer, Karim? L'assemblée générale qui avait lieu à Tolbiac. C'était bien le 17 avril. C'était un jeudi, un 17 des fameux jeudis qui donnait suite. Non, 17 avril, oui. 17 avril. C'est ça, c'était les fameux jeudis. Ouais. Voilà. Donc ils étaient tous à l'intérieur, en fait, en train de participer à cet AG d'une manière très simple et tout à fait tranquille. C'était une AG interpro qui avait été appelée pendant la manif pour donner suite à cette manif en disant, bon, mais il y a du monde dans la rue, ça serait bien qu'on se réunisse pour savoir quelle suite donner à ce mouvement avec les acteurs des gens qui participent à cette lutte et qui sont dans la rue juste là. Et ça semblait assez normal de continuer, pas se dire au revoir, on va boire un coup. Et... Donc ils étaient à l'intérieur d'une salle, en fait, et ils ont vu arriver des CRS, des flics qui sont rentrés. Au début, il y a certaines personnes qui ont bloqué les portes pour essayer de ne pas les faire rentrer. Puis bon, finalement, ils sont arrivés à rentrer. C'est ça. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assez nombreux à l'intérieur. Ils étaient une bonne centaine. Des gens de divers profils, des étudiants, des précaires, des salariés, des enseignants, des chercheurs, voilà, peut-être même des SDF, je pense. Et ça a pas plu parce que déjà se réunir, c'était la fac était fermée, donc ils sont rentrés par le parking l'AG a commencé et très rapidement, en fait, ils ont compris qu'on venait les chercher. Donc ils ont utilisé donc les CRS, les autorités ont utilisé la force pour pouvoir rentrer. Je pense qu'ils ont dû faire même appel à... Je pense que là, il faut l'accord du directeur du centre. Et donc, les autorités, les forces de l'ordre sont rentrées dans l'Assemblée générale, dans l'amphi en question, qui est le plus grand des amphis de Tolbiac. Exactement, l'amphienne, vous connaissez bien. Et il y a des images dedans, et on voit ce qui se passe, c'est que les CRS virent les gens à coups de matraque en montant sur les tables pour virer les gens, en disant « Vous avez rien à foutre là, une AG au scandale, vous dégagez. » À l'extérieur, ils étaient attendus, c'est-à-dire que c'est les gardes mobiles qui interviennent à l'intérieur pour les remettre aux CRS. Là-dedans, une fois qu'ils sont sortis, ils sont nassés. Ces fameuses NAS qu'on voit apparaître, qui est une technique anglaise qui est très utilisée en ce moment. Et de 100, la bonne centaine passe à 30. C'est-à-dire qu'il y a eu un profiling qui a été fait et ils en ont gardé 30. 30 qui étaient nassés. Avec plein de gens tout autour quand même, parce que le reste de la manif affluait pour venir à l'AG. Et il y avait quand même pas mal de gens qui étaient à l'extérieur de la NAS qui regardaient ça. Et à un moment, la NAS pète. Et là... Il force et ça pète, des fois que ça arrive. Et là, telle une volée de moineaux, tout le monde court. Tout le monde court et les flics courent après ceux qui courent. Et là-dessus, ils en attrapent 4. Voilà. Au hasard. Au hasard. Ouais. Et même c'est filmé. Donc il y a un journaliste de Marianne qui filme l'arrestation d'une des personnes. Il s'avère qu'à la fin, ils étaient 4. Et du début à la fin, de l'arrestation jusqu'au moment où on le met dans le fourgon. Parce que lui, il a justement rébellion, coups et blessures et rébellion sur... BDAP. Voilà, exactement. Et là commence garde à vue, comparution immédiate qu'ils refusent. Tous les quatre, parce que ça leur est permis. Donc ils refusent cette comparution immédiate et rendez-vous leur est donné le 9 mai. Le 9 mai, c'était hier. Voilà. Le 9 mai, c'était hier. Donc vous, on vous a croisé à la sortie de ce procès-non-procès. Vous n'êtes pas avocat d'un des prévenus. Vous avez par contre défendu un lycéen, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez, enfin deux, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, dans quelles conditions vous avez été appelé ? Et après, on écoutera sûrement un petit son justement qu'on a fait nous sur place avec l'avocate, un des prévenus et puis le journaliste justement qui a chopé les images. Donc, voilà. Juste un petit complément sur l'affaire d'hier. Les avocats ont demandé à ce qu'il y ait un visionnage de ce qui avait été filmé par des indépendants. Et comme on est en comparution immédiate en procédure d'urgence, la présidente a estimé que cela devait être une demande qui devait être contradictoire, préparée d'avance, et par conséquent, a demandé, alors non pas un complément d'information, comme elle aurait pu le faire, c'est un peu surprenant, elle a demandé carrément un renvoi à l'instruction. C'est-à-dire qu'on va confier à un juge d'instruction une enquête qui va durer des mois et des mois, ce qui fait que cette affaire sera jugée au minimum dans 6 mois et plutôt dans 1 an. Pour quelque chose qui, à mon avis, ne le mérite pas. Ça ne mérite pas autant d'enquêtes. En revanche, un complément d'information aurait pu être ordonné. Elle aurait pu le faire sur le moment. Elle aurait pu aussi demander à regarder les vidéos. Alors, c'est impossible en comparution immédiate. D'abord, à cause de la charge des dossiers. Hein, il y a pas mal de dossiers à passer en une journée. Mais il n'y a pas que ça. C'est que la comparution immédiate, a priori, les faits sont considérés comme, sinon acquis, du moins figés, non évolutifs. Et là, puisqu'on a une demande légitime, la présidente la considère comme légitime et par conséquent permet... Il faut le voir aussi d'un bon œil, à la défense, eh bien, de présenter ses arguments, mais de façon contradictoire. C'est-à-dire qu'évidemment, en face, on a les avocats de la préfecture qui vont dire, nous aussi, on veut voir ce qu'on nous oppose, et on va bien voir, on va faire la part des choses entre ce qui est prouvé et ce qui n'est pas prouvé, connaissant évidemment aujourd'hui, vous savez bien, le pouvoir de l'image. Et je trouve que cette décision n'est pas complètement infondée et qu'elle n'est pas inintéressante non plus, dans la mesure où elle permet, alors on peut le voir autrement, mais permet peut-être de refroidir, laisser refroidir un peu l'affaire. Maintenant, sur les dossiers dont je suis chargé, j'ai eu à connaître d'une affaire qui s'est déroulée justement le 17 mars. Un lycéen qui cherchait, avec ses copains d'un lycée du 19e arrondissement, à rejoindre la manifestation, s'était regroupé Place de la Nation et ne pouvait pas descendre le boulevard Diderot. Donc sont remontés Place de la Nation. C'est là qu'une vitrine de la Bred a été défoncée et que là on a attrapé un peu tout le monde. Celui-ci, celui dont je m'occupe, a été attrapé. Il a nié absolument toute participation. Et alors ce qui était caractéristique, c'est que pendant qu'on l'avait attrapé, en fait on l'avait attrapé, un policier le tenait sous son bras gauche, lui tenait la tête sous son bras gauche, pendant qu'une femme policier lui tenait les deux bras à l'arrière du corps, en lui faisant mal. Mais alors surtout, sur le chemin entre la Place de la Nation et la voiture de police qui stationnait plus loin, il a reçu une trentaine de coups de poing, toujours au même endroit, au-dessus de la tempe droite. Il en est résulté une bosse d'un centimètre d'épaisseur et un saignement. Arrivé en garde à vue, je l'ai assisté, j'étais ce jour-là de permanence, et il ne m'en a pas tout de suite parlé d'ailleurs, il en a parlé plus tard. Un garçon très calme, lycéen, en terminale. Alors comment ça se passe? On vous a appelé, est-ce que vous pouvez juste rappeler comment ça se passe en fait dans ces cas-là? Alors comment ça se passe? Parce qu'il n'avait pas d'avocat, donc comment ça se déroule comment? Alors il se trouve que, une légende court sur le fait que les avocats ne servent à rien en garde à vue. Alors c'est vrai qu'on n'a pas accès aux dossiers, mais en France en tout cas. Mais lui a considéré qu'il devait avoir un avocat, il a 18 ans, et il en a demandé un dès le début. Et donc j'étais ce jour-là de permanence, et quand c'est comme ça, les policiers appellent la permanence du barreau de Paris, qui appelle un des avocats de permanence, qui dit oui ou non, j'accepte cette garde à vue, et qui se déplace pour un entretien qui dure au maximum 30 minutes, et pour ensuite des auditions, donc un interrogatoire ou des interrogatoires. On avait assez bien préparé la chose avec ce garçon qui était très posé, je dirais assez cartésien. Et donc on s'est expliqué devant les OPJ, mais on avait prévu à la fin, lui ne voulait pas laisser passer la chose. Donc elle a dit « je veux porter plainte ». Alors là, c'est là que l'avocat lui a conseillé, non pas de dire « je porte plainte », mais « je me réserve le droit de porter plainte ». Pourquoi ? Parce que si on dit « je dépose plainte », alors à ce moment-là, on prolonge la garde à vue. Évidemment, il en avait marre, comme tous les gardés à vue. Et on fait venir les policiers qui sont de service ailleurs ou de congé pour une confrontation. Bien évidemment, les policiers préparent toujours la même version. D'ailleurs, la confrontation est généralement faite avec les deux ou trois ou quatre policiers en même temps. Donc tout le monde dit la même chose. Et lorsque l'OPJ interroge ses collègues de tous les jours, il leur dit « Alors, est-ce que vous confirmez ce qu'a dit monsieur Intel ?» Bah oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Et on a ça systématiquement chaque fois qu'un citoyen ose dire « Je porte plainte ». Et dans ce cas-là, effectivement, on instruit ça pendant la garde à vue. Donc je lui avais dit « Tu réserves cette petite phrase pour la fin, une fois qu'on t'a posé toutes les questions ». C'est ce qu'il a fait. L'OPJ, assez sympa, dit « Ah bah ça, c'est une phrase d'avocat ». Tout éclat de rire général. Ne n'empêche que ça a été gravé dans le marbre, puisque ça a été tapé, c'est dans le PV, et comme par hasard, deux heures plus tard, l'affaire était classée sans suite. Mais lui, il ne voulait pas en rester là. Je l'ai retrouvé quelques jours plus tard, une fois qu'il s'est un peu remis de ses émotions, et il a dit « Je ne laisse pas passer, je porte plainte ». Je lui ai expliqué un petit peu ce qu'il en était des plaintes contre les policiers, de la saisine de l'IGS qui peut se faire séparément, qui pour moi est un endormissoir, mais pas autre chose, un étouffoir d'affaires. Ceci dit, il n'est pas inutile de saisir les deux, et de porter plainte, et de saisir l'IGS. De toute façon, quand on porte plainte contre des policiers, on saisit l'IGS. Et souvent, ça se termine par un classement sans suite. Donc, moi, j'étais plutôt partisan, s'il était un peu vindicatif, d'un dépôt de plainte, point, et puis d'essayer d'obtenir l'audiencement d'une affaire, et pas que ça se termine en autre boudin à l'IGS. Et il vient de me confirmer, il y a un peu plus d'une heure maintenant, qu'il déposait bien plainte, bien qu'il soit très pris par ses examens, puisqu'il prépare le bac S. Et donc, je rédige la plainte cette semaine, et il la vérifiera, et il la signera, et elle partira au procureur de la République. Ah, très bien, donc c'est bien, il est allé jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'était un peu le questionnement que vous pouviez avoir, voilà, même vous. Tout à fait, encore hier. Est-ce que, encore hier. Hier, vous disiez, je n'ai pas de nouvelles, donc est-ce qu'il va aller jusque-là, Manon ? Pardon. Voilà, mon micro, j'arrive. Est-ce qu'une fois que la plainte est déposée, donc ce que vous allez faire très prochainement, quelles vont être les suites puisque là, comme c'est séparé de l'IGS, comment ça se passe c'est d'autres policiers qui vont enquêter sur les faits ou alors, un magistrat va être... Alors quand on dépose plainte, on est obligé aujourd'hui, c'est une réforme qu'on doit à Sarkozy, ça, on ne peut plus saisir, comme autrefois, directement les juges d'instruction. Hein, c'était la plainte à la constitution de partie civile. Il faut désormais porter plainte, simple, si je puis dire, auprès du procureur de la République ou dans un commissariat ou une gendarmerie. Évidemment, on n'est pas toujours très bien accueilli dans ces cas-là. Ça peut être un peu délicat. Là, c'est pour ça qu'on préfère la plainte écrite au procureur de la République. Pardon. Et après ça, c'est seulement si un délai de 3 mois, au bout de 3 mois, il ne se passe rien, ou s'il y a un classement sans suite au bout d'un certain temps, qu'on peut saisir le doyen des juges d'instruction d'une plainte à la constitution de partie civile pour demander réparation. Donc il y a cette première étape de d'abord une plainte simple et obligatoire. Ouais. Et le classement sans suite, je suppose qu'il doit être justifié. Non. Ah, d'accord. Non, le procureur classe ou pas. À son Donc en général, quand c'est classé sans suite, le plaignant reçoit un petit papier en lui indiquant la plainte déposée le temps et alors la décision est classement sans suite. Et la personne peut faire appel ou décider de porter plainte avec son partie civile ou il y a d'autres voies, mais ce sont les principales. C'est pas un peu problématique qu'il n'y ait aucune justification d'un classement sans suite comme ça ? Bien sûr que ça l'est. Cependant, aujourd'hui en France, la seule obligation de motiver une décision concerne les décisions judiciaires. Or, le parquet, les procureurs ne sont pas considérés comme des juges, aux yeux en tout cas, de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce donc, qu'ils ont trop de liens, parce qu'ils ne sont pas des magistrats indépendants. Bien sûr qu'ils ne le sont pas, puisque de façon statutaire, ils sont soumis hiérarchiquement à leur ministre de tutelle, qui est le ministre de la Justice. Donc ils peuvent recevoir des ordres. Notamment verbal, sur les classements sans suite. Surtout, toutes sortes d'affaires. Alors, on va continuer avec vous. Et avant de continuer, on va écouter justement donc le reportage qui a été fait hier devant le tribunal de grande instance. Karim, dis un petit mot dessus, s'il te plaît. Alors voilà, on revient sur les 4 du 17 avril, juste pour revenir et pour recontextualiser, 17 avril, suite à une manif, les fameux jeudis, un appel donc à NAG est formulé lors de la manif et une interpro se passe à Tolbiac. Les forces de l'ordre interviennent, 30 se font nasser à la sortie de l'amphi N de Tolbiac et la nasse cède sous la pression populaire. Et là, telle une volée de moineaux, tout le monde court et les flics courent après ceux qui courent pour se libérer, etc. En étant moins moineaux quand même. Voilà, ouais. Et quatre se font attraper et je crois qu'ils passent en garde à vue. Oui, garde à vue, qui est relativement courte. Bonne question, est-ce qu'elle est courte? Oui, elle est relativement courte puisqu'elle dure 24 au lieu de 48 heures. Après, on est déféré au parquet et on est amené en comparution immédiate. On l'a tous refusé dans le sens où on a le droit, elle est de droit, le renvoi est de droit. Donc la juge demande si on veut un renvoi pour avoir le temps de préparer notre défense, n'est-ce pas? Et du coup, on a tous accepté demander le renvoi. Ce qui nous a amené à aujourd'hui, le 9 mai 2016, à 13h au TGI, à 23e chambre, 23-1. Et voilà, pour un renvoi d'audience correctionnelle, où la juge était censée avoir pris connaissance d'un certain nombre d'éléments. C'était l'objectif du renvoi, c'était de se donner le temps de la défense, ce qu'on a fait. Et surtout, on a produit des vidéos. On a demandé de pouvoir visionner des vidéos durant l'audience. Pour les visionner, elle pouvait tout à fait, sachant qu'il y aurait des vidéos visionnées, elle pouvait mettre à disposition un écran et regarder les vidéos, puisque ça permettait en fait d'alimenter un débat contradictoire qui aurait permis en fait qu'on se défende, qu'on ait une défense en bonne et due forme avec des avocats qui plaident et qui se servent comme support de la vidéo et des attestations de témoignages qu'on a aussi dans le dossier pour contredire en fait l'accusation, quoi. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, la juge en a décidé complètement autrement. On était quatre à se défendre avec quatre avocats, donc chacun un avocat, quoi. Elle a coupé la parole des avocats et elle les a surtout pas laissé plaider, en fait. Elle a estimé qu'elle n'allait pas juger ce dossier sur le fond, qu'elle voulait le renvoyer, demander l'ouverture d'une information judiciaire, donc de transmettre le dossier à un juge d'instruction. Elle avait décidé ça par avance et son audience, cette audience-là, aujourd'hui, n'avait que pour seul intérêt de nous faire accepter cette décision prise en amont, c'est-à-dire une décision arbitraire et un jugement en amont de tout débat contradictoire. Et elle a tout fait pendant l'audience pour qu'il n'y ait pas de débat contradictoire. Elle m'a demandé, par exemple, pourquoi j'ai refusé la prise d'empreinte digitale et génétique. Elle m'a dit quelles étaient mes motivations et j'ai à peine commencé ma phrase qu'elle m'a dit « oui, bah c'est bon ». Après, il y a eu quand même, les avocats se sont un peu montés, ont commencé à exprimer leur désaccord par rapport à la manière dont ça se passait, en disant qu'il n'y avait pas de débat contradictoire et qu'il fallait quand même qu'ils puissent en fait visionner la vidéo, qu'il n'y avait rien qui s'opposait à la vision que les juges le fait, y compris elle l'a déjà fait. Et un des avocats qui était là l'a déjà fait avec cette juge, donc elle ne pouvait pas nier le fait que ça se faisait. Elle a prétendu que les vidéos qui étaient sous scellés, donc les vidéos de surveillance de Paris, ne pouvaient pas être visionnées parce qu'elle ne pouvait pas ouvrir les scellés en audience. Alors, elle peut le faire, en fait. Ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un débat contradictoire, elle peut faire tout ça, quoi. Elle ne voulait pas et elle s'est obstinée. Il y a eu une suspension d'audience pour qu'elle prenne sa décision sur si oui ou non elle allait juger aujourd'hui. Et après le retour, elle nous a annoncé de but en blanc sa décision. Mais c'est-à-dire le transfert de, enfin l'ouverture, la demande d'information, le renvoi au parquet en fait, pour au procureur qui lui va prendre la décision si oui ou non il demande l'ouverture d'une information judiciaire. Ouais, c'est compliqué. Et à ce moment-là, elle a dit et voilà, je prolonge le contrôle judiciaire en conséquent. Et là, les avocats aussi ont dit mais c'est quoi? C'est où est le débat contradictoire? On doit au moins plaider. Contre le contrôle judiciaire, notre point de vue sur le contrôle judiciaire doit pouvoir être entendu. Elle a tilté un moment, elle a dit elle sentait bien qu'effectivement elle était totalement en dehors de la légalité, du cadre légal, parce qu'il est censé y avoir un débat contradictoire, surtout pour un contrôle judiciaire, quoi, puisque c'est déjà une forme de sanction. Et elle a eu l'air de douter une demi-seconde, puis elle a dit oui, non, mais en fait, elle n'a pas écouté du tout le plaidoyer des avocats. Le contrôle judiciaire, il est relativement léger dans le sens où il y a pire, mais c'est un contrôle hebdomadaire durant toute la durée de l'instruction, sachant que l'instruction peut durer un an et que je pense qu'ils vont se donner les moyens qu'elle dure le plus longtemps possible. Voilà, nous sommes toujours donc au Petit Tonneau qui nous accueille ce soir exceptionnellement à côté de la place de la République. Voilà, parce que c'est une soirée un peu spéciale et que toutes les commissions, l'Assemblée Générale en général, qui se tient donc place de la République et s'est délocalisée à côté de l'Assemblée Nationale, voilà, liée au 49-3. Donc, on revient avec vous, maître à salle, comme on dit. On dit maître, voilà. Moi, ça me fait toujours bizarre. Mais donc, est-ce que par rapport à ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous avez à nous dire déjà, vous, de votre première impression, c'est quoi? On vous a vu hocher de la tête, être d'accord, semble-t-il un peu moins d'accord à certains moments. Alors, quelles sont vos réactions? Oui, bon, il est normal que la personne qui est envoyée au tribunal coupe les cheveux un peu en quatre. C'est son ressenti, et ça, je le comprends, parce que ce n'est pas un moment spécialement drôle. En tout cas, je connais aussi cette présidente, et c'est vrai qu'elle est, elle aussi, du style à couper les cheveux en quatre, hein, à couper la parole régulièrement aux gens, enfin aux prévenus en tout cas. Pour autant, c'est vrai aussi qu'il y avait une remarque que je voulais faire, le renvoi à l'instruction, effectivement, ça se passe avec l'avis du parquet. Le parquet... Je ne comprends pas, voilà, par exemple. Je suis néophyte complètement, voilà. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si le président d'audience avait choisi, par exemple, un complément d'information, oui, eh bien, elle dirigeait le complément d'information. Alors que là, on confie une partie de l'enquête à la décision du parquet, c'est-à-dire aux procureurs qui sont sous les ordres du gouvernement. C'est statutairement, c'est comme ça. Ils sont sous les ordres de leur ministre de tutelle qui est ministre de la Justice. Et donc, bien évidemment, du gouvernement. Et donc, bien évidemment, c'est une orientation première. Hein, bien évidemment. C'est peut-être aussi, alors sans vouloir l'excuser spécialement, c'est vrai que le jeu, si je puis dire, de la comparution immédiate, qui d'ailleurs, effectivement, peut être refusé, pour avoir le temps de préparer sa défense, le jeu, c'est d'aller relativement vite pour des affaires relativement acquises. Oui, mais alors, ce que je ne comprends pas, juste question, c'est-à-dire qu'ils ont refusé la comparution immédiate. Donc, il y a procès. Et vous dites qu'il y a audience. Mais tout repose sur le fait qu'ils aient refusé, en fait. En fait, quand on refuse la comparution immédiate, automatiquement, on décide d'un renvoi et on décide d'une date d'audience. Et on décide de ce qu'on va faire entre-temps, à plusieurs points de vue. Ça peut être effectivement le contrôle judiciaire des gens ou pas, d'ailleurs. Et là, il est normal d'exiger un débat, bien évidemment. Mais également sur le sort de l'enquête, puisqu'on considère qu'elle n'est pas complète. Et donc, c'est là qu'une décision est à prendre. Et donc là, la décision de la présidente a été de confier une partie de l'enquête, en tout cas la décision d'une partie de l'enquête, au parquet. C'est lui qui va donner son avis. Donc elle renvoie. De toute façon, il fallait renvoyer puisqu'il a été demandé. Et il est de droit. Le renvoi est de droit en comparaison. Oui, mais est-ce qu'elle, là, sur ce moment d'hier, elle n'aurait pas pu agir autrement? Qu'elle aurait pu juger. Il y aurait pu y avoir un débat contradictoire, comme justement il est fait état dans ce reportage. Alors, elle aurait pu juger, mais sans les éléments que les avocats voulaient voir rapporter. Car, en réalité, il faut quand même savoir qu'il y a quand même des tribunaux où on m'a dit on n'a pas de télévision. Alors, à Paris, il y en a, mais ça suppose une mise en place, une petite organisation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est réel. Je crois qu'il doit y avoir un ou deux téléviseurs pour les audiences qui ne se trouvent pas en permanence dans une salle d'audience, d'ailleurs. Hein. Il faut les amener, il faut faire venir des techniciens, etc. Et ça, je peux comprendre encore. D'un point de vue pratique, je pense que ce n'est pas réalisable sur le champ. Et le complément d'information pouvait donner suite à un renvoi de l'audience. En fait, à partir du moment où on décide, à partir du moment où les prévenus demandent le renvoi, parce que c'est ça qu'ils ont demandé, le renvoi est de droit, on doit le leur accorder. Eux, ce qu'ils disaient, c'est on demande qu'au moins entre-temps, eh bien, on puisse produire des moyens de preuve qui, à notre sens, nous sont favorables. Voilà. Et donc, la présidente a préféré renvoyer ce type de décision à quelqu'un d'autre qui sera un juge d'instruction. C'est ça. Au parquet qui décidera. Au parquet qui décidera de renvoyer, éventuellement de saisir un juge d'instruction. Je pense que c'est ce qui va se faire. Mais c'est vrai que c'est aussi une façon, d'un point de vue plus tactique, de dégonfler la tension du jour. Ça, c'est l'analyse que vous faites. C'est une analyse de première. Parce que l'un des prévenus, c'est pas l'analyse. Sensation. Voilà, parce que lui, il subit le contrôle judiciaire, oui. Et c'est pas le seul. Oui. Il y a un Italien dans les quatre. Donc il peut pas non plus rentrer chez lui. Alors, il faut savoir qu'un contrôle judiciaire peut se modifier. Voilà. Hein, on peut demander la modification d'un contrôle judiciaire tant que l'affaire n'a pas été envoyée, à l'instruction, qu'elle ne dépend pas d'un juge d'instruction qui a été nommé. On saisit le tribunal et on dit voilà, écoutez, moi j'ai des examens à passer, ou moi je vis à l'étranger, ou moi j'ai un problème de santé. Une fois par semaine, c'est trop. La norme, c'est plutôt une fois tous les 15 jours, voire une fois tous les mois quand on commence à desserrer un peu un contrôle judiciaire. Je demande son allègement. En général, quand les gens ont ce qu'on appelle des garanties de représentation, en gros un domicile et des occupations, eh bien, légal de préférence, eh bien, à ce moment-là, on leur accorde la modification du contrôle judiciaire à leur avantage. On peut même demander la levée complète, hein, la main levée, comme on dit, du contrôle judiciaire. C'est tout à fait réalisable. Ça, c'est au bon vouloir du... Ça veut dire surtout que les gens vont devoir suivre leur dossier ou le faire suivre et donc, pendant les mois qui viennent, eh bien, rester réactifs, hein, et dire, bon, écoutez, moi, j'en ai marre du CJ. Donc là, ils sont sous le contrôle judiciaire. Ouais. Parallèlement à ça, il y a une instruction qui est donc ouverte. Enfin, alors, si elle est ouverte, effectivement, il y a un juge qui enquête. Et donc, il va se faire communiquer tous les documents que les parties présentes vont leur demander de pouvoir produire. Les parties présentes, c'est bien sûr le ministère public, c'est-à-dire les procureurs, mais également les plaignants, s'il y en a, et les prévenus, et il y en a. Ça représente une contrainte, ça, cette instruction ? C'est une contrainte d'organisation et de respect assez strict des textes du Code de procédure pénale. Mais enfin, bon, on vise toujours l'article 82.1 du Code de procédure pénale. Donc, voilà, demande d'acte, je demande que soit saisie telle et telle vidéo, par exemple. Alors, il faut savoir qu'il faut faire vite, parce que les vidéos, par exemple, de la ville de Paris sont conservées un mois, lorsqu'elles sont probantes, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais... Une petite question. Pourquoi ces vidéos sont restées sous scellés ? Pourquoi elles n'ont pas été visionnées lors de l'audience ? Alors, je ne suis pas dans le dossier, donc je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. D'accord. En revanche, donc je ne sais pas si c'est le moment, j'ai un autre dossier en charge, qui est celui d'un c'est pas un manifestant au sens propre du terme, c'est un maintenu sur place, quelqu'un qui se maintenait place de la République. Il est passé dernièrement, donc il a été placé en garde à vue, il a été interpellé parmi d'autres, avec trois chefs de prévention. Qui était premièrement participation à une manifestation interdite par arrêté du 28 avril. Et donc on se situe là entre le 28 et le 29, dans la nuit du 28 au 29 avril. Et également, alors violence à personnes dépositaires d'autorité publique, en l'occurrence, les policiers se plaignaient d'avoir reçu des bouteilles qui avaient attiré sur leur bouclier. Bon. Et puis il y avait un troisième motif qui était le maintien. Dans une manifestation après sommation. Le parquet a dû s'apercevoir... Oui, le parquet a dû s'apercevoir de l'ineptie du premier motif parce que l'arrêté qui était joint à la procédure ne visait que l'interdiction pour des camions de nourriture, pour l'émission de musique, etc., et les cortèges. Or, il n'y avait pas de cortège. Donc ils ont abandonné cette prévention et lorsqu'on est passé... ce jeune homme qui est étudiant en 5e année de philo a été placé en garde à vue, il a fait 48 heures et il a été ensuite déféré, ce qui veut dire qu'on prévoyait une comparution immédiate. Le déferrement tombait le dimanche, or le dimanche on ne juge pas, donc on passe devant un juge des libertés de la détention qui décide dans l'intervalle de temps, c'est à dire pour que vous soyez éventuellement jugé en comparution immédiate le lendemain, le lundi, de vous envoyer en détention, en prison, donc à Fresnes ou à Fleury-Mérogis, oui. Et avec ce que ça suppose de fouilles corporelles, etc., qui seront à la mode maintenant, qui reviennent à la mode à la demande des matons. Donc là, évidemment, il faut prouver que la personne a des garanties de représentation, etc. Et en l'occurrence, le JLD, le juge des libertés de détention, a considéré, ce sont ses termes, que lui et les 3-4 autres qui sont passés ce jour-là n'avaient pas, ce sont ses termes, n'avaient absolument pas le profil pour aller dormir en détention. Et donc leur affaire est audiencée pour la fin juin. Et donc je suis ce dossier également. Alors il faut savoir que dans cette affaire, on a un procès-verbal type qui est le même pour les 4 personnes qui sont passées devant le JLD ce jour-là. Et qui nous dit qu'il y a des mouvements de foule, que les gens vont en avant puis partent en arrière, qu'il y a des bouteilles qui sont lancées, mais personne n'est identifié formellement. Et très bizarrement, le procureur qui suit la garde à vue demande aux policiers d'interroger les autres policiers ceux du commissariat, donc d'interroger les policiers présents, les interpellateurs, en disant est-ce que vous pourriez aller reconnaître les personnes. Et puis ils ne peuvent pas, ils sont en intervention, ils sont en congé, ils sont partis, etc. Finalement, au bout de 3 ou 4 demandes, on finit par en avoir un, en obtenir un. Donc effectivement, un des policiers interpellateurs présents sur le procès verbal et qui dit eh bien finalement, la personne qui a été interpellée et qui sera ultérieurement identifiée comme étant Monsieur X a bien jeté des bouteilles. Alors on ne lui présente pas de photos, on ne lui présente pas la personne, il n'y a pas de confrontation, il n'y a strictement rien. Il ne le décrit pas ni physiquement ni par ses vêtements. Mais ça s'est fait par téléphone. Par téléphone, ça, il dit celui qui sera identifié ultérieurement comme étant, on vient lui donner le nom de la personne, est l'une des personnes qui a jeté les bouteilles. Voilà ouais. Le genre de choses qui seront jugées. Ça, Karim, c'est important parce qu'il nous l'a dit aussi, ça se fait souvent par téléphone. Les mecs ne sont même pas là. Ce sera l'objet d'un fort débat. Oui, ouais. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on aurait envie de continuer là, on va pas le faire, mais parce que moi, ça me pose beaucoup de questions sur plein de choses, même au niveau de l'instruction, etc. Et cette fameuse juge qui est quand même considérée dans le milieu, pour être une juge très autoritaire, très cassante, elle n'a pas laissé beaucoup de place aux avocats, ni aux prévenus, je ne sais pas comment on dit. Elle leur a pas laissé la possibilité d'émettre à peine une tentative, tac, elle l'a cassée, etc. Donc c'est difficile d'avoir affaire à des juges comme ça quand on n'a pas l'habitude non plus de ce milieu-là, qui est un milieu quand même très fermé, où tout le monde se connaît malgré tout comme tous les milieux. Mais c'est des milieux où quand même chacun sait comment fonctionne l'autre, donc on peut avoir aussi des réactions par rapport à ça quand tu es face à des gens qui sont arrêtés, qui c'est leur première arrestation. Je trouve ça assez incroyable de se retrouver dans des situations comme ça et de pas pouvoir aller jusqu'au terme de quelque chose. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup choquée hier. C'est abyssal, hier. Comme question. Oui, c'est abyssal, mais c'est vrai que voilà, il y a vraiment, je pense, une éducation à faire. À l'école, moi, si je devais prôner un truc, c'est faire une éducation à l'école de comment le rapport à la justice et comment on peut apprendre des choses déjà bien en amont pour peut-être mieux se défendre par la suite. En commençant par la connaissance de la Constitution. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Je vais passer le micro à Tristan. Non, c'est Pierre, mais c'est pas... Du coup, on est avec Sarah... On est donc avec Sarah qui est à Marseille. Sarah, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Super. Alors du coup, raconte-nous un tout petit peu ce qui se passe à Marseille en ce moment. Donc ce qui se passe à Marseille depuis 18h, il y a eu une assemblée interlutte organisée par tous les collectifs de lutte et Nuit Debout sur une place qui s'appelle la place des réformés. À ce moment-là, quand on est arrivé, il y avait énormément de policiers et de CRS qui nous ont nassés. Ça a duré environ une heure et demie avant qu'en fait une deuxième nasse se forme parce que des manifestants se regroupaient autour de la première. Là, il y a eu un espèce de quiproquo qui fait que la nasse s'est ouverte. On a pu partir. On a rejoint le cortège de la CGT qui a appelé aussi à un rassemblement sur une seconde place. À ce rassemblement, donc la CGT a donné ses mots d'ordre et une partie des manifestants sont partis en manifestation sauvage et pour converger ensuite sur le Vieux-Port qu'on occupe là actuellement par une assemblée Nuit Debout qui se focalise sur ce qui s'est passé aujourd'hui, revient sur le 49-3 évidemment, revient aussi sur l'état d'urgence et les violences policières, le lien qu'il y a entre les deux et là s'organise entre aussi syndiqués présents, militants présents, vraiment c'est une assemblée très hétérogène qui est en train de communiquer pour reconstruire le week-end, sachant qu'on fera samedi soir une immense nuit debout sur le Vieux-Port et dimanche un global pique-nique pour répondre aux appels nationaux. Et voilà. Moi je trouve que c'est plutôt chouette ce que tu racontes en fait. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette ce que tu racontes parce que c'est vrai qu'il semble qu'il y ait une hétérogénéité des profils. Ce sont des profils assez différents qui soient là ce soir en manif. C'est-à-dire des gens qui sont syndiqués, des gens qui sont occupants d'une place sur Marseille. Tu confirmes ? Ah, je crois que nous l'avons perdu. Et je crois qu'on va la rappeler. Voilà, on va la rappeler. Voilà. Moi, je vais vous dire, vous auditeurs, pourquoi je réagissais comme ça. Parce que, voilà, ça sonne. Parce que moi, ce matin. Voilà. Ah. On a été coupé, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Alors, ce que je te disais, c'était que je trouvais ça plutôt sympathique de t'entendre raconter ce que tu étais en train de vivre, et surtout parce qu'il y avait une différence de profil des gens qui étaient là ce soir. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient occupants de la place, et puis il y avait des syndiqués aussi. Il y a encore des syndiqués là. Voilà, et là oui, en fait, comme les rassemblements se sont rencontrés, en fait, les différents rassemblements, on a décidé tous ensemble, tous les gens qui en avaient envie, en tout cas, de créer cette Nuit debout au Vieux-Port qui n'était vraiment pas prévue ce soir, vu qu'on se concentrait, que les participants se concentraient sur celle de ce week-end. C'est ça. Mais voilà, et là, on doit être, je sais pas, je peux peut-être vous donner un nombre, 200 ou 300 personnes. D'accord, parce qu'il y a la CGT qui vous a rejoint. Moi, je dis ça parce que j'ai réagi. Parce que c'est vrai que en fin de matinée, moi j'étais sur la place à Montparnasse, devant la gare, où il y avait un rassemblement de cheminots. Parce qu'aujourd'hui on est le 10 mai et c'était un appel national à manifester chez les cheminots. Et c'est vrai que j'étais un peu attristé qu'aucune référence à la loi El Khomri soit faite. Et je me dis, il n'y a pas de lien entre ce qui est en train de se passer. Pour les étudiants et pour les occupants et est-ce que vivent les cheminots, et je trouvais ça un peu triste, et là ça me réjouit un peu de d'entendre ce qui se passe sur Marseille, quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est à Marseille, il faut savoir qu'on est clairement en discussion tout le temps, un peu sur justement savoir comment on peut soutenir, comment on peut converger réellement. C'est une question qui nous intéresse beaucoup. Et voilà, ce soir, c'est quand même arrivé à une assemblée extrêmement hétérogène où chacun va venir aussi présenter la manière dont il lutte dans son entreprise et donner, je pense, donner des pistes pour qu'on puisse tous partagés. La question de la grève des fonctionnaires a été longuement abordée en début d'AG. Donc il y a vraiment des choses comme ça qui sont en train de se passer, vraiment qui bougent, quoi. Ah, super. Et du coup, il y avait, quelques doutes par rapport à la mise en place de Nuit debout à Marseille, par rapport à l'appel à rassemblement qui se faisait, par rapport à des gens qui doutaient de ce rassemblement. Est-ce que du coup, là, aujourd'hui, par rapport à ça, ça s'est un peu dissipé? Vous êtes un peu plus rassemblés? Alors oui, je crois que je pense que à Marseille, comme sûrement peut-être dans d'autres villes, mais c'est que mon avis, hein, comme on a pris le train en marche, on avait besoin aussi d'un moment clé en fait où se retrouver. Et là, c'est vrai que l'assemblée ne ressemble. On a eu des très grandes assemblées à 600 personnes, 700 personnes à Marseille, mais là, l'assemblée ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait. C'est vraiment des gens militants qui sont là et finalement, je pense qu'on avance une réelle volonté de convergence avec les associations et les différents collectifs de lutte aussi, parce qu'il faut savoir que Marseille est une ville très éclatée, donc là c'est le moyen de se retrouver. Il y a aussi les comités des facs, les comités lycéens, enfin tout le monde est représenté ce soir, quoi. Tout le monde est là. Super, bah, merci beaucoup Sarah d'avoir répondu au téléphone. Je crois que du coup il y a quelques tensions. On va continuer avec un petit reportage. Karim, t'as quelque chose pour nous? C'est le passage du 49.3, alors tu parles s'il y a des tensions. D'accord. Il y en a partout, il y en a à Marseille là avec Sarah, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y a les copains qui sont devant l'Assemblée nationale, etc. Là justement on va vous passer un petit PAD. C'est pas un petit, hein, c'est un PAD, un prêt à diffuser qui s'intitule Tension, et c'est le copain, les fameux copains du bruitagène. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. 64 mars. Manif à l'appel des étudiants et des lycéens. Pas de syndicat. Debout, soulève-toi! Debout, soulève-toi! Là, il y a le camion canon à eau. Il y a la BAC qui a attaqué. Ça a créé immédiatement une confusion énorme. Les gens courent dans tous les sens. Il y a une minette qui a essayé de les arrêter, qui s'est fait balancer par terre. Et il y retourne. Il y a les BACEUX qui sont hyper remontés. Ils font des signes genre viens, viens, viens. Et un flashball. Il recule. Il y en a un qui filme. Balle ton flashball ! Une scène improbable là, parce qu'il y a les flics qui ont des flashballs qui visent la foule, et en fait entre la foule et les flics il y a des pompiers qui passent. Doucement les gars, doucement. Oh, ça va, je vais chercher l'enfant à la crèche. Oh, putain. Non, sans pitié, là. Ils ont tiré des trucs sans pitié. Mais c'est ouf. C'est impressionnant. C'est ignoble. C'est comme putain, ça que tu brûle demain. Tout. C'est où, la crèche? Par là. Par là, rue Malherbe. Par là? Passez avant que les flics arrivent, alors. Oui. Allez, venez, venez. Ça va se calmer après. Oui, oui, oui, non, mais ça fait longtemps que je suis chilienne. J'habitais à côté de la fac, la plus contraire à la dictature. Je suis habituée aux bombes lacrymogènes, mais ça fait longtemps que je n'ai pas reçu. Et honnêtement, j'avais oublié que les policiers étaient comme ça, quoi. Genre, même ici, la honte. Chili, ils tirent sur les gens, mais on est en France, s'il vous plaît. On n'a pas passé 17 ans de dictature ici. C'est horrible. Bon, je vous encourage. Hein. Merci à vous aussi. Salut, salut. Là-bas qui est hyper proche, ils sont juste derrière et ils vont arrêter. Attention ! Ils vont manger des trucs. Ils visent, attention. C'est la débandade, tout le monde court, on ne voit plus rien. Bombe de désencerclement. Le mec qui arrive avec sa matraque, il est prêt à dire CRS tout seul, il court. Il est prêt à taper. Il va taper. Et il essaye de frapper les manifestants. Il y a un qui vient par derrière, un manifestant qui vient par derrière, qui le fait tomber. Et voilà, il est tout seul. Ça, c'était évident. Il est à terre. On lui arrache son casque. Non, arrêtez, stop! CRS arrive en courant, ils nous insultent, ils essayent de nous frapper. Rassemblez-vous ! On s'est parmi pas ! Car la grève des mères repourront gris ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans. Tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri en ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille souvent sans peur. On refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères. Au bourreau, grille ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui aime la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. On refuse de peupler la terre. Adieu, Toku. Arrête la fécondité. Déclare la grève des mères. Adieu. Au bourreau, grille sa volonté. Défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans. On est bien un peu de choses. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À Nantes. Et voilà, réveillez-vous, c'est Radio Debout. Alors aujourd'hui, Radio Debout, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas sur la place de la République, parce qu'il n'y a personne sur la place de la République. Les gens sont devant l'Assemblée nationale. Alors là, je me fais un nouvel exercice. J'essaye de régler les micros en même temps que je parle. Et visiblement, c'est une catastrophe pour tout le monde autour de moi. J'espère que pour vous, chers auditeurs de Radio Debout, on n'a pas dézingué vos enceintes. On n'est pas place de la République parce qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bâche, il pleut à Paris, il faut le savoir. Et une grosse partie de l'équipe est allée essayer de voir, essayer de comprendre et essayer d'accompagner ce qui se passe en face de l'Assemblée nationale. On va appeler quelqu'un ? On a Nicolas au téléphone, je crois. Et je voudrais juste préciser, pendant qu'on est avec Nicolas, avant qu'on soit avec Nicolas au téléphone, on remercie encore une fois le Bruitagène à Nantes qui vient nous envoyer le son, le petit reportage que vous venez d'entendre. Et peut-être que maintenant, on a Nicolas en ligne. Nicolas, t'es là ? Oui, on est là. Ouais, super. Nicolas, alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es avec Max déjà ? Max, qui est lycéen, qu'on devait accueillir là, ici, au petit tonneau. Tu es avec lui ou pas, là ? Attends, là, t'as Marseille au téléphone. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah, Marseille ! Ah, mais c'est génial ! Comment on passe de l'Assemblée nationale à Marseille ? Alors, vous avez une Assemblée nationale à Marseille ? Oui, on est Marseille. On n'a pas eu de Max. Par contre, on vient de parler 10 minutes sur votre radio. Avec Sarah. Donc c'est super, on est hyper content de t'avoir de nouveau, ça c'est génial. C'est les directs, c'est-à-dire qu'on t'a rappelé et c'est super, t'as attendu sagement pour parler et pour reparler. Donc en fait, on va te laisser, hein, si tu as des trucs hyper importants à nous dire, tu nous les dis tout de suite. Sinon, on va essayer d'appeler donc, du coup, Nicolas et Max qui sont à l'Assemblée nationale ce soir. Et en fait, on s'est trompé juste de numéro, ok? Donc, tu avais un petit truc, une petite conclusion à nous donner à Marseille, là ? Puisqu'on se rappelle. Non, non, à Marseille, on est là, on se mobilise et on parle de notre travail. On essaie de discuter comment on va donner une issue là, à ce mouvement et comment on va riposter, en fait. Comment on va riposter. Ok. Eh bien, écoute, on se tient au courant. À très vite. Merci beaucoup. Okay, au revoir. Merci. Désolé. Merci. Au revoir. Radio Debout. Voilà. qui c'est qui rappelle? Radio Debout, voilà, c'est les aléas du direct, hein, ou comment se tromper le numéro. On a beaucoup d'aléas, nous. Exactement. Enfin, et faut juste en même temps, on est qu'en direct. Voilà, et aussi, il faudrait vous dire que nos répertoires de téléphone, depuis Nuit Debout, c'est un foutoir incroyable. Et du coup, on appelle Sarah au lieu de Nicolas, Nicolas au lieu de Sarah. Enfin bref, moi je voulais vous parler du 49.3 parce que ça m'a fait penser au 49e parallèle, 49e parallèle qui est un film suspense qui date de 1941 et je me suis dit qu'en fait on pouvait éventuellement faire un remake du 49e parallèle qu'on appellerait le 49.3e parallèle. Ça serait un film suspense avec des sous-marins socialistes torpilleurs dans les eaux troubles de la 5e République. Son arme favorite, justement, le 49.3. Bon. Une arme fatale aux velléités pour les velléités démocratiques. On a un thriller sans précédent qui marquera votre soirée et qui pourrait être produit par Nuit Debout Productions. Voilà, ça serait ma proposition fiction. Donc si vous voulez nous envoyer un scénario, surtout n'hésitez pas. En face de moi, Lise Marie, Pierre et Karim sur leur téléphone qui tentent toujours de joindre Nicolas et Max qui eux sont nassés justement devant l'Assemblée nationale parce que sachez qu'on n'a pas l'impression comme ça depuis notre bar mais on suit ce qui se passe un peu partout en France sur justement les mobilisations autour du 49.3. Alors oui. Alors ce qui est un peu chaud c'est qu'en effet ça pète donc il vient de m'envoyer oui mais ça pète. Allô. Allez-y. Ouais Nico. Ouais ça va Nico. Ouais, bah c'est ça fait un peu de partout, ils sont surarmés, on est coincés, on comprend pas ce qui se passe, on est menés d'un point à l'autre. D'accord. Il y en a qui ont essayé d'aller à Solferino, il y en a qui ont été sur les quais, qui se sont fait allumer, on a vu ça par le haut. Après, nous, on s'est fait allumer par en haut aussi, et on fait pas, en fait, on fait pas ce qu'ils veulent faire, on fait pas où ils veulent, on fait pas. Donc là, ça fait un tout petit peu calmer, on est main levée devant les camions, D'accord. Mais je pense qu'il y a eu des blessés. À mon avis, il y a eu des blessés. Il y a eu des... D'accord. Et... J'en ai pas vu, moi, mais à mon avis, il y en a eu. T'es avec Max, là, ou pas, toi? Je suis avec Max et ses copains, là. Ouais. Donc, on essaye de rester groupés depuis tout à l'heure, on y okay. arrive. D'accord. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à sortir, en fait, c'est ça? Vous êtes combien par rapport au nombre de flics? C'est quoi la proportion? Ils nous ont séparés en plusieurs trucs. Il y en avait qui étaient sur les quais. Nous, on est en haut, il y en a qui font... En fait, ils nous coupent, ils nous tronçonnent. Là, nous, on est entre deux séries de camions et on est poussé vers le métro, on est au niveau d'Orsay. D'accord. Donc, vous êtes quand même déplacé un peu. Ils vous font avancer comme ça. Ils vous ont pas jeté dans la Seine pour l'instant. Non, ils ont pas jeté dans la Seine. Mm. Ceux qui étaient sur le quai, on a pris plein la gueule, hein, vraiment. D'accord. C'est-à-dire, vous avez pris plein de lacrymo, ils ont repoussé à coup de lacrymo, de trucs qui pètent là. Ouais. D'accord. Et maintenant, on est tout à fait vers le métro au niveau d'Orsay, tu vois, devant le musée. Et vous êtes combien là à être nassé comme ça là, c'est le difficile. Dans la nôtre, à mon avis, il y en a plusieurs. Hein. Dans la nôtre, on est, je dirais qu'on est 300. 300 dans votre NAS. Donc, ça veut dire qu'il y a... Oui, mais c'est pas la seule, à mon avis. Non. Il y en a qui sont restés à l'Assemblée. Il y en a... Tout à l'heure, nous disais qu'il y avait à peu près trois NAS, enfin, trois groupes de manifestants qui étaient... Oui, alors là, je parle d'autre chose. Je parle du gros groupe qui a essayé de sortir, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai eu. Ouais. On a essayé de sortir en masse. Ce gros groupe-là... Oui. Ce gros groupe-là s'est fait balader. Ils sont très, très armés. Enfin, voilà. Et puis... Et c'est ce groupe-là qu'ils ont retronçonné, je pense. D'accord. C'est ce regroupe. D'accord. Est-ce que en fait, à un moment donné, ils sont laissés on les a débordés, ils étaient peut-être désorganisés, je ne sais pas. Donc, il y a même eu, à un moment donné, une mini-attaque sur le quai. Ouais. Et du coup, très tendu, très... voilà. Ils sont plus que sur la défensive. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux me passer Max un petit moment ou pas? Il veut bien parler, Max, là? Ouais, je te le passe. Ouais, ok. Super, merci. Ciao, les. Ciao, Nico. Allô, Max? Allô. Ouais. Ouais. Hello, Max. Normalement, tu devais être avec nous, là. Désolé, on a eu quelqu'un un petit imprévu. Yes. Max, bon, déjà, comment ça va? Ça va. On est là, on est présent, on lutte. Vous êtes combien, du coup, Pascal? Est-ce que tu peux me rappeler, vous aviez une AG avant de venir, c'est ça? Vous étiez où et combien de lycéens? Tu viens d'où, Max? On était au CICP, à Rue des Boulets. Et on était à peu près 150, quoi, je dirais. Lycéens, tous, ou étudiants? Voilà, c'est ça. Que lycéens? Tous lycéens. Super. Ouais. Que lycéens. Et donc, toi, t'es lycéen, t'es où? Dans quel lycée? Moi, je suis à Sophie Germain. T'es à Sophie Germain. Super. Mon lycée, hein. un peu la classe. Mais, et donc, du coup, toi, t'es assez actif dans le mouvement? Ouais. Ouais, bah là depuis que ça a commencé, ça nous prend vraiment une grosse partie de notre temps, quoi. Donc il y a le bac, mais c'est difficile un peu de concilier les deux, mais on essaie de faire avec. Et vous êtes combien du coup dans ce groupe constitué là? Parce que je sais que vous avez envie de mener des choses et des actions, et donc c'est quoi et qu'est-ce qui vous porte en fait depuis le début, vous lycéens? Bah, qu'est-ce qui nous porte depuis le début, c'est nos revendications, quoi. C'est le fait que on se bat pour notre avenir et qu'on se bat parce que on se rend bien compte que la société dans laquelle on vit aujourd'hui elle correspond pas à celle qu'on imaginait. Moi, il y a eu vraiment une phase de choc quand j'ai commencé à me politiser un peu. C'est-à-dire qu'au collège, je m'en foutais complètement. Puis au bout d'un moment, je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui se passait autour de moi. Et je me suis rendu compte que ça ne passait pas du tout comme je l'imaginais, en fait. Et il se trouve que je pense qu'on a tous un désir de liberté, un désir de droits, quoi. On a l'impression que les droits qu'on pensait avoir, finalement, ils sont en train de partir en miettes, quoi. Donc je pense que c'est ça surtout qui nous porte un peu là-dedans. Et du coup, les lycéens qui se sont rassemblés, ils viennent de quel établissement? Ils viennent d'établissements comme Sophie Germain, ou est-ce qu'il y a des établissements qui sont un peu moins, on va dire, chic, je sais pas comment le dire, pour pas le dire. Non, à l'Assemblée Générale interlycéenne, là, il n'y avait aucun lycée de l'Ouest. D'accord. Qui était représenté. Mais ça, de toute façon, déjà, c'est en partie parce que la plupart des lycées de l'Ouest ont des proviseurs qui ne les laisseront pas aller manifester et qui ne les laisseront pas bloquer leur lycée, etc. Ok. Et en plus de ça, y a aussi un truc que, la plupart des gens qui sont dans les lycées dans l'Ouest, c'est l'aristocratie, entre guillemets, de Paris, quoi. Et eux, c'est dans leur intérêt que cette loi passe, donc ça ne m'étonne pas qu'ils ne soient pas mobilisés, quoi. Donc, et du coup, alors, ce qui est assez rigolo, Max, c'est que tu nous parles d'une manière très calme et tout à fait détendue, alors qu'autour de toi, il y a en fait plein de flics que vous êtes nassés. Donc, c'est assez sympa que tu prennes ce temps-là. Et du coup, j'essaye d'être calme, mais en même temps que je parle, je regarde un peu partout autour de moi pour voir quand est-ce que ça va charger. Mais... Et là, vous ne pouvez pas sortir pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver une issue. Non, il y a des gens qui ont essayé de passer par les quais de la Seine. Ils se sont fait littéralement atomiser par les gaz et je sais pas ce qu'ils envoient, des espèces de bombes qui explosent et en même temps ça fait du gaz sur un type d'arme. Mais bref, ouais, là il y a une grosse pression de la part des CRS, quoi. Les là c'est la CRS, la gendarmerie. Encerclante. Décerclant, hein? Des encerclantes. Non, je sais pas. Ça doit être ça, ouais. Mais en tout cas, enfin, vraiment, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de flics. Non, mais c'est surtout qu'ils sont extrêmement armés, en fait. Enfin, le fait qu'il y ait des flics, pour protéger l'Assemblée nationale, ça, je m'y attendais. Mais autant armés, face à un truc, honnêtement, enfin, nous, on n'est pas du tout. Parmi les manifestants, il y en a pas un qui a pris des trucs pour. Pour balancer. Il y en a qui sont protégés, mais c'est-à-dire que personne n'est préparé à un affrontement avec la police. D'accord. Donc, Max. C'est assez fou. Max, j'espère que ça va aller pour vous tous, là et toutes, et que vous allez nous rejoindre, et puis voilà, si d'autres ont envie de venir, qu'ils viennent, et puis là, on va te laisser. S'il y a quoi que ce soit, tu nous tiens au courant. Je repasse la parole à Pierre et à très vite. Merci beaucoup. Hein. Merci Max. Pas de rien. Bonne soirée. À bientôt. Merci Max. On est toujours sur Radio Debout. On a dû se délocaliser dans le bar des Petits Tonneaux, juste à côté de la place de la République. Et on enchaîne maintenant avec Clémence qui a une invitée spéciale. Bonsoir, bonsoir, la Place de la République, un peu à distance, mais toujours bien là, Radio Debout, toujours avec vous ce soir. Et j'accueille Guillemette Ferrier-Ray. Et je vais l'accueillir avec une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent. » Ça, c'est Roland Topor. Bonsoir Radio Debout, bonsoir Clémence. Merci de faire référence à Roland. Voilà, parce que je sais que Roland Topor est quelqu'un qui te touche beaucoup. Et Guillemette, pour commencer, qui es-tu exactement ? Alors, je suis la directrice artistique et auteur-metteur en scène de la compagnie Si tu vois Adrienne, qui est une compagnie d'art dans l'espace public, théâtre de rue, comme on dit en France. Mais je préfère l'appellation espace public, puisqu'on travaille dans des espaces, on va dire, non dédiés, et qui ne sont pas forcément le pavé et la rue. D'ailleurs, donc, c'est très dommage de ne pas être Place de la République. Eh bien oui, pour quelqu'un comme toi, c'est vrai qu'effectivement, tu as fait beaucoup de spectacles in situ, comme on peut dire. Ouais. Dans des espaces non dédiés, vraiment, et à chaque fois avec une écriture spécifique, selon les projets, bien sûr, mais effectivement en réflexion avec l'espace. Avec l'espace public, et notamment La vie secrète des abribus, par exemple. Et puis, alors, j'ai les autres titres. La vie publique de nos assiettes. Voilà, tout ça. Ça, c'était deux déambulations qu'on a fait, un mélange théâtre-musique, des déambulations. Donc, la première à laquelle tu faisais référence, La vie secrète des abribus, qui avait une réflexion sur nos espaces publics, justement, la réappropriation de nos espaces partagés. Et la deuxième, La vie publique de nos assiettes, qui concernait plus notre rapport, on va dire, à l'écologie et à notre empreinte sur la planète, et avec un fléchage, on va dire, évidemment, par l'alimentaire, puisque ça concernait beaucoup ce qu'on consomme, ce qu'on mange. Et alors, comment est-ce qu'on choisit, d'une part, d'être metteur en scène dans les... On choisit pas, c'est... Ça vient à soi. Ça vient à soi, oui. Alors oui, si, on choisit l'espace, on choisit où on veut travailler et pourquoi on veut faire ça dans ces espaces-là. Mais le fait de faire du spectacle vivant, c'est vraiment... voilà, c'est... Ouais, non, j'ai pas choisi. T'as pas choisi, t'y es venu comme ça. En fait, à un moment donné, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, toi, en tant que metteur en scène, à te dire il faut investir l'espace public. Il faut qu'à un moment donné, les gens qui sont spectateurs, en fait, de ces spectacles, en fait, qui sont des spectacles un peu sauvages, hein, si on peut dire. Moi, j'en ai vu certains. Pas toujours. C'est sur rendez-vous, comme beaucoup se fait l'art dans l'espace public maintenant. C'est malheureusement beaucoup plus sur rendez-vous, avec beaucoup de festivals et choses comme ça. Donc, c'est une sorte de privatisation, finalement, de l'espace public. Ouais. Et c'est vraiment tout l'inverse de de la naissance du mouvement, quoi, des arts de la rue dans les années 70, qui était vraiment une émanation, voilà, assez révolutionnaire de réapproprions-nous cet espace. Et moi, je partage plus cette notion-là, qui est vraiment de faire dans des lieux non dédiés pour des gens qui sont pas vraiment qui n'avaient pas forcément pensé aller dans une salle de spectacle un jour et qui tout d'un coup se retrouvent vraiment la naissance, voilà, d'un théâtre populaire et qui s'adresse à tous, quoi. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, quelles sont les différences entre... Qu'est-ce que tu remarques, en fait, dans les spectacles ? Les différences entre la salle de théâtre, enfin, le cube noir, si on peut le dire un petit peu... Ouais, la boîte noire, voilà. La boîte blanche pour l'art plastique. Ils ont la même problématique que nous, quoi. C'est comment, tout d'un coup, on se fait enfermer, effectivement. Et là, en fait, tout est ouvert. Et, alors, et puis, le décloisonnement, scène-salle. Enfin, en tout cas, nous, particulièrement, toutes les compagnies d'art de rue ne fonctionnent pas comme ça, mais il y a vraiment beaucoup, ce questionnement. On arrête le quatrième mur est assez peu présent dans l'art de rue. Il y a vraiment aussi beaucoup de part à l'improvisation, puisque justement, quand tu travailles in situ, il y a vraiment la nécessité de faire avec cet espace et de travailler vraiment dans cette réflexion-là et cette gymnastique au sens, enfin, tu vois, avoir cette souplesse vraiment. Ouais. Et comment est-ce qu'on choisit ces sujets, alors ? Est-ce qu'ils sont différents ? Bon, je pense que chacune des compagnies d'art de rue a son vraiment... Mais assez, toi, du coup, parce que c'est quand même orienté... des sujets engagés, c'est toujours... la raison pour laquelle je choisis l'espace public, c'est aussi parce que j'ai des choses à dire et j'ai envie de les partager. Et j'ai aussi envie d'entendre et de débattre avec tout le monde, avec le public sur ces questions-là. Et c'est des sujets qui, à mon sens, concernent vraiment tout le monde. Quand je parlais tout à l'heure de l'écologie et de ce qu'on mange, ça nous concerne tous, quoi. C'est vraiment impliquer en fait le citoyen dans, dans tout ce qui concerne la cité, quoi. Et du coup, là, tu es en train de préparer un nouveau spectacle. Je ne sais pas si on peut le dire. On peut le dire. Un nouveau spectacle qui s'appelle À la limite, qui est un spectacle en fait autour de la question des flux migratoires. Ouais, de la question des déplacés. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment envie d'utiliser ce terme-là qui me plaît plus parce que je pense qu'un jour, ça nous concernera tous et ça nous a tous concernés dans les siècles qui nous ont précédés aussi, ces flux migratoires, et ça existera toujours. Donc le mot de réfugié me déplaît de plus en plus et j'ai vraiment envie d'utiliser le mot de déplacé. De déplacé, du coup, comment ça s'est passé ça a été enfin, moi, j'y étais. Ça a été une initiative. Ah, on se déplace, on est dans un bar. Non. Ça a été une initiative complètement spontanée. C'était vraiment l'idée de faire un théâtre en fait, d'urgence. Pendant quoi, avec tout ce qui la s'est nuit passé. Blanche, c'est ça ? Je te souviens, bah, la première c'est fois. Avant, ouais, ouais. Mais c'est né avant la nuit blanche. C'est vraiment avec voilà, tout ce qui s'est passé en 2015, vraiment. Et évidemment, il y a eu plusieurs comment dire plusieurs choses qui t'ont interpellé. Révélateurs, quoi, ouais. Plusieurs révélateurs, mais le premier, c'est vraiment voilà, dans le 18e, puisque c'est là où la compagnie est hébergée. Dans le 18e, il y a énormément de camps qui se sont, et il y en a encore. Il y en a un qui vient de se faire évacuer il y a très peu de temps à Stalingrad. Donc il y a énormément de camps, y compris devant la mairie du 18e, y compris à Éole. Enfin vraiment, il y en a une trentaine dans Paris, hein, 31 je crois, plus récent sondage. 31 camps qui sont montés à Paris, donc on parle beaucoup de Calais, mais à Paris il y en a énormément également. Et dans le 18e et le 19e, où la compagnie travaille beaucoup, il y en a eu vraiment sous nos yeux, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais au quotidien et qui me touchait particulièrement. Et donc tu as eu envie de questionner ça dans l'espace public. Alors comment est-ce que ça se traduit ? Comment est-ce qu'on interroge cette chose-là dans l'espace public à Paris ? Comment est-ce qu'en fait il y a comment est-ce que c'est montré ? Comment est-ce qu'on questionne d'un point de vue théâtral dans la rue cette question-là ? C'est un peu tôt pour en parler parce que c'est un gros projet, chantier, ouais. Un gros chantier pour la compagnie puisque c'est vraiment une forme, cette fois-ci qui serait une forme fixe avec des modalités de production qui sont assez complexes. Donc j'ai pas envie de défricher tout de suite, ne défrichons pas, gardons le suspense. Tout de suite le projet, mais ça va être du théâtre participatif. Là, c'est vraiment l'idée de restaurer le débat sur cette question-là et de l'amener dans l'espace public, sur une place vraiment là pour le coup. Ce sera un lieu typiquement vraiment recréer l'agora, recréer le débat dans l'espace public avec un demi-hémicycle. Donc vraiment avec un dispositif scénique et un dispositif on va dire public qui sera totalement mêlé. Voilà, et avec un travail en amont avec des habitants, des citoyens pour constituer un cœur. Dans le temps de la représentation aussi, un temps participatif. Donc voilà, pour le dire très vite, mais il y a toute une implication. Mais en fait, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut voir à Nuit Debout. Je pense que tu es venue plusieurs fois. Bien sûr, j'ai même assisté à la commission migration et je continue de suivre régulièrement ce qu'ils font. Et du coup, pourquoi ne pas... quelle est la place du théâtre, selon toi, à cet endroit-là, Nuit Debout ? Est-ce que pour toi, il y en a une ? Est-ce qu'au contraire, c'est un endroit de débat aujourd'hui ? Comment est-ce que toi, tu te situes en tant que metteur en scène dans cet endroit-là ? Ça ne fait que renforcer le désir de ce spectacle, qui est vraiment justement de restaurer le débat. Et au contraire, moi, ça a été comme une... accumulation, je me dis, mais voilà, il y a vraiment la nécessité, les gens veulent parler, les gens veulent décider, veulent se réapproprier le débat, et donc c'est vraiment, je ne suis pas la seule à le penser, donc ça me touche tout particulièrement, justement, et je pense que c'est très très important que c'est un mouvement qui a montré ça, et dans, pas seulement Place de la République, partout en France, quoi, un peu en banlieue aussi. Oui, il y a cette réappropriation de l'espace public et du coup, cette chose... Et du dialogue. Et de ne pas se laisser faire et, en tant que citoyen, de se réimpliquer dans les sujets de société. Il y a une trentaine quand même de commissions, en tout cas à Paris, je ne sais pas, je parle que de Paris, de Nuit Debout Paris. Il y a quand même quasiment une trentaine de commissions qui réfléchit à tellement de sujets... y compris la réécriture de la Constitution. Donc, voilà, comme quoi ça touche vraiment tous les niveaux et tous les étages de la société. Oui, et le théâtre est une réécriture en soi aussi, dans l'espace public, même avant qu'il y ait tout ça, toute Nuit debout et tout ce qui... moi, en voyant ton travail, à chaque fois que je me suis dit, c'est une nouvelle façon de se réapproprier l'espace, une nouvelle façon de questionner le spectateur, le rôle du spectateur. Qu'est-ce que ça veut dire? La place du spectateur. Voilà, dans nos espaces, qui sont des espaces partagés. On dit espace public, oui, mais c'est avant tout des espaces partagés où les politiques nous parlent beaucoup de liens sociaux, mais il y a de moins en moins de liens, justement, et tous les travaux, l'urbanisme, l'architecture qui est conçue l'oublie beaucoup dans nos espaces partagés, quoi. Et donc, c'est un moyen aussi pour toi peut-être d'asseoir une pensée politique théâtrale forte, vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, tu réfléchis à cette question-là. Comment ça se passe avec les spectateurs? À ta manière, parce que c'est très ludique. Là, on a l'air d'être super sérieux. En parlant de Roland Topor, on peut imaginer que je le fais de façon aussi impertinente. Certainement pas avec le même brio, en tout cas, et sa verbe qui était vraiment excellente. Avec humour, décalage, impertinence. Ouais. On aime beaucoup ça dans la compagnie. Ben, soyons impertinents, continuons à être impertinents. Et du coup, je voulais aussi te parler d'un événement que tu chapotes. Ouais, de l'actualité. Voilà, qui s'appelle Rêvons Rue, c'est ouais, ça. Alors, qu'est-ce que c'est Rêvons Rue? Alors, je travaille depuis 2012 avec un collectif, la Fabrique des Impossibles, qui est en résidence à Main-d'œuvre, au Polar et Société. Et on partage des valeurs communes justement sur la réappropriation de nos espaces publics et sur la co-construction qu'est-ce qui fait société. C'est aussi bien le champ social, le champ de l'éducation, le champ artistique. Donc voilà, c'est comment mettre en lien tous ces gens et concevoir des projets dont la restitution est une biennale qui a lieu donc cette année, là, le 28 mai. Entre Paris et Saint-Ouen, puisqu'on travaille vraiment sur cette notion avant même qu'on réfléchisse et qu'on parle beaucoup du Grand Paris. On était vraiment sur ces questionnements de comment on fait un transpérif, comment on va on décloisonne un petit peu et on va plus loin que la réflexion Paris, intramuros. Quoi. Comment est-ce qu'on on sort en fait des frontières? Comment on amène les Parisiens en banlieue? Et alors, ça marche ou pas? Ça marche très bien. Là, ce sera notre deuxième édition dans ce périmètre-là, puisque la première était justement au départ de la place de la République. Ça, c'était en 2012. Mais là, depuis 4 ans, donc, on travaille sur nouveaux territoires entre 18e et Saint-Ouen. Et donc la prochaine édition dont on a conçu un thème qui s'appelle Bord-cadre. Bord-cadre, oui, voilà. J'ai vu ça. C'est super beau comme titre. Merci. Un beau thème, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, bord-cadre? Pourquoi justement, ce thème? Justement, on ne veut pas cloisonner, on laisse l'imaginaire. Il y a un terme un peu tiroir, double en tout cas. Mais on conçoit avec donc mon co... organisateur, parce qu'on est deux, à la coordination artistique. Il y a Hugo Dubus aussi du Fer à coudre. Et tous les deux, on conçoit la dramaturgie, le thème. Mais le thème, on le soumet au vote aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un processus collaboratif de A à Z avec les adhérents du collectif, avec les habitants qui participent, avec tous les projets, parce qu'il y a une dizaine de projets et d'artistes qui sont mêlés et qui participent donc à Rêvons Rue, donc avec beaucoup de plasticiens cette année. Des plasticiens, une compagnie d'art de rue qui s'appelle Les Grandes Personnes, qui a un projet d'art plastique cette année. Il y a 2 ans, c'était leur marionnette géante, on les connaît plus pour ça. Il y a la compagnie Caribou qui fait un travail sur les citoyens solides, donc avec des grandes lettres, un travail sur les mots et sur, sur l'espace. Une grande déambulation, enfin des brigades avec des grandes lettres. Ils vont recomposer des mots avec des bulles et avec des grandes lettres. Ils vont recomposer et, de façon aussi poétique et impertinente, apporter un propos dans l'espace. Et puis, il y a un photographe, J.P. Corr, qui va faire une installation sonore et une installation photo. Voilà, donc il y a différentes pratiques. Et tout ça dehors, dans la rue, et tout ça voilà, c'est pour une se réapproprier la rue, quoi, pour Exactement. La rêver, en fait. C'est un travail sur, quasiment 2 ans, puisque c'est une biennale. La dernière année, il y a des ateliers qui ont lieu à partir de janvier, avec donc différents types de publics. Et on conçoit avec les différents artistes, effectivement, avec l'idée d'une restitution dans l'espace public. Donc il y a vraiment dans la forme qu'ils vont choisir, quelle que soit leur pratique, l'idée qu'ils aient au final une restitution, tu vois, dans le cadre d'une grande déambulation qui va aller de Paris, 18e, du Mail Béliard, jusqu'à Main-d'œuvre. On fait la fête! Grosse fête. Et on travaille sur la trajectoire, on travaille sur la rue, on travaille en fait sur cette réappropriation de l'espace public. Et en fait, finalement, ce qu'on voit à Nuit Debout, bon là ce soir on n'y est pas, on s'est réapproprié la petite salle du bar des petits tonneaux. D'ailleurs, c'est très sympa. Voilà, c'est super sympa. On a, ouais. on a pris la petite Et salle des petits ce tonneaux. QG, là, de... Donc voilà. On nous fait un petit signe, on nous dit qu'on est trop longue. On abandonne. On abandonne. Mais en tout cas, on garde l'impertinence, Guimette. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Debout merci, nous parler merci de tout Radio ça. Merci à Radio Debout et merci à toi particulièrement. Et longue vie à tout ton travail dans l'espace public et au théâtre dans l'espace public. Longue vie à Radio Debout. Alors, on a encore un petit problème d'ordinateur tout petit. Alors, je vais faire moi-même le jingle, je propose. 3, 4. Radio Debout. C'était pas très bien, mais c'était parce qu'on n'avait rien d'autre. Ça, on ça, va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire en même temps. On va partir à Lyon tout de suite. On va retourner dans la rue. On va retourner, comme on en parlait il y a 20 secondes, dans l'espace public. Ouais. Et on va aller place des Terreaux avec Arnaud. Arnaud ? Arnaud, Allô ? Tu nous entends ? Ouais. Je vous entends, c'est cool. Super. Alors, comment ça se passe à Lyon, toi ? Tu es où à Lyon ? Alors là, on est place des Terreaux, c'est devant la mairie en fait, entre, okay. Juste à côté. Ok, comment ça se passe ? Raconte-nous. Bah là, pour l'instant, c'est plutôt festif, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont sur la place, avec beaucoup de musique, mais après, on est absolument entièrement entouré, notamment de CRS, qui sont quasiment plus nombreux que nous. Ok, et par rapport au CRS justement, comment ça se passe ? Comment vous êtes organisé et qu'est-ce que vous avez fait comme action ? Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses. En fait, c'était une journée nationale qui appelait à jouer au lac Mayotte. Donc il y a eu une action de blocage en fait de l'autoroute avant l'entrée du tunnel de Fourvière. Ok. Et qui a eu lieu pendant l'après-midi. Et puis après, quand le 49-3 est passé, il y a eu un appel... totalement autonome qui a été lancé pour une réunion pour que les gens se réunissent à partir de 18h à la place des Terreaux. D'accord. Et après dans la journée, donc les gens sont venus, il y a eu plusieurs centaines de personnes, plus d'un millier au maximum, et les gens sont partis en manif sur toutes les hauteurs de Lyon, notamment sur la Croix-Rousse. Ok, très bien. Donc là, vous vous êtes tous réunis à place des Terreaux ce soir. Bah, après la manifestation sauvage, en fait, tout le monde est redescendu. Après l'occupation, l'ouverture d'un collège désaffecté, en fait, tout le monde s'est retrouvé à place des Terreaux. Et là, la soirée continue ici. D'accord. Elle continue. Elle continue comment la soirée ? C'est-à-dire que vous êtes encerclé, si j'ai bien compris ? Pardon ? Là, vous êtes. C'est quoi la situation là sur la place des Terreaux ? J'ai pas exactement compris. Là, tout le monde est assis en fait, en train de discuter et tout. Il y a pas mal de gens, des gens qui sont venus spontanément ensuite au SMS qu'on tournait. D'accord. Pas mal de personnes qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir avec encore des drapeaux syndicaux. D'accord, mais vous n'êtes pas nassé comme on a entendu ça à Paris, pas loin de l'Assemblée, où les gens sont nassés par les CRS. Ils peuvent nous nasser quand ils veulent en fait. Pour l'instant, si on sort par petit groupe, on peut, mais je pense que moins de débordements, la place est totalement entourée de CRS, ils peuvent nous bloquer en quelques secondes. D'accord, et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent là ? Vous allez rester une partie de la nuit ? Vous allez rester encore un long moment ou les gens s'en vont lentement ? Bah, ça dépend, les gens s'en vont lentement, d'autres arrivent, mais le mot d'ordre, c'est essayer de rester sur la place au moins pendant plusieurs heures encore. Ah bah voilà, vous allez occuper la place des Terreaux finalement, vous avez réussi. Bah pour l'instant, oui, clairement, c'est le mot d'ordre qui a été lancé, ouais. D'accord. Écoute, on revient vers toi ou rappelle-nous s'il se passe quelque chose ce soir. Ok, je vous envoie. On s'y est en courant. On s'y est en courant, ça marche. Parfait. Merci. À bientôt. Merci Arnaud, à bientôt. Et merci Arnaud. On va écouter un petit reportage fait par Clément sur une cantine à prix libre. Et c'est tout de suite. C'est tout de suite. Ouais, c'était censé être tout de suite. Oui, ça aurait dû. Hein. Oh là là, c'est génial. Ah, c'est bon. Alors, il y a des sandwichs. Ça, c'est vegan. Vegan. Agneau. Agneau là-bas. Il y a des tiramisu. Il y a de la soupe verte. Il y a de la salade. Il y a des sandwichs au thon, aux agneaux, aux trucs de canard. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et il y a du. Alors, santé chai, il est grave bon, mais j'ai pas aimé. Parce que c'est du thé chai. Il n'y a pas mieux que le thé à la menthe. Le nana, le thé à la menthe. Alors, on aurait besoin pour la cuisine de fourchettes, de tasses en carton, petites cuillères, crudités, tomates, concombres, etc. Pain, baguette, beurre, mayo, houmous et d'autres. Merci beaucoup. Radio Debout. Alors, ça évidemment, c'était pas ce soir parce que ce soir sur la place de la République, il n'y a rien. Et c'est pour ça que nous, on est au petit tonneau. D'ailleurs, ça m'a donné hyper faim. Je vais peut-être commander quelque chose à manger. Clémence, un nouvel invité, un ermite urbain. Un ermite urbain ce soir. Et je suis hyper émue ce soir d'avoir à côté de moi Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors Patrice, c'est une histoire assez belle, je vais faire très très vite. Comment je rencontre Patrice, je déménage, j'en peux plus de mon petit appartement à Gambetta et on me dit, appelle, on m'a nommé comme ça. Papy Camion. Papy Camion. Je dis bah ouais ok, j'appelle Papy Camion, tu vas voir c'est super, il va venir chez toi, il va t'aider à déménager et puis c'est très bien. Donc j'appelle Papy Camion, il me dit ok. Des textos très succincts. Et finalement, Patrice était en bas de chez moi un soir. Je crois que c'était d'ailleurs le 1er avril. Alors, ce qui est assez beau, c'est que du coup, ça rejoint un peu Nuit Debout. Parce que moi, j'avais toujours dit, c'est pas une blague, venez m'aider à déménager. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, il y a de ça maintenant deux ans. Patrice, tu es venu en bas de chez moi et tu m'as aidé à déménager donc avec ton camion. Alors raconte-nous un peu, tu m'as dit un jour il est arrivé le grand matin. Qu'est-ce que c'est que le grand matin pour toi? Qu'est-ce que c'est que ta démarche? Qu'est-ce que ça veut dire ermite urbain? En fait, le grand matin c'était le matin calme. Et donc c'est un matin, c'était au mois de juin, c'était en 2014, j'étais en train de me réveiller, j'étais dans un lit, dans une maison, les oiseaux gazouillaient. Et j'ai fait un projet en 15 secondes, c'était dormir dans une camionnette à Paris, invisible. Et c'était au départ pendant 25 ans, sur place, sans bouger. Et ça a été fait en 15 secondes. Et donc j'ai appelé ça le matin calme, parce que j'étais très calme ce matin-là et que je savais que c'était un projet qui d'une certaine manière qui me faisait jouir, on va dire, et qui était fait comme ça très rapidement, mais avec toutes les questions qui se sont posées par la suite, quoi. Et mais disons que j'étais très calme. C'est pour ça que j'appelle ça le matin calme. Matin calme. J'en perds ma voix. Le matin calme et on décide ça comme ça d'un coup. C'est pas une décision en fait, c'est un projet que j'ai fait. Ça m'est venu comme une lumière. C'était en me réveillant ce matin-là et il m'est apparu qu'au moment où j'étais ce matin-là, la seule façon que je pouvais d'évoluer, c'était de faire ça. Et alors comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as trouvé ton camion? Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, cette camionnette, donc, je l'avais déjà. Je l'avais abandonnée parce que, il faut dire qu'en 2014, donc au mois de juin 2014, j'étais dans un squat. Et que ce squat, c'était un grand squat que j'avais ouvert. Et ça paraît, j'avais déjà réfléchi à chapeaux, véhicules, etc. Bon, il m'était apparu que le véhicule, ce n'était pas de l'avenir, donc j'avais abandonné cette camionnette. À l'époque, à Paris, les places de stationnement étaient gratuites. On pouvait laisser son véhicule, on n'avait pas de problème. Ouais. Donc je l'avais déjà, cette camionnette, mais bon, je l'avais abandonnée, on va dire. Hein. Elle était abandonnée dans Paris, du coup ? Bah, elle n'était pas loin du squat. D'accord. Elle dormait là, tranquille. Mais bon, elle était plus en état de rouler. Parce qu'en fait, bon, quand j'ai fait ce projet, je suis allé voir la camionnette. Et elle n'avait plus de vitres. Et il y avait ils avaient démoli un phare. Mais j'ai mis la clé dans le contact et elle a démarré au quart de tour. Voilà. Ah bah, formidable. Comme quoi, elle était prête aussi pour le matin calme, Et donc, je savais qu'il fallait que... Par l'expérience que j'avais des squats, il fallait donc que le projet se fasse à Paris. Parce que mon fils habite Paris. Et donc j'avais déjà même défini que c'était Place des Fêtes parce que mon fils habite Place des Fêtes. Mais il fallait que ce soit invisible. Et donc dans une camionnette, c'est une petite camionnette qui fait 6 mètres cubes. J'avais donc, en fait j'avais trois choix. J'avais soit le choix de l'aménager pour pouvoir vivre dedans. J'avais le choix aussi de mettre une planche verticale sur le côté. Et là ça me plaisait bien parce que du coup c'était invisible. C'est-à-dire ? Je vois pas. Ben, en fait on met une planche verticale sur le côté. Ouais. Qu'on baisse le soir, ouais, et qu'on remonte la journée, c'est un peu le système du bateau. Mm-hmm. Et en fait, la particularité, c'est que donc ma camionnette a des vitres, donc on peut regarder dedans, on voit la journée, donc on peut regarder dedans, on voit que c'est vide. Et en fait, le soir, je tire le rideau, je baisse la planche, et c'est chez moi en fait. Et en fait, toutes mes affaires sont cachées derrière la planche. Oui, ça j'ai vu, ça c'est assez extraordinaire. Et donc, on ne voit rien dans la camionnette de Patrice. Non, bah, si, quand on voit, déménage, il y a de la place pour déménager. On voit, parce qu'en fait, le but c'était qu'on voit. On ouais. voit qu'il n'y a rien. On voit qu'il n'y a rien. Voilà. Oui, c'est ça. Il fallait absolument que ça puisse se voir. Parce que si on ne pouvait rien voir, on aurait dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tandis que là, les curieux, j'aime bien les curieux, en fait. Les curieux, puisque dans le squat où j'étais, la dernière année, c'était ouvert 24 heures sur 24. Il y avait beaucoup de curieux qui venaient. Donc les curieux, en fait, il faut leur donner à manger, quoi. Ouais. Bah là, donc, en fait, ils mangent. Ils mangent. Voilà. Ils mangent en regardant. Mais du coup, c'est l'idée que tu as adoptée, c'est ça ? Avec oui. cette planche, ouais. Oui. En fait, et donc les affaires cachées derrière la planche avec tout ce qui est nécessaire pour dormir et tout ce qui est nécessaire pour se changer et tout le reste. Mais alors, comment tu vis ? De quoi tu vis ? Comment est-ce que tu manges ? C'est quoi ton quotidien, en fait ? Comment je vis ? Je vis comme tout le monde, en fait. Sauf que moi, je ne suis pas à la rue, je suis dans la rue. Voilà. En fait, c'est quoi la différence pour toi ? À la rue, ça veut dire que quelque part, dans sa tête, on est en guerre. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est comme si on avait... à la rue, c'est que dans sa tête, la tête est trop petite par rapport à ce qu'on pourrait y mettre. Donc c'est trop petit, tu vois, c'est serré. Donc, oui. Donc là, on est à la rue. Parce que même si on habite dans un 500 mètres carrés, on ne sait pas où on est. Ouais, tandis que là, on est, dans la rue, on est dégagé. Tu vois, comment dire ? Dans la tête, on est dégagé. Donc tu es complètement invisible, en fait. Personne ne te voit, mais tu es dans la rue, mais complètement invisible. Oui, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis invisible. Non, mais parce que moi, je te croise de temps en temps. Même moi, qui habite juste à côté de la place de la République, je me dis, je le vois, c'est assez beau. Tu vois, cette invisibilité qu'on se contraint, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as décidé. Et puis, pour moi, tu es invisible, mais en même temps, tu es là. C'est assez beau. C'est le truc de l'ermite aussi, finalement. Ben oui, au milieu de tout le monde, je suis invisible tout en étant là. Oui, c'est ça. Ben, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que je suis quand même en bas de chez mon fils. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, tu gardes un œil sur le petit. En fait, je garde un œil. C'est un jeu que j'ai inventé parce que justement, comme il me fallait tout créer, mais au moins l'endroit où je devais dormir, parce qu'en fait, je peux pas y vivre dans cette camionnette parce que elle est trop petite pour que je me tienne debout. Ah oui. Donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc c'est très joli. Non, mais c'est bien parce que une fois la planche relevée, ouais. Donc j'ai bien la tête bien penchée, si tu veux. Et là, j'ai bien mal. Oui, donc j'étais pas vraiment debout, quoi. Donc, j'ouvre la porte latérale. Et là, ça fait drôle parce que je sors sur le trottoir et je regarde à droite, à gauche. Tu sais, pour voir ce qui se passe, quoi. Ouais. Il pourrait y avoir... Mais tu dors où ? Alors, tu dors pas dans la camionnette, finalement ? Je dors dans la camionnette, mais je n'y vis pas. Tu n'y vis pas. Une fois réveillé. Tu vis dehors, en fait, complètement. Oui, je sors. Tu sors, une fois réveillé, tu sors. Voilà. Et en fait, tu n'y vas que pour dormir, Oui et non, parce que j'ai aussi un fauteuil. Non, parce que j'ai mon fauteuil de sénateur. Donc, ah, t'as un fauteuil de sénateur dedans. Oui, parce que j'ai un super fauteuil où je peux m'asseoir. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Ben non, parce qu'il est invisible. Il est caché. non, mais il est vraiment devant tout le monde. Et j'ai aussi une malle en fer où j'ai. J'ai la fameuse cuillère que tout le monde doit avoir sur soi dans le monde entier. Ah bon ? Il paraît qu'il faut avoir une cuillère sur soi. Ah bah, voilà. J'en ai pas. Dès demain, j'en aurai une dans mon sac. Dans les moments difficiles, il faut avoir deux moyens de faire du feu et une cuillère. Bah oui. Parce que ça peut toujours servir. C'est Monode qui avait dit ça. D'accord. Dans le désert, il faut avoir une cuillère. Je sais pas pourquoi. Une cuillère. Donc toi, tu as ta cuillère et deux moyens de faire du feu. J'ai plus. J'ai un couteau, j'ai une planche, j'ai aussi un moyen de faire du feu pour ma bouillotte, parce que l'hiver... Mais pourquoi tu as arrêté le squat, en fait ? Pourquoi est-ce que tu as arrêté toute cette démarche, finalement ? J'ai eu de la chance, parce que ce squat qui était grand et qui était... Donc, c'était pas comme... Il y avait un hangar qui faisait 1500 mètres carrés, il y avait une maison... Mais il n'y avait pas d'endroit pour faire des ateliers. Donc c'était un endroit, si tu veux, qui était comme une rue. Comme une rue, ouais. Il y avait deux portes qui étaient de chaque côté. Donc en ouvrant les deux portes, ça faisait une rue intérieure. Et donc la chance que j'ai eue, c'est que comme j'avais ouvert, donc j'ai pu aller jusqu'au bout, puisqu'il a fermé en novembre 2014. Et donc la dernière année, il était ouvert 24 heures sur 24. Et j'appelais la rue qui se faisait par les curieux rentraient. Et donc, j'appelais ça le boulevard du crime. Ah bon ? Non, mais c'était génial. Parce que, bon, au début, on était ouvert tout. On avait un rituel. C'est un squat que j'ai ouvert avec la mère de mon fils et d'autres personnes. Mais il y avait, c'était squat, artiste. Donc imagination et création, mais il y avait aussi les enfants, parce qu'on avait un fils qui avait 5 ans à l'époque. Ouais. Et donc ça va être aussi pour les enfants. Et donc le mercredi, donc, c'était la journée des enfants, du quartier qui venait. Et le dimanche, on était ouvert sur, parce qu'il était au bord du canal de la Villette. Et donc on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire performance. Mais finalement, là aussi, c'est une performance. C'est une performance que de vivre la façon dont tu vis, en fait, dans ce camion. Et en même temps, ce lien avec l'enfant est toujours là. Enfin, oui. C'est assez beau. Mais tu ne perds pas de vue, quoi, non, l'endroit. La différence de ce squat, c'est que ça m'avait éloigné de mon fils. Ouais. Qui avait quand même vécu une année avec moi, parce qu'on l'avait déscolarisé, donc il pouvait venir dans le squat pendant un an. Il a été ouvert 3 ans, le squat. Mais ça m'avait éloigné de lui, en fait. Et là, la différence, c'est que je suis en bas du nid, et donc je peux surveiller les bêtes féroces. Bon, il est grand maintenant, mon fils, il a 22 ans. Mais donc le nid, je le vois s'envoler le matin du nid. De ta camionnette. Et revient. Où tu ne peux pas être debout, mais une fois que tu sors, t'es debout. Et ça, je trouve ça assez beau. Oui, enfin, tu nous as donné vraiment cette image-là de sortir. Oui. Tu vois, c'est ce qui m'a touchée avec toi quand je t'ai rencontrée, c'est ce truc-là de sortir, en fait, de sa vie, de soi, et d'être debout. Oui. Oui. Et je pense que c'est ça, en fait. Tu sors de ton camion, même si c'est un projet, même si c'est cette camionnette, c'est quelque chose que... Pour combien de temps tu vas rester là-dedans ? Là, j'avais fait 25 ans, donc j'en suis à 10, il m'en reste 15. Il reste 15 ans. Il reste 15 ans là-dedans. Et j'aimerais finir par dire quelque chose qui est très beau sur, en fait, comment on appelle ça ? Devant, en fait, sur le tableau de bord de ta camionnette. Oui. J'ai un souvenir très beau, c'est qu'il y a plein de choses... Mais c'est des porte-bonheur qu'on m'a donné. Il y a plein de gens qui t'ont donné des porte-bonheur. Oui, oui, et même encore récemment. Et est-ce que tu peux me dire, peut-être pas le plus beau, mais celui qui t'a marqué ? Le premier, en fait, c'est parti du départ. Donc je me suis dit, le véhicule doit être léger, donc j'avais arraché tout ce qui était inutile. Donc il y avait plein de choses, et notamment le tableau de bord qui était cassé. Donc je pensais que le tableau de bord servait à quelque chose, en fait, en dessous. Il y avait quelque chose qui était très beau. Et j'ai dit, tiens, ça sera la déco naturelle. Et en fait, mon fils, à l'époque, voulait jeter... Il avait fait un espèce de château fort en porcelaine qu'il voulait jeter à la poubelle. Et je l'ai pris et j'ai dit, je vais le mettre sur ce tableau de bord. C'est la seule chose qu'il y avait. Et sa sœur, après, avait fait une tête de souris en forme de chien. Et donc, il y avait ce tableau, ce château et cette souris en forme de chien. Ça a été le départ le départ de d'autres personnes auto, sur nous. En fait. Et maintenant, c'est blindé. C'est rempli, c'est blindé. C'est très beau. Il y en a partout, il y en a même derrière. On m'a donné, un chapeau peul, un masque ivoirien chamanique, des affiches de collector. Il y a des artistes qui m'ont donné des dessins. Il y a des cartes postales, il y a des objets en tout genre. Enfin, tout trouve sa place. Et rien n'est fixé, en fait. Tout est posé. Et tout tient. Je ne sais pas comment. Eh ben, je vous souhaite à tous, les auditeurs de Radio Debout, de rencontrer un jour Patrice, de rencontrer cet endroit-là, d'être debout à l'extérieur, de rencontrer son projet, parce que c'est hyper beau, vraiment. Et je te remercie, Patrice, d'être venu. Merci, Clémence. Toi, cet ermite debout, assis, couché dans ta camionnette. Enfin, toi, cet ermite urbain. Oui. J'ai de la chance. Et on en manque, soyons tous ermites urbains, pardon. En fait, les mots m'en manquent. C'est quelqu'un, j'en parlais à quelqu'un, il me regardait avec des yeux ronds comme une bille, comme ça, et puis il me fait c'est la première fois que je vois un ermite urbain. C'est pour ça que je te dis ça, c'est parce que c'est lui qui me l'a dit en fait. Tu reviendras, j'espère, sur Radio Debout pour nous raconter la suite, comment tu vis tout ça. Oui, d'accord. À très vite. Merci. And now it's time for breaking news. Oui, alors, toujours en direct des Petits Tonneaux, rue du Faubourg du Temple, pas loin de la place de la République. Aujourd'hui, il n'y a pas d'AG. Et entre deux cacahuètes, je regarde mon téléphone et là, je viens de recevoir un message avec lequel je ne suis pas resté indifférent et j'aurais voulu le partager avec vous parce que je pense que c'est important. Et il dit, je vous le dis en direct, les policiers sont à la chapelle. Ils veulent virer les 40 exilés qui s'abritent de la pluie. Venez nombreux, please. Je trouve ça juste incroyable que lorsqu'il y a plein de gens qui se retrouvent devant l'Assemblée nationale pour réagir au 49-3, qu'en même temps, on trouve des effectifs de police pour pouvoir c'est incroyable ça. Pour aller virer les gens qui juste s'abritent de la pluie, des exilés, quand on sait que des exilés, il va y en avoir, il y en a encore, il y en aura, etc., etc. Et là, juste des gens, 40 personnes qui s'abritent sous la pluie, ça ne convient pas et on les vire. Voilà. Donc, venez nombreux à la chapelle, on a besoin de vous, là aussi. Ok, merci Karim pour cette annonce, cette breaking news. Donc, on va passer à un petit reportage. Exactement. Une petite diffusion, pardon, sur l'arrestation d'un tagueur à Lyon. Voilà, c'est parti, mon kiki. De faire dégager les manifestants, mais les gens. Mais vous avez vu tout ce qu'on est comme personne. Pourquoi vous êtes la manif arrive là-bas, elle n'est pas terminée. Vous êtes obligé de quoi Vous voulez quoi? Vous voulez de la violence? Nous, on protège vous. Il y a même ça, il y a nous, ça, on se retourne. On vient de retourner la CGT quand même. Ils ont réussi à se mettre face à la police au lieu d'être face aux manifestants. Ils cherchent que ça depuis le début de la manif. Ouais, mais les flics, c'est qu'ils ont attrapé un gars. Mais oui, ils cherchent que ça. Ils attendent que ça. Bah oui, c'est pas leur donner raison que de leur rentrer dedans. Non, mais ne faisons rien, rentrons à la maison. Depuis le début. Non, mais là le truc, c'est depuis qu'ils ont... Depuis le début, ils sont... Il faut savoir ce qui s'est passé. Il y a plusieurs brigades. Non, mais rien. Depuis le début, je suis là-bas. Ouais, et t'as bien vu, c'est un gamin qui a sorti un Posca pour faire un tag là, et l'ont attrapé à 10. Mais ils attendent que ça. Voilà. Et déjà, fallait appeler à la grève générale, la CGT. Hein. Mais voilà. Attends, mais pourquoi vous n'y avez pas été devant? Alors, rideau, quoi. Ça suffit, quoi. Vous êtes à quel syndicat? À la CNT, madame. Ouais, rigole bien. Je rigole pas. Bah si tu rigoles. Mais non, je rigole pas. Moque-toi. Mais je me moque pas. Camarade? Ouais. On n'est pas camarade. Ah bon, on n'est pas camarade? Bah non, mais moi je suis pas là. Ah bon, on n'est pas camarade syndiqué? Mais si, on est camarade syndiqué. Je suis pas FO, hein. Bah heureusement. Voilà. Encore mieux. Voilà. Non, mais le problème, c'est qu'avant que les mecs qui soient là, qui justement empêchent tout le monde d'avancer, pourquoi vous y avez pas c'est été là-bas. Bah, parce qu'il y a votre service d'ordre. On les a fait changer de sens. Au début, ils nous regardaient. C'est les milices. Est-ce que vous avez vu l'arrestation? On appelle la caisse de saut, là, en fait. Est-ce que vous savez qui était, quelqu'un a vu ou pas? Un mec avec un foulard sur la gueule, on voyait juste ses yeux, je sais pas qui c'est. Est-ce qu'il avait un caddie ou... Non, il avait rien, il avait un... C'est Ulysse? Putain, c'est Ulysse. Non, je le connais. Ok, ça mes potes. C'est bon, ça m'inquiète. J'appelle la caisse de saut. T'inquiète. Bon, vas-y, ressort. Bah, il s'est passé que genre, c'était rue de la Barre. J'ai commencé à graffer sur un mur. Et... C'était avec un marqueur ou... Ouais, c'était avec un vieux Posca, un gros marqueur noir. C'était même pas une bombe. Ah non, c'est pas une bombe, non. Bah, les flics étaient sur le trottoir à ce moment-là, ils ont foncé, ils m'ont encerclé, et puis t'as pas des masses le temps de comprendre ce qui t'arrive dans ce genre de situation. Et ils m'ont arrêté, ouais. Du coup, t'es resté un petit moment rue de la Barre, moi j'étais donc du coup de l'autre côté. Comment t'as vécu les gens qui criaient ou... C'était cool, c'est vraiment super important de savoir qu'à ce moment-là, il y a des gens derrière. Déjà, en fait, les CRS apparemment n'ont pas le droit de t'interpeller en eux-mêmes. Il faut que ce soit un mec de la BAC qui arrive, qui notifie l'interpellation, et puis ensuite, ils t'amènent dans le fourgon, menotté, direction Comico. Alors, ils m'ont auditionné deux fois. Des questions assez basiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu l'as fait. Quand ils t'amènent dans la cellule, ils te proposent, ils te font immédiatement empreinte, ils prennent en photo sur trois côtés, etc. Comme dans les films, exactement comme dans les films. Et après, bah, y a un gars qui arrive avec un masque et qui te fout un coton-tige dans la bouche. Alors là, tu dis « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, c'est le prélèvement ADN. Et c'est un délit de le refuser. Toi, t'as refusé ? Ouais, bah, comme le font beaucoup de gens. Et puis, je pense que c'est important ouais, aussi de renseigner les gens sur ce que c'est que le fichage. Et c'est un délit de le refuser depuis Sarko, semble-t-il. Ils m'ont auditionné une autre fois le lendemain, après la nuit en cellule, mais j'ai pas dit grand-chose de plus et ils ont arrêté. La nuit en cellule, t'étais tout seul ? Ouais. Ouais, c'est des cellules individuelles. T'es dans une petite cellule avec un chiotte qui pue, la clim à fond et des couvertures qui sentent le bonnet. Et donc le lendemain, ils t'ont emmené au dépôt ? Ils m'ont emmené au dépôt, puis j'ai passé encore la proc qui arrive, qui te dit... passage en correctionnel tel jour, donc j'ai pas eu de comparution immédiate, ça c'est bien. Alors qui du contrôle judiciaire, et puis ensuite tu restes en dépôt encore quelques heures, et puis tu passes devant le juge qui est chargé de déterminer les modalités du contrôle judiciaire, et puis il en a pas retenu finalement. En tenant du fait qu'en tant que normalien, enfin élève à l'ENS, j'ai un statut assez privilégié de fonctionnaire, il a tenu une espèce de discours paternaliste un peu agerbé du style ouais, vous êtes fonctionnaire, vous êtes responsable, donc on va peut-être pas vous demander de contrôle judiciaire, mais très concrètement, les mesures de contrôle judiciaire, ça peut être interdit de présence dans tel et tel arrondissement, pointé au Comico toutes les semaines, etc. Du coup, t'es sorti sans rien, il n'y aura aucune poursuite, rien ? Si, je suis convoqué en correctionnel dans un mois, là. D'accord, mais un mois, tu vas passer pour ouais. avoir fait un tag. C'est ça. Enfin, un tag même pas fini, en plus. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier que la répression, c'est d'abord un truc politique. Ils disent « t'es un délinquant, t'es un petit con, tu vas prendre du ferme, on est là pour te corriger. » Bah, juste faut encaisser ça. C'est très important aussi avant d'avoir eu de la communication et de la documentation anti-répression sur comment ça se passe une garde à vue, c'est quoi les droits concrètement qu'on a, parce que... ça évite de se retrouver en garde à vue et de paniquer comme un con. Déjà, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Et on panique pas et on fait pas n'importe quoi. Du coup, c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui soient mobilisés là-dessus pour sensibiliser les gens à ce que c'est que la répression et comment ça fonctionne et c'est quoi nos droits dans ce genre de conditions. Quoi. Radio debout. Radio debout. Vous écoutez depuis le 34 mars l'émission de la radio de la place. République Radio debout. Bye. Radio debout. J'aurais dit de passer s'ils voulaient, ils avaient besoin de prendre. Ah bah oui, on est de retour sur Radio debout. Après ce petit reportage. Et on a retrouvé donc nos deux personnes qui étaient à l'Assemblée nationale, justement. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Alors, c'est parti d'un rassemblement spontané au niveau des Tuileries, avec un rendez-vous par message pour 18h. Et ensuite, c'est parti dans un cortège vers l'Assemblée, donc plus ou moins organisé. Et puis, arrivé sur place, ça a commencé à s'organiser, à faire des chaînes et à pouvoir arriver au contact, juste à côté des CRS qui bloquaient l'Assemblée et qui ont passé du temps à arriver en continu. Et... Okay. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour cette précision. En fait, c'était quand même impressionnant parce que pour un rassemblement spontané, il y avait beaucoup de monde. D'accord. Vous étiez combien ? Dur à estimer comme ça. Après, il y avait quand même beaucoup de monde sur le pont. On peut dire environ 1000 personnes, je pense, sans trop. Ouais, c'est ce que j'aurais dit à peu près, 1000-1500. D'accord. Comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Thibaut. Alison. D'accord, Thibaut et Alison, merci d'être là. Ok, avec plaisir. Alors comment ça s'est déroulé du coup, quand est-ce que vous êtes parti, quand vous êtes parti, jusqu'à vous êtes parti, comment est-ce que vous avez, pourquoi vous êtes parti et comment ça se profilait au moment où vous êtes parti par rapport à ça? Alors en fait ça a décidé de partir au bout d'un moment, de passer de l'autre côté du pont, parce qu'on était bloqué avec les CRS, on sentait bien que de toute façon la solution n'allait pas évoluer et qu'on n'avait pas le rapport de force nécessaire pour pouvoir briser les chaînes. Okay. Résultat, on est reparti en arrière et là les flics étaient aussi là pour bloquer de l'autre côté, donc ils ont fait une sorte de nas. Par la suite, pareil, il y a eu des discussions pour essayer de sortir, impossible. Résultat, par la suite, ils ont ouvert un petit passage du côté de l'Assemblée vers la gauche, sur la rue qui longe les quais. Donc là, ça a commencé à partir vers là. Et c'est un peu ce qu'ils attendaient, quoi, qu'on se mette tous sur les quais, que le mouvement soit beaucoup plus dispersé, moins compact. D'accord. Et donc, ça a fait une zone de confrontation avec les flics, où des personnes où ça a commencé à gazer, à les lacrymos et tout le tintouin. D'accord. Alors, à ma gauche, il y a Nicolas qui vient d'arriver aussi, qui en revient. Nicolas, toi, tu étais dans quel bout de cortège à ce moment-là ? Je suis sorti par la petite sortie de gauche dont il parle, là, en fait. D'accord. Exactement. Au bord de la Seine, du coup ? Ouais. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je peux pas trop dire si on est... J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui est partie à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, et je ne sais pas, j'en connais pas la raison, mais le cortège s'est divisé entre ceux qui sont descendus sur les quais et ceux qui sont restés. Moi, je suis resté en haut, donc j'ai pu voir du haut ce qui s'est passé sur les quais. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, on va dire 150 mecs sur les quais, à peu près. À peu près. En fait, il y a tout un cortège qui est descendu sur les quais. Après, il y a quelques CRS qui ont commencé à bloquer l'entrée pour descendre sur les quais. À ce moment-là, moi, j'ai très bien vu ce qui s'est passé. En fait, ils étaient que 4, les CRS, en bas. Donc, du coup, ils ont flippé des types qui sont arrivés, décidés et nombreux. Et donc là, il y en avait d'autres. En fait, le quai arrive sur un pont piéton. Et là, il y avait des CRS sur le pont piéton qu'on balançait. Là, il y a eu des désencerclements et de la lacrymo. Et ensuite, là, je reviens. J'ai discuté avec un type qui était en bas, moi, donc qui m'a expliqué la suite parce qu'on voyait plus rien tellement c'était noyé de lacrymo. Ce qui s'est passé, c'est que ils sont fait bloquer donc devant, puis derrière, et là ils se sont fait resserrer à l'intérieur de la fumée des lacrymos. Et là il m'a parlé de tir tendu en fait, de grenades. Nous on les entendait. Apparemment, lui il m'a dit tir tendu. Il a vu également au moment où ils sont descendus sur les escaliers, il s'est retourné pour voir ce qui se passait. Et là il a vu une fille par terre se faire massacrer à coups de bouclier par deux CRS qui tapaient les boucliers du haut vers le bas sur la fille. Bon, lui, il est descendu. Donc, il y a eu des blessés, des violences, ça c'est sûr. Nous, on est restés sur le haut. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on était bloqués au bout de la rue. On voyait qu'on était bloqués par des camions de gendarmerie mobile, suffisamment pour nous bloquer. On est parti sur une rue dont je ne connais pas le nom, qui est légèrement un petit peu avant le bâtiment de la Légion d'honneur. Là, il y a un type qui a gueulé à Solferino. Il y avait quelques CRS au bout de la rue. On a pensé à un moment donné qu'on pouvait passer en force. On aurait peut-être pu, sauf que là, on a vu les gars derrière avec les flashballs, donc on s'est arrêté. Et à partir de là, on s'est fait balader sur la rue le long de la Seine, d'un côté vers l'autre, jusqu'à ce qu'ils nous chassent côté RER à coup de désencerclements à nouveau. Ils en ont tiré, à mon avis, facilement une quinzaine à ce moment-là. Donc les gens ont reflué côté musée et ils l'ont fait, moi je trouve, très sagement, sans bousculade ni rien. Et puis petit à petit, c'est redescendu jusqu'à ce qu'ils nous fassent passer dans le métro. Quoi. Okay. Merci Nicolas. On t'avait eu deux fois au téléphone, donc c'est super. Tu as pu sortir, il y en a plein qui sont encore là. Je voulais juste rappeler et puis vous poser là tous les trois que en fait vous n'étiez pas là pour rien. Vous n'étiez pas là juste comme ça. Vous étiez là pour quelque chose d'hyper important en fait, et qui serait bien de rappeler le contexte C'est-à-dire les raisons pour lesquelles, en fait, tous ces gens se sont rassemblés d'une manière pacifique. Voilà, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, de rappeler ça ? Bah, le gouvernement parle de faire passer la loi El Khomri en force avec le 49-3. Donc, comme c'est antidémocratique, c'était normal de se mobiliser contre ça. Oui, voilà, et puis il faut quand même noter qu'il y avait énormément de gens dans la rue, parce que quand même 1000 personnes, spontanément, qui se mobilisent. C'est vrai que de toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est énormément de gens, pas forcément surpris, mais choqués, qu'en peuvent plus, en fait, qui sont vraiment à bout et qui trouvent que c'est la goutte d'eau qui va tout faire déborder. Donc on était aussi de cet avis-là, et c'est pour ça qu'on a voulu y aller spontanément, arrêter ce qu'on avait à faire pour pouvoir continuer la mobilisation après la manifestation des cheminots qui a eu lieu ce samedi. Est-ce que tout le monde était pacifique dans le cortège ? Oui, enfin, non, je peux pas dire que tout le monde était pacifique, enfin, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais il faut quand même savoir que pendant 3 heures, on était dans un face-à-face avec les forces de l'ordre, il y a eu aucun jet de canette, aucun jet, rien, aucun jet, mais pas d'insultes envers les forces de l'ordre. Et pourtant, il y a eu du gaz qui a été dispersé avec les sprays au poivre, au bout de une demi-heure de présence, et vraiment aucune violence. Après, éventuellement, il y a pu y avoir des manifestants qui étaient plus déterminés, mais c'était vraiment une poignée. Oui, mais et puis au moment où en fait il fallait, enfin je veux dire, on se faisait gazer, manipuler, gazer, donc enfin non, ils étaient pas, enfin voilà, c'était de la défense. Là. Oui, c'était pas, il y avait personne de violent, il y avait pas du tout d'organisation qui avait un réel but. C'était vraiment voilà, c'est vraiment sur le fait aussi la pression policière qui a bloqué en chaîne et qui a arrivé à ses fins. Ok. Ouais. Alison, peut-être, t'as quelque chose à dire par rapport à ça ? Non, bah c'est ça, quelques manifestants plus revendicatifs, mais globalement, pas trop de débordements. D'accord. Moi, j'aurais bien voulu savoir, là on vous entend, là, tous les trois, mais est-ce que la vie que vous nous donnez, c'était la vie un petit peu qui était partagée avec les gens qui étaient là ? Est-ce que j'imagine que vous avez discuté aussi avec d'autres personnes, d'autres participants à cette assemblée un peu extraordinaire devant l'Assemblée nationale. Et je voudrais savoir aussi leurs sentiments. Alors, moi pour ma part, j'ai ressenti vraiment un vrai sentiment de colère, une vraie rage qui était en train de bouillonner chez ces personnes, de s'être fait encore une fois humilier par ce gouvernement, qui ne laisse aucun choix au débat, qui nous envoie directement les CRS, aux personnes pour dialoguer. Est-ce que tu as l'impression que ce sentiment, il est partagé ? Est-ce que vous avez sentiment que vous le partagez avec les autres participants ? Bah moi, j'ai l'impression, oui, qu'il y a vraiment un ras-le-bol et que les gens, ils en ont marre et ils veulent vraiment pas que le 49-3 passe. Voilà. Alors maintenant, la question se pose de qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour nous, une fois que le 49-3 est passé, est-ce qu'on a perdu ? En rentrant chez nous, en disant « bon, ben, c'est une défaite, c'est peut-être pas la guerre, mais c'est quand même une défaite. » Et puis, mais bon, c'est passé et il n'y a plus rien à faire. Ou vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire ? Est-ce que vous pensez que la mobilisation a encore un lendemain ? Pour l'instant, déjà, il est pas encore passé. Et donc, il y a encore jeudi pour se mobiliser aussi. Le départ est à 14h à Denfert Rochereau, jeudi. Et donc après, moi, je pense que même si ça passait, on peut encore se mobiliser. Pour moi, c'est clair que c'est que le début et que c'est pas vraiment une surprise que notre gouvernement fasse recours à cet outil, je sais pas comment on peut le qualifier, à cet outil quoi. Et donc vraiment, c'est le début, c'est la continuation de la mobilisation. Jeudi, ça va être une grosse manifestation, surtout qu'il me semble que ça va être pendant un moment décisif. Et par la suite, je pense que ça continuera et que, moi, de mon impression, c'est pas un mouvement qui est en train de s'essouffler ou qui perd de sens. Tout au contraire, il en prend plus chaque jour. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Et avant que vous nous quittiez, je voulais savoir, vous êtes amoureux dans la vie ou pas ? Parce qu'en fait, moi, la question de l'amour pendant des mouvements comme ça, je trouve qu'elle est vachement importante parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent amoureux dans des mouvements, pendant des grèves, parce que les gens forcément se rencontrent, parlent, etc. Alors, est-ce que vous étiez déjà amoureux ? Est-ce que vous êtes devenu amoureux ou est-ce que vous êtes juste copain ? Alors moi c'est clair que toutes les personnes avec qui j'ai pu rencontrer en manifestation, oui, il y a une forme d'amour, de solidarité qui reste et on sent que c'est ancré face aux violences policières, tout comme à la solidarité. Oui, bah là c'est un petit peu gentil, moi je parle vraiment d'amour. Pour ma part, je parlerai pas d'amour, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres et les gens se parlent beaucoup plus facilement, c'est vraiment l'occasion de faire des rencontres. Mais là on parle d'un vrai engagement sentimental. Donc vous, est-ce que vous êtes engagés sentimentalement tous les deux ou vous êtes connus pendant, ou vous vous connaissiez déjà avant ? Allez, vous pouvez le dire. Non, mais on s'est déjà croisé avant, mais... Oui, on s'est déjà croisé en manifestation plusieurs fois. Et effectivement, ça crée des liens. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On retrouvera la chronique du cœur de Lise Marie bientôt sur une prochaine émission de Radio Debout. Et, merci beaucoup. Merci. En parlant de 49.3, justement, on parle de constitution beaucoup. Et on est au téléphone en ligne avec Jonas de Toulouse. Jonas, est-ce que tu m'entends ? Jonas, est-ce que tu m'entends ? Ah, tu ne m'entends pas, Jonas. Tu penses que quoi ? Ah, silence. Ah, super. Tu m'entends, Jonas ? Ouais. Ouais, super. Bah, moi aussi, je t'entends maintenant, c'est cool. Alors, du coup, on est au téléphone tous les deux ce soir pour parler de quelque chose que vous avez réussi à mettre en place à Toulouse. C'est le processus de constitution, de rédaction d'une nouvelle constitution. C'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place, semble-t-il, il y a 2 jours. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, ça fait depuis que le débat a commencé qu'on a commencé à travailler sur la démocratie. Et ensuite, on s'est organisé pour penser à un processus de constituant, en quelque sorte, qui permettrait que chacun puisse rédiger la constitution. Que ce soit pas une assemblée élue ou tirée au sort du pays, mais que chaque citoyen puisse rédiger la constitution dans la démarche de démocratie directe. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous comptez faire pour vous y prendre du coup ? Qu'est-ce que vous avez écrit ? Quel principe vous avez posé du coup ? Vous avez décidé ? Bonjour. Si je peux rajouter un petit truc, c'est que c'est pas du tout terminé comme processus. L'idée, c'est vraiment de mettre au travail. Et c'est pour ça qu'on cherche à le diffuser. D'accord. Et vraiment, l'idée, c'est que chacun puisse le lire et avec son propre point de vue, voir qu'est-ce qui pense, qui marche pas, et qu'on travaille tous ensemble, en fait. D'accord, ok, donc vous n'avez pas encore terminé alors. On vous parle un peu sur le jeu parce qu'on est en sacré CRS, en fait on vient de se faire gazer, donc c'est un peu compliqué tout de suite là. Mais l'idée ce serait, on a pensé donc à un processus qui est disponible donc sur le wiki du Debout Toulouse. Ok. Et ce processus, globalement l'idée c'est que chaque AG va produire, donc chaque AG du Debout, enfin chaque assemblée va produire une liste de thèmes ou de chapitres qu'elle veut voir apparaître dans la Constitution. La liste de chapitres, elle va être triée en quelque sorte par l'Assemblée tirée au sort, qui n'a aucun pouvoir, et qui permet de voir quels chapitres s'opposent entre eux, ou s'il faut trancher entre différents chapitres, et on soumet ça à référendum. Voilà. Donc c'est tranché par référendum. D'accord. Pour que on puisse un petit peu situer la situation et où est-ce que vous en êtes par rapport à cette rédaction, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées qui ont été un petit peu abordées par rapport à ça ? Ah bah alors visiblement ça a coupé. On essaye de les rappeler pour voir si ça va fonctionner. On est avec Jonas donc de Toulouse qui ont réussi à mettre en place une commission constitution. Jonas, tu m'entends ? Non, je suis pas là pour l'instant. Ah, Jonas n'est pas là pour l'instant. Donc du coup on a carrément perdu Jonas de Toulouse qui devait donc nous expliquer comment la constitution devait se gérer. Visiblement, ça ne marchera pas beaucoup plus ce soir. Comment est-ce qu'on va poursuivre ? Alors, on peut vous proposer un petit rassemblement Nuit Debout contre l'évasion fiscale, parce qu'il ne faut pas oublier que ça continue allègrement, cette évasion fiscale. C'est parti. Où on est, où on va ? On est à côté de la Tour Eiffel, je crois que c'est l'avenue Rapp. Allô, du coup, est-ce que tu m'entends, Jonas ? Oui, alors c'est Bernard, du coup, là. Ok, super. Alors, excuse-moi, je me remets en place. Alors, du coup, je te demandais de savoir si tu pouvais me citer quelques articles qui ont été plus ou moins abordés pendant votre débat. Alors, en fait, nous... Il y a eu des articles constituants qui ont été faits, des articles qui ont été proposés. Mais là, en fait, à la commission constituante, ce qu'on essaye de faire, c'est pas pour l'instant de rédiger les articles concrètement, okay. C'est de penser le processus qui nous permettra de rédiger une constitution à l'échelle nationale. C'est ça. Donc, en fait, on est vraiment sur une composition logistique. Comment on peut s'organiser pour faire fonctionner une démocratie directe, en quelque sorte, à l'échelle au moins de la constitution. D'accord. Mais, Donc pour l'instant, on n'a pas fait d'article en tant que tel. On se concentre vraiment sur comment on peut faire en sorte pour qu'il y ait des articles de produits. D'accord. Collectivement, partout, ça ensemble. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous avez quand même quelque chose à dire par rapport à ça pour que ceux qui nous écoutent puissent essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que vous rédigez le processus? Oui, bien sûr, ouais. Voilà, alors je peux expliquer le processus un peu rapidement parce que bon, il est disponible donc, sur le wiki nudebotoulouse.fr, comme je disais, hein, c'est un peu. C'est un peu long, c'est pas compliqué, c'est un peu long à expliquer, mais c'est pas compliqué du tout. En gros, l'idée de base, c'est de dire que les assemblées, elles vont donc produire une liste de chapitres qu'elles vont dans la Constitution. Cette liste différente de plein d'AG, alors s'il y a 100 AG qui participent, eh bien, il y aura 100 listes de chapitres différents. Eh bien, on va les compiler par une assemblée tirée au sort qui n'a aucun pouvoir, mais qui permettra, qui pourra trancher en soumettant un référendum voilà, si on veut tel thème ou tel thème. Et ensuite, du coup, on aura une structure commune pour la Constitution. Et okay, là, ça redescend aux AG, et les AG vont remplir chaque thème avec des articles. Et on fait le même processus. Les articles remontent à une assemblée tirée au sort, qui va regarder quels sont les articles qui s'opposent entre eux, par exemple, auquel cas il faudra trancher par référendum. Ok, d'accord. Et au bout de ce processus, on aura une constitution finalement qui sera rédigée par le peuple, voilà, avec quelques référendums intermédiaires comme ça. Ok, ça marche. Donc ça serait uniquement Toulouse ou vous élargissez encore le tout aux autres Nuits Debout? Alors voilà, le processus a été pensé vraiment nationalement. Okay. C'est-à-dire que vraiment que toutes les Nuits Debout puissent y participer. Et d'ailleurs, le processus permet que toutes les Nuits Debout y participent, quelle que soit leur taille. D'accord. C'est-à-dire que ça peut prendre aussi en compte les petites Nuits Debout qui sont parfois 50-100 dans un village, une petite ville. Et ils peuvent participer de la même façon que Paris, Toulouse, Rennes, voilà. C'est possible. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet vraiment que tout le monde puisse participer. Donc voilà. Et le projet vraiment principal, c'est de soutenir l'idée d'une démocratie directe. C'est-à-dire que par ce processus, on va goûter un peu à la démocratie, à la façon de faire démocratiquement, c'est-à-dire d'écrire nous-mêmes les lois. Voilà. C'est le peuple qui dit les lois et c'est personne qui parle au nom du peuple. C'est ça l'idée. D'accord, super. Donc vous avez réservé un espace pour le 49-3 dans cette nouvelle constitution, du coup? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, la constitution, elle n'est pas rédigée. Non, c'est-à-dire j'imagine. Que... Voilà, alors là, le 49-3, pour l'instant, c'est plus à base de CRS et de matraque. Concrètement, tout de suite à Toulouse, hein, voilà. Oui, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à cette situation? Parce que du coup, j'ai cru comprendre que vous étiez en train d'être dans une sacrée lutte encore à Toulouse. Voilà, ben, en fait, donc il y a eu une manifestation cet après-midi qui est partie vers le siège du PS. Et là, on a été attendu par les CRS qui ont commencé à gazer, à charger, à taper. Après, okay. Du coup, on a bougé vers le Capitole de nouveau, et là, les CRS ont réussi à scinder la manifestation en deux. Et finalement, on s'est quand même rejoint, on est reparti en manif sauvage, ça a pété un peu de tous les côtés, et là, on est revenu au Capitole, et là, on est, je vais aller voir, on est bien 1000, facile. Bah, pour nous, c'est beaucoup, hein, même plus, je pense, voire 2000 au Capitole. Okay. Et donc, on est encerclé par les CRS, qui pour l'instant ne chargent pas. Voilà, d'accord. On en est là pour l'instant. Et est-ce qu'ils auraient une raison particulière de charger pour ce soir ou selon vous ou pas? J'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont bien énervés. D'accord. Il y a pas mal d'insultes, pas mal de coups, ils sont chauds à blanc, mais tant qu'ils n'ont pas l'air de façon de charger, ils chargeront pas. Ok, ça marche. Donc on verra bien. Et donc est-ce que vous arrivez quand même à maintenir un peu le débat et le dialogue dans la Nuit Debout malgré ça? Oui, bah oui, justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors c'est pas super serein, mais là voilà, quand on a le micro, il y a une AG qui se remet en place. Ok, super. Voilà, donc on va pas s'arrêter pour ça, c'est clair et net. Super. Ça c'est sûr. Bon, eh ben merci, on va rester sur ces super paroles. Tenez-nous au courant si jamais la situation évolue. Et Karim a un petit point à nous faire par rapport à la situation des exilés à Stalingrad peut-être? Oui, voilà, je vous avais parlé il y a peu de temps du message qui nous était arrivé, disant que 40 exilés étaient sous la pluie et virés par les forces de l'ordre parce qu'ils n'ont pas été protégés de la pluie à la chapelle. Il y a des soutiens, ils ont réussi à dealer avec les forces de l'ordre pour qu'ils puissent rejoindre le jardin des Halles, sauf que sur le jardin des Halles, ils vont pouvoir se poser et les soutiens souhaiteraient par contre avoir du monde pour qu'ils puissent passer la nuit, donc amener des tentes et pouvoir les déployer sur le Jardin des Halles. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Le Jardin des Halles, c'est dans la rue de Bervilliers, toujours à la sortie Stalingrad. C'est une rue que vous trouvez facilement. Vous remontez la rue de Bervilliers, un peu plus loin sur la gauche, vous allez trouver le Jardin des Halles et les exilés qui sont là. Alors, sans transition, mais avec quand même un petit lien de, par rapport à ce que tu viens de dire, Karim. Tous s'accordent sur le remède. La modernité, c'est d'abord une cure d'amaigrissement. Continuez à dégraisser. Faites comprendre à vos pauvres qu'ils ne sont pas des exploités, mais des ringards, des empotés, et qu'il existe des sociétés civiles moins laxistes, celles des cormorans, par exemple. Les branches les plus élevées sont réservées aux plus forts, qui peuvent chier à leur aise sur les occupants des branches du dessous. Imaginez ceux d'en bas qui récoltent tout. Il y a même un peu de mobilité sociale. Quelques individus de la deuxième branche parviennent à se hisser sur la première, et ainsi de suite. Quelle leçon pour tous ces empotés. C'est un extrait d'un penseur que j'aime beaucoup, qui s'appelait Gilles Châtelet. Ça s'appelle « Vivre et penser comme des porcs ». Alors, si on n'a pas envie de vivre et penser comme des porcs, on peut peut-être prendre en main autrement les choses. Alors, on revient du coup sur des questions importantes par rapport à la garde à vue, et donc avec Maître Assal, qui était avec nous tout à l'heure en début de soirée. Et on n'avait pas fini complètement cette discussion. On avait envie de revenir sur, voilà, quel serait en fait le lexique si on est arrêté, c'est quoi le lexique? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, dire, pas dire, etc. La conduite à tenir. Voilà, la conduite à tenir et à celle à ne... Voilà. Cher maître, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, il y a plein de conseils pratico-pratiques. Bien évidemment, il est toujours préférable que l'interpellation elle-même se déroule, j'allais dire, le plus calmement possible. Et ça, ça dépend des circonstances, bien évidemment. En tout cas, il va falloir à un moment donné réfléchir à comment faire en sorte qu'on ne soit jamais le responsable d'un éventuel désordre. Et ne pas hésiter à reprocher à ceux qui l'ont, d'après vous, causé, eh bien de l'avoir causé justement, et quelquefois ce sont les policiers, c'est des choses qui peuvent arriver. On le voit actuellement avec quand même, on le sait tous, des actes de provocation très clairs, comme d'interdire, d'empêcher une manifestation de se dérouler tout à fait normalement, contraignant les gens par exemple à prendre une rue où là le défilé n'est pas autorisé, et où là on va pouvoir effectivement les repousser et les interpeller éventuellement avec la force. Ça, maintenant, c'est la première chose à savoir. Oui, c'est vrai que les conditions d'interpellation, à partir du moment où on est interpellé... Elles sont très arbitraires quand elles même. Elles sont très arbitraires dans ces cas-là, en tout cas, dans les cas qui nous occupent. Et d'ailleurs, on le sait, puisque beaucoup de gens ont déjà été relaxés. Il y a eu beaucoup de classements sans suite aussi, avant même toute poursuite. Hein. Mais le fait est qu'il y a quand même des choses à connaître. Lorsqu'on arrive en garde à vue... tout de suite, on va vous notifier la mesure de garde à vue. Ça paraît très bête, mais il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Donc on va vous notifier, c'est-à-dire on va vous dire, les raisons pour lesquelles alors, vous êtes ici. On vous dit, voilà, vous êtes interpellé, vous êtes en garde à vue depuis... Alors, c'est forcément l'heure d'interpellation, hein, c'est pas l'heure d'arriver au commissariat. Ensuite, on va vous donner un certain nombre de vos droits, et on va vous demander si vous voulez les exercer. Et le premier droit qu'on va vous demander d'exercer, c'est faire prévenir une personne de votre choix. Alors, il est toujours bon d'avoir un numéro en tête, parce que sinon, on va vous demander, il n'y a pas de numéro, on ne peut pas l'appeler. Ou alors, il va falloir que vous donniez éventuellement le code de votre portable pour dire, appelez maman. Mais il faut d'abord ouvrir le portable. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent. Vous avez parfaitement le droit de refuser de donner votre code PIN. Ce qui peut effectivement poser un certain nombre d'inconvénients si vous voulez absolument faire prévenir quelqu'un. Donc il vaut mieux avoir le numéro en tête ou sur un petit bout de papier dans la poche, parce que moi je vois des gens en garde à vue qui refusent de donner leur code PIN et juste qui font des fois 48 heures de garde à vue, et qui à la fin de la garde à vue, on n'a pas ouvert le téléphone et on n'a pas pu exploiter son téléphone pour s'en servir contre la personne, car à partir du moment où vous êtes en garde à vue, vous appartenez aux policiers et rien ne peut leur être caché de ce qui est sur vous, notamment. Et votre portable est fouillé intégralement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un ou deux numéros hyper importants en tête, éventuellement que tu as sur toi, sur un petit papier ou dans ta tête. Voilà. soit un avocat si tu en connais, voilà. Soit la legal team, enfin voilà, tes parents, etc. Ou un ami de confiance, voilà. Alors. Mmh. On m'a dit aussi que quand on arrivait, on pouvait aussi demander à avoir un médecin. Tout à fait. Alors comment là, ça se passe ? C'est justement là-dessus que je voulais intervenir, ça, précisément. Parce que effectivement, faire prévenir une personne de son choix, c'est important. Et on va vous dire, vous avez le droit de voir un médecin, vous avez le droit de demander un avocat. Alors, les gens disent, surtout s'ils sont très remontés, « Ah, moi, je veux tout. » Très bien. Alors voilà, la petite ruse policière est la suivante. Le code de procédure pénale ne prévoit absolument pas qu'on doit faire passer l'un avant l'autre. Mais systématiquement, ils font passer la visite médicale avant. Pourquoi ? En dehors du cas où la personne est blessée, souffrante, malade, qu'elle ait un traitement, en dehors de ces cas-là, c'est-à-dire dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément besoin de visite médicale. Et les gens, souvent, qui ont qui se sentent pas bien, qui sont un peu énervés, qui sont fatigués, qui ont soif, eh bien, demandent la visite médicale. Et là, ils se font couillonner. Ils se font couillonner pourquoi ? Parce que... À Paris, il y a un certain nombre de secteurs, je crois que c'est 7 secteurs à peu près, et de police la nuit notamment. Et chaque secteur a une navette qui vient ramasser dans les différents commissariats les gens qui ont demandé à passer la visite médicale en garde à vue, lors d'une garde à vue. Et là, on ne sait jamais quand elle va arriver. Le résultat, c'est qu'en moyenne, entre 4 et 6 heures s'écoulent entre le moment où la personne part du commissariat, évidemment dans un fourgon de police, jusqu'à l'Hôtel Dieu, hein, parce que généralement là que ça se passe pour Paris, en tout cas à l'hôpital, et son retour. Et puis quand elle revient, les policiers sont très malins et disent « Vous voulez vraiment voir l'avocat ?» Parce qu'il a un délai légal de 2 heures pour arriver. Alors les gens disent « Oh bah non, j'en peux plus, j'en ai marre. Non, non, pas d'avocat, je vais faire ma déclaration tout seul. Après tout, j'en ai pas besoin, je suis un grand garçon. » Et là, les gens sont couillonnés parce que bien souvent... alors. Il est vrai que parfois, certains avocats ne remplissent peut-être pas leur rôle de façon idéale, parfaite et combative. C'est vrai. Mais pour autant, c'est quand même beaucoup de garanties, et notamment la garantie de ne pas subir trop de pression. Je dirais pas physique, parce que c'est plus trop dans l'air du temps, mais des pressions morales assez importantes, comme déjà le tutoiement, écoute, tu fais ça, alors là, bon, pauvre, t'es pas sorti de garde à vue. Toutes ces pressions-là, sont largement atténuées, voire absentes, lorsque l'avocat est présent. Il y a quand même une espèce de pudeur qui s'instaure entre gens de bonne compagnie, j'allais dire, et on n'ose pas trop aller trop loin. Ça, c'est la première chose. Mais la visite médicale, c'est une couillonnade. Si vous n'avez pas de traitement, si vous n'êtes pas spécialement malade, franchement, ne demandez pas la visite médicale. Maintenant, ça dépend. Le manifestant qui s'est fait tabasser, qui veut faire constater ses blessures, il le peut. Dans le cas du lycéen dont je vous ai parlé, lui a été très malin, il a dit... Je demande la visite médicale, mais plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il est vrai qu'on est peut-être bien tombé. On a eu un OPJ qui a considéré qu'il y avait besoin d'une visite médicale parce que le môme s'était fait tabasser, vraiment, hein, qu'il fallait faire constater ses blessures. Mais comme le parquet, entre-temps, avait levé la mesure de garde à vue en classant sans suite parce que le gamin avait dit « je me réserve le droit de porter plainte », malgré tout, l'OPJ a dit oui, mais comme il a dit qu'il voulait, il envisageait de porter plainte, et puis aussi parce que l'OPJ le voulait bien, eh bien, il lui a donné ce qu'on appelle une réquisition judiciaire pour qu'il aille aux UMJ et donc bénéficier. Parce que alors, qu'est-ce que c'est les UMJ ? Alors, pardonnez-moi, c'est les urgences médico-judiciaires. D'accord. C'est le lieu. C'est à l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu ou alors rue Doudeauville, il y a 2 secteurs maintenant. Mais en général, c'est à l'Hôtel Dieu où on se fait examiner à la demande de la police, dans des cas comme ça, par exemple. Et voilà. Et donc lui, il est allé avec sa réquisition le lendemain de la garde à vue. Et il a pu faire constater qu'il avait une ITT, effectivement. C'est donc, une ITT, c'est c'est une incapacité temporaire de travail, excusez-moi. D'accord. Et c'est une notion légale, médico-légale, qui détermine éventuellement une peine applicable ensuite. Donc ça a une importance capitale. En tout cas, d'une manière générale, si on n'en a pas besoin... On s'en passe, la visite médicale, c'est une couillonnade. Mais de toute façon, dans une garde à vue, il y a un temps. Alors, la donc, durée... Il y a une durée de base. Il y a une durée de base qui est de 24 heures, renouvelable une seule fois, pour les délits communs. Donc, Est-ce que justement dans ce temps de 24 heures qui est assez long et complexe, j'imagine, est-ce qu'on ne peut pas justement demander tout puisqu'on sait que ça va prendre du temps et que du coup ce temps va servir aussi à ce temps. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que si on demande autant de voir un médecin, parce que est-ce que derrière il n'y a pas par moment des pressions, qu'elles soient morales ou physiques, qui peuvent être faites à la personne qui est en garde à vue? Est-ce que ça peut arriver et que du coup le médecin peut être aussi constatant qu'il n'y a rien et voilà, et que s'il y a quelque chose après, la personne en garde à vue peut faire constater plus tard qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Donc ça peut être une des pistes de base. Et du coup, ce temps long qu'il y a, est-ce qu'on peut demander tout, quoi? Enfin, je sais pas comment dire, Karim, comment tu peux m'éclairer? En détention, on a l'habitude de dire « prenez, prenez », parce que ça vous permet de sortir de la geôle. Parce que, bah oui. Alors c'est vrai, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, dans les geôles de garde à vue, il n'y a pas d'air courant, ça pue, les couvertures sont dégueulasses. Là, le jeune en question, il y avait une couverture pour 4 personnes, et puis la pisse, il y a des clodos qui sont passés avant, voilà. Et donc les gens n'ont qu'une hâte, c'est sortir. Et du coup, bah, la visite médicale semble un bon truc, mais en fait, non. Parce qu'il faut savoir aussi que le temps policier est découpé à peu près en 3. Les 24 heures sont divisées en 3 fois 8. Et donc, en réalité, quand vous arrivez un soir en garde à vue, l'idée du policier, c'est de se débarrasser du dossier le plus vite possible. Ou alors, de le refiler à l'équipe du lendemain. D'accord ? Et donc, ils préfèrent, eux, que les formalités soient faites relativement rapidement. Et si, lorsque l'avocat appelle, dit « je suis disponible immédiatement », ah ben, ça tombe bien, maître, il n'a pas demandé les UMJ, il n'a pas demandé donc la visite médicale. Vous pouvez venir tout de suite et vous ferez votre entretien d'une durée maximale de 30 minutes, sans accès au dossier. Et ensuite, on pourra faire l'audition dans la foulée. Et alors pourquoi, excusez-moi, mais pourquoi l'accès au dossier en France et, parce que dans d'autres pays, cela existe. Pourquoi en France, ce n'est pas, enfin, ça n'existe pas? Alors, il y a eu... l'article ou la... Oui. Alors, il y a 5 ans, la Turquie et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme vaut pour toute l'Europe, pour tous les pays adhérents au Conseil de l'Europe, donc pour la France, a été condamnée dans le cas où on avait refusé à un avocat l'accès au dossier. Et depuis, il a été institué que l'avocat doit pouvoir disposer de toute la palette des prérogatives qui lui reviennent pour pouvoir défendre son client dans un équilibre, dans un but d'équilibre entre la défense et l'accusation. C'est ce qu'on appelle le droit au procès équitable. C'est l'article 6 de la déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme. À partir de là, des textes ont été édictés au niveau européen et une directive européenne qui date de 2012, d'octobre 2012, impose... normalement à tous les pays européens, de l'Union européenne, eh bien, l'accès au dossier intégral par l'avocat. Sauf que la France ne transpose pas cela dans son droit. Et la Cour de cassation, qui a été saisie à plusieurs fois, plusieurs reprises de cette question-là, dit « Ah ben non, ça n'a pas été transposé, donc nous, on n'applique pas ça. » Alors que, justement, on parle de la hiérarchie des normes en ce moment, la hiérarchie des normes impose que la Convention européenne des droits de l'homme, confortée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, s'impose sans besoin de transposition normalement. Voilà. Donc en fait, on pourrait dépasser ce droit. Enfin, on pourrait le... Comment faire pour... Ça n'a pas de sens, On est face à une situation de blocage de la part des juridictions françaises qui disent la Cour de cassation nous dit que c'est pas transposé en droit français. Alors, du coup, une date a été prévue quand même, qui est novembre. Alors, normalement, novembre 2016, on devrait normalement avoir cette transposition. Et j'attends, avec une certaine impatience et un certain énervement d'avance, j'allais dire, les dispositions qui seront prises au plan des décrets, notamment d'application, parce que je suis à peu près sûr qu'on va encore couper en petits morceaux le droit d'accès à l'avocat. Par exemple, on pourrait imaginer que les actes qui ont été passés avant son arrivée sont consultables et pas ceux d'après. Or, bien souvent, il y a des actes d'enquête qui se déroulent pendant la garde à vue, bien sûr. C'est même pour ça qu'elle existe, en grande partie. Alors, c'est vrai que... Il y avait des choses à dire. Est-ce que vous pouvez finir sur la garde à vue d'une manière un peu plus succincte? Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Mais bon, on était parti sur effectivement, non, mais bien sûr, parce que tout ça renvoie à d'autres choses. Et alors, en tout cas, donc, la visite médicale, j'en ai parlé. Alors ensuite, il y a évidemment l'interrogatoire. Alors la question, là, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Alors, D'une manière générale, qu'on soit seul ou accompagné d'un avocat, d'une manière générale, déjà, on fait des réponses courtes. Pas comme moi. On fait des réponses très courtes parce que tout ce que vous dites va susciter des questions. Donc, il faut en dire le moins possible. Essayez de préserver sa vie privée le plus possible. J'ai parlé de téléphone portable tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation de faire déverrouiller son portable. Ceci dit, il est déverrouillé par des techniciens dans les affaires très graves. Les meurtres, les gros trafics de drogue, etc. Et puis, bien évidemment, contrairement à ce qu'on croit, le gardé à vue dispose de certains moyens de chantage. Il y a systématiquement en garde à vue des négociations, en réalité. C'est pas « je dénonce un tel », non, c'est pas ça. Ça peut arriver dans des affaires graves, mais c'est pas le cas pour ce qui nous intéresse. Mais il y a effectivement du donnant-donnant. Et on verra systématiquement que si, par exemple, dans un moment de gentillesse d'un policier, on se laisse aller à dire qu'on est fumeur, alors là, le chantage va partir. C'est-à-dire qu'effectivement, « ah ben non, bah vous m'avez promis une cigarette. Ah oui, mais pas tout de suite. On finit l'interrogatoire, là on va s'arrêter. Et puis il n'y a jamais de cigarette. » Tant que les policiers ne sont pas arrivés à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de cigarette. Et à la fin, on leur dit, un autre policier leur dit, mais non, mais c'est interdit dans les locaux de police. Ah, mais l'officier, ah oui, mais il est parti, etc. Donc, il y a beaucoup de couillonnades. Donc, on se fait couillonner très facilement, on garde à vue. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, donc en dire le moins possible. Maintenant, on a souvent intérêt à nier aussi certains faits. Et je l'ai vu là dans les gardes à vue de manifestants récemment, parce que souvent, les policiers disent, on sait, on vous a vu. Et il faut savoir que les gens ne savent pas que si on leur dit ben, on a des vidéos, par exemple, ils ont le droit d'exiger qu'on leur montre les vidéos. Vous avez un témoignage contre moi, alors s'il vous plaît, lisez-moi les déclarations de Mme Trucmuche qui m'accuse. Montrez-moi les vidéos. Et bien souvent, eh bien, on obtient un classement sans suite parce que les vidéos ne sont pas probantes, par exemple. Mmh. Ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Et quand bien même, il y aura un témoignage à charge, pourquoi la valider ? Et on peut aussi le contester, bien évidemment. Et ce qui est assez rigolo aussi, parce que moi je l'ai vécu, en garde à vue, être fumeur, ça peut être une monnaie d'échange. C'est-à-dire aussi. Que ne pas parler, j'avais compris que pour ma part, ça embêtait énormément l'OPJ qui était devant moi. Il a compris que j'étais fumeur, et à un moment, on m'a demandé, bon, une clope contre le fait que tu parles. C'est ça. Voilà. Et ce qui était assez rigolo, c'est que là, en l'occurrence, il a inversé, c'est-à-dire qu'il il m'a permis de fumer ma clope, et après... On devait aller parler. J'ai fumé ma clope, et puis c'est marrant parce que j'avais plus rien à dire en fait, une fois que la clope finit. Alors il y a d'autres techniques aussi. Hein. Chaque fois qu'on remet en cause, par exemple, le comportement de policier, systématiquement, on vous fait asseoir, par exemple, sur un tout petit tabouret en plastique très peu stable. Ça, je l'ai vu. J'ai vu une femme de 60 ans interrogée pendant 6 heures sur un tabouret où elle ne pouvait pas s'appuyer. Et justement, elle a remetté en cause. Le travail des policiers qui l'avaient malmené. L'avocat, on peut le demander à quel moment ? Dès le début, dès qu'on notifie la mesure de garde à vue. C'est à ce moment-là que ça se passe. Et il a, à partir du moment où alors on le contacte, par l'intermédiaire de la permanence des avocats, il est contacté. S'il accepte la mission, alors il a 2 heures pour arriver. D'accord. C'est important d'avoir son nom. C'est-à-dire que si on a un simple numéro de téléphone, ça ne fonctionne pas ? Oui. C'est, oui, il vaut mieux avoir le nom. Voilà. Parce qu'on peut retrouver, on peut identifier l'avocat. C'est-à-dire que les policiers vont appeler la permanence des avocats. Ils vont dire « maître un tel ». Ah bah oui, on le connaît, oui d'accord, hop. Et donc, ils vont contacter cet avocat en question. Maintenant, s'il y a des homonymes, c'est un peu compliqué. Mais donc, il vaut mieux connaître le nom et le prénom. Tout à fait. C'est-à-dire que je vous fais part de ça parce que j'ai fait l'interview d'un jeune mis en garde à vue qui me disait qu'il avait juste un numéro de téléphone. Et quand on lui a refusé son avocat, parce qu'il ne connaissait pas le nom, il avait juste un numéro de téléphone. Oui, j'en suis pas étonné. Ceci dit, le code de procédure pénale n'impose rien dans ce domaine-là. Hein. D'accord. Donc, Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. C'est vraiment chouette de vous avoir rencontré hier au TGI de Paris dans le cadre d'une procédure concernant 4 inculpés, les 4 inculpés de Tolbiac, qui ne sont pas que des étudiants. Voilà, donc on suivra cette affaire. On va écouter un petit son que Manon va nous présenter. Oui, alors on va entamer une thématique plus musicale avec un petit open mic improvisation musicale sur la place de la République. tirage au sort. Ça ne m'explique pas. Là, c'est trop long. Je suis trop long. Bon, on me dit que... Bon, alors, je continue un tout petit peu. Un homme qui parle en octave, sa fond d'armes égale dans les règles de l'art. Promis, soin de toi, pas qui dit pas qu'à alors, du coup, pour la parole, Olivier, Ulysse et Thomas. Olivier, c'est une arme. Classe, du cœur et du panache. Paradis, this, this, hai ca vreca multe, paradis, this, Roberto te pute de te rupe, paradis, this, this, hai ca vreca multe, paradis, this, Roberto te pute de te rupe, ia ma câine eu și câine e pe și de pornă cu magute, Dumnezeu cu milă, bati cargulai, cacate și hai pornă cu babe, Roberto e părai, băcuța Milca, Roberto e olimpic, nu știu ce să zic, mă complic, făceam sex pe domecat și am băgat pula căcat și borcanele e ochi, ia hop cu cop, nu refuza un viol. Că nu e frumos de te prinde, dar la cuini. Ci sol nu e viața după morte, dar mine bol. Nu se poate și dacă tu ești pula, ce? Tu ești pula, dar de ce? Paradis, zis, zis, hai că vrei ca multe. Paradis, zis, nu rămân să te pute de teru pe paradis, zis, zis. Că vrei ca multe, paradis, zis, Robert să te pute de teru pe. Ia mă câine, eu, și câine e veșină, pornă cu maguse, Dumnezeu cu milă. Bani cor, gulai, cacă de și hai, pornă cu mame, Roberto e porai. Toujours donc au petit tonneau juste à côté de la place de la République et Clément sur ma gauche essayait de défaire des ronds de câbles et elle n'y arrive pas. Donc voilà, on vient d'écouter donc ça bouge un peu, certains jeunes s'énervent dans la pièce, non. Donc on vient d'écouter jeunes, un... Les plus jeunes de Radio Debout. Les plus jeunes de Radio Debout sont un peu énervés. On vient de donc là, à côté de nous, il y a Clément et Alice qui viennent d'arriver, je pense, aussi de l'Assemblée nationale. On vient d'écouter ce petit son donc, en direct qui a été enregistré sur la place de République. Là, on va écouter un morceau d'un groupe qu'on a invité ce soir, Charlotte et Magon. Alors voilà, vous êtes tous les deux. Charlotte est face à moi et Magon, on va t'appeler comme ça. Non, et juste un petit peu décalé. D'où vous venez, vous ? On habite à Groslay, dans le Val d'Oise. Moi, je suis française et Magon est israël. D'accord, et ça fait longtemps que vous jouez ensemble ? Ouh, ça fait 8 ans. 8 ans, oui. Voilà. D'accord. Et donc là, ce soir, toi, tu as la guitare, une belle guitare. Tu peux nous la raconter ? Epiphone. Oui. Comment tu l'as rencontrée, ta guitare ? Dans un magasin Cash Converter. D'accord. Et c'est ma belle-mère qui me l'a offert. D'accord. Ouais, voilà. Super. Et ça fait longtemps que tu l'as, du coup, cette Epiphone ? Ça fait un an, ça fait pas. Mais elle date des années 70. D'accord. Et tu l'avais repérée, tu savais que c'était une guitare qui avait un peu de. Bah, dès que j'ai fait la première corde, je savais que c'est la guitare. Ouais, voilà. Que tu voulais. Elle était pour toi, quoi. Elle était pour moi, voilà. Ouais. Donc il y a une histoire d'amour aussi derrière, c'est ça qui est beau, parce que depuis toute la soirée, j'essaye de chercher des histoires d'amour à travers de tous ces mouvements et de toutes ces luttes. Et donc il y a de l'amour là, avec la belle-mère. Oui. Avec la belle-mère, avec la guitare. Avec oui. La guitare et la chérie, donc oui, voilà. C'est super. Et donc vous allez... Donc Clément, c'est d'accord. Et qu'est-ce que vous allez nous interpréter tous les deux ? Une chanson qui s'appelle What If the World. On l'a composée au début, on voulait s'inspirer de l'allégorie de la caverne de Platon. Yes. Parce que voilà, on était en pleine déconstruction et on était presque aveuglés par la lumière. Et on a fini par parler de la vérité, des luttes, de comment on se sent par rapport à nos émotions et les oppressions. Et on a pensé que c'était important de la chanter ce soir. Super, ben on vous écoute tout de suite en direct. Yes. Ah, c'est bien. Taking distance from my heart to separate two people in me. In my mind, incarnation of my use, as they say. I can wait for so long. What can I say? Touching the well, with emotion, the shadows and faces of my life. What if the world was on my side? I know there's another way to find. Now I stand beyond the line and contemplate many pixels for display in the sun. Tous les deux, c'était beau. Il y avait un côté vinyle à un moment donné qui s'est interféré à l'intérieur du morceau avec ces petits craquements comme ça. On est vraiment dedans. Ouais, c'est chouette. J'espère que les gens ont compris parce que moi, je comprends trop l'anglais. J'ai pas trop compris, mais en tout cas, c'était beau. Je peux vous le dire. Non, mais c'est vrai. Donc, ça parle de quoi pour les gens qui sont comme moi ? Alors, what if the world was on my side ? Ça veut dire, et si le monde était de mon côté ? Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres très sensibles. Et ce que nous vivons au jour le jour peut des fois nous faire du mal. Et donc, en fait, c'est essayer de trouver la force qui est en nous et voilà, croire en de jours meilleurs. voilà, et de chercher en soi la force et de ne pas avoir peur d'être aveuglé par la connaissance et la lumière. Voilà. Et vous l'avez écrit tous les deux ? Vous travaillez tout le temps ensemble, musique, texte, ça se fait comment ? Tout le temps ensemble. Ah, c'est super. Je savais bien que j'allais tomber sur des vrais amoureux, je suis trop contente. Hein. Franchement, je vous félicite. Hein. On a bien fait de vous inviter parce que j'attendais ce moment avec joie depuis le 35 mars. Et on a retrouvé la chronique Cœur de Lise Marie, du coup, ce soir, qui est là pour nous. Cœur debout. Exactement. Voilà. Amour debout. Debout. Bon, bah, c'est super. Alors, après, vous allez nous jouer un petit morceau parce que, quand même, c'est trop bien. Et avant, on va. Karim, c'est à toi de reprendre le micro. On va retrouver Rennes. Pas tout de suite. Okay. On va retrouver Rennes un petit peu plus tard avec la Maison du Peuple. Mais on va d'abord aller voir Place des Fêtes debout. Qu'est-ce qui s'y passe dans le 19e, là, cette jolie place où il y a ce beau marché et ces grands immeubles. Venez, donc, je vous en prie. Installez-vous. Hop là. Laisse ma place. Voilà. Je vais aussi passer mon casque et mon micro parce que je suis sympa. Et pas que. Donc, venez vous installer. Mets donc ce casque que tu as devant toi. Voilà, mets donc ce Anthony, casque. Marion, Nicolas aussi en fait partie. Nicolas, si tu veux, tu peux mettre le casque. Voilà. Moi, je vais faire l'animateur sur ce coup-là. Voilà, mais aussi, tout à fait. Je suis aussi participant en classe des fêtes debout. Voilà. Alors, cette initiative de place des fêtes debout, vous pouvez un peu me raconter comment elle est née et pourquoi elle est née ? Cette place des fêtes debout ? Place des fêtes, déjà, ça se situe où ? Alors, place des fêtes, c'est dans le 19e arrondissement, c'est dans les Hauts-de-Belleville, à la frontière avec le 20e, donc on n'est pas spécialement 19e, c'est pas une... Il n'y a pas de frontière entre les arrondissements chez nous. Et donc, c'est né... C'est antérieur à Nuit Debout. On a rebondi là-dessus pour créer des assemblées de quartier. On avait déjà des animations pour se fédérer entre habitants face à l'austérité actuelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'y passe à Place des Fêtes Debout, Anthony ? Du coup, à Place des Fêtes, il se passe qu'on discute, du coup. On discute de l'actualité. Ah. Ça marche mieux ? Ouais, effectivement. On discute beaucoup de l'actualité, notamment en ce moment des violences policières qui ont beaucoup choqué, notamment avec du lycée Jean Jaurès, qui est pas très loin de Place des Fêtes, rue Clavel. C'est vrai que c'était d'actualité ? Ouais, tout à fait. Donc des membres, des gens qui étaient là ont témoigné notamment des violences policières, des blessures qu'ils avaient eues lors des interventions des forces de l'ordre, alors que c'était une manifestation, enfin une interposition, on va dire, non violente pour protester contre l'évacuation des migrants du lycée. Donc voilà, on discute. Là, en ce moment, on est en train d'essayer de se structurer. Parce que ça fait à peu près 4 semaines qu'on se réunit. Moi, j'y suis allé 2 fois, en fait. C'est une amie qui m'a fait passer le message via Facebook, qui n'est pas encore passé. Bon, elle est un peu plus loin, elle est de l'autre côté du canal. C'était la première fois que j'allais... Enfin, la veille, c'était la première fois que j'allais à République, parce que je n'avais pas pu y aller avant. D'accord. Toi, t'es arrivé sur Place des Fêtes debout comment, en fait ? Est-ce que t'es passé avant sur République ? C'est ce que tu... Oui, c'est ça. Hein. Juste la veille, en fait. Mais du coup, ça c'est plutôt enchaîné, en fait. J'ai une semaine d'intervalle, en fait, entre les deux. En gros, entre ma première venue à Place de la République et puis celle à Place des Fêtes. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur la Place des Fêtes debout, étant donné que tu allais déjà sur la Place de la République ? Alors, on peut imaginer que tu allais chercher quelque chose d'autre ? Effectivement, moi je voulais quelque chose de... Enfin, à République. À République, les discussions sont plutôt très, très générales. L'Agora, c'est un lieu très ouvert. Moi, ce que je voulais, ce que je recherchais, c'était plutôt une action locale. Comment m'impliquer localement, en fait ? Comment est-ce que je pouvais participer ? Et ce qui m'a plu dans l'initiative de Place des Fêtes, c'est que justement, je pouvais rencontrer des gens qui avaient envie de transformer le quartier, de ne pas se laisser faire par les lois qu'on nous imposait, par les violences policières. qui voulait changer les choses, voulait améliorer les conditions de vie en fait de la population de manière générale. D'accord. Cette assemblée là, elle réunit que des individus. On est d'accord là-dessus, hein. On est complètement en dehors de toute organisation. Ou d'association. Et d'association. Voilà, c'est ça. Voilà, on est assez pour l'auto-organisation, l'autogestion, que chacun se prenne en main et chacun est responsable en fait de l'assemblée. Sur le principe, une initiative est bonne si elle est suivie. Donc tout le monde est libre de prendre une initiative et de la mettre en œuvre avec ceux qui sont partants. D'accord. Donc ça se réunit une fois par semaine, jusqu'à présent, c'était comme ça. Il y a eu 4 éditions, 4 rendez-vous qui ont été donnés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 éditions, en fait ? Il y a une prise de contact, tu es qui je suis, je me présente à toi, comme ça, et puis ? Alors, au départ, on a surtout... On a fait des allers-retours entre République et Place des Fêtes pour parler de l'intérêt d'une initiative locale. Et ensuite, on a fait avec les gens qui étaient là. C'était à l'impro. En fait, on est un peu sur un mode impro à chaque fois. À la 4e édition, on a commencé à se dire que ce serait bien de se structurer. Donc, on prend notre temps, j'ai envie de dire. C'est un peu le sentiment que j'ai. Justement parce qu'on n'est pas dans des organisations au départ, on n'a pas les habitudes... des organisations, donc c'est par l'expérience qu'on se rend compte qu'il faut qu'on s'organise et que du coup on crée des groupes de travail. Alors ça a l'air de fonctionner parce que là on est tous les quatre, on est quatre participants à cette place des fêtes debout, et c'est vrai qu'il y a encore, un petit mois on ne se connaissait pas en fait. C'est oui, tout à fait. C'est un signe de... C'est ce qui fait plaisir, enfin moi ça me fait très plaisir de... Voilà, de pouvoir rencontrer des gens qui habitent à côté de chez moi, quoi, et avec qui je peux discuter de manière générale. Et c'est ce que j'ai constaté dans beaucoup... Enfin, je suis allé aussi au Lila, qui n'est pas très loin, et c'est le même genre de choses, quoi. C'est des gens d'organisations, enfin, actuelles ou qui ont fait partie d'organisations qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés à l'occasion, justement, de la Nuit Debout. D'accord. Alors, concrètement... Maintenant, on va rentrer un peu dans le concret de qu'est-ce qui s'y passe vraiment. Au bout de 4 semaines, il y a eu des choses qui ont été un petit peu posées. Tu parlais d'organisation. Alors, comment ça fonctionne au bout de ces 4 semaines ? Qu'est-ce qui va s'y faire ? Je continue. tu complètes. Moi, je sais, mais je voudrais que vous l'entendre me le dire. Donc là, à la dernière assemblée, on a constitué des commissions, des groupes de travail. Pour travailler plus spécifiquement sur certaines choses, donc la communication, que ce soit par les tracts, les affiches, sur internet, il y a eu plusieurs projets qui ont émergé, donc qui menaient de divers participants, dont un théâtre forum, donc je sais pas si j'explique. Tout ça là c'est tout frais parce que faut le dire quand même, là vous revenez d'une petite réunion où tous les participants de ces différentes commissions étaient représentées ? Non, pas du tout ? C'était quoi, là ? Vous êtes vus, mais... En fait, en fonction des gens intéressés par tel ou tel groupe de travail, on s'est calé des rendez-vous. Et ce soir, on était sur la communication vers les gens en direct. D'accord. Donc, élaboration d'un flyer, réflexion sur comment est-ce qu'on mobilise les gens du quartier, de quoi on leur parle. C'est vrai que les groupes de travail qui sont ressortis de la dernière assemblée, c'est surtout des groupes qui visent à mobiliser davantage de monde. On est plus sur le côté, on fédère avant de passer sur un aspect plus actif et politique. Enfin, c'est politique, de fait, mais... Donc là, les groupes, c'est Théâtre Forum, c'est quand même une belle façon de faire parler les gens sur des sujets qui nous intéressent. La communication, les flyers, les affiches, comment on fait pour que ça se sache dans le quartier ? Que Place Debout, Place des Fêtes, Debout existe. Debout, Place des Fêtes existe. Ouais, c'est ça. On aime bien être pas pareil, je crois. Debout, Place des Fêtes, ouais, c'est marrant. Parce que j'avais pas fait le rapport. Oui, parce que moi, je défendais aussi le fait que... tout à l'heure, tu parlais de l'évacuation du lycée Jean Jaurès. On en a entendu largement parler dans les médias nationaux. Mais il y avait aussi une autre parole à défendre, parce qu'il y avait cette question des violences policières, où il semble que ce qui était défendu dans les médias nationaux, c'était que c'était une réponse à la violence des manifestants. Sauf que tous les quatre on y était, et c'est pas tout à fait ça, tous les trois on y était, et c'était pas tout à fait ça, c'est qu'il y a eu une violence qui s'est exprimée très clairement de la part des forces de l'ordre, et que les manifestants sont toujours, toujours restés pacifiques. Ils étaient dans la résistance, mais dans une résistance qu'on peut qualifier de pacifique, c'est-à-dire qu'ils se posent là, mais ils ne vont pas jeter de projectiles, etc., etc. Et ça, c'était le souhait des exilés, des habitants du lycée. Et ça, cette parole, elle était portée par les gens qui étaient là, sauf qu'elle était très peu entendue. Et moi, je défendais que le fait que ce soit nous qui portions cette parole à notre voisin, peut-être que ça pouvait venir en concurrence de l'information des médias nationaux. C'est-à-dire que mon voisin, peut-être, il va entendre une voix dissidente plus facilement quand elle vient de quelqu'un qui est proche de lui et qu'il voit de temps en temps. Et on n'a pas fini là-dessus. Voilà. C'est-à-dire ? Alors, il y a d'autres assemblées dans le quartier, hein, puisqu'il y a l'assemblée rue Sorbier, donc Sorbier-Ménilmontant, et l'assemblée Belleville, qui se situe en haut du belvédère du parc de Belleville. Pardon. Et voilà, et les assemblées discutent de choses et d'autres, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet, c'était l'actualité fraîche. En plus, on était nombreux de ces assemblées, parce que les assemblées existent, à s'être communiqué l'information et avoir été là le jour J. Il n'y avait pas que nous, il y avait beaucoup de gens de Nuit Debout, République hors quartier. On a été tous très choqués par ce qui s'est passé pour nous, mais surtout pour les migrants à l'issue, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et on a décidé de reparler de ça dans le quartier. Enfin, donc jeudi, on part en défilé. On va rejoindre d'Enfer Rochois en partant de Place des Fêtes, repasser devant le lycée. Parce que là, il y a beaucoup de riverains. On n'a pas réussi à ce que les migrants ne soient pas expulsés. Par contre, on a réussi à retarder leur expulsion et du coup à faire en sorte que tous ceux qui partaient au bureau, normalement, ils font ça le matin très tôt pour que ça passe inaperçu. Mais là, les riverains ont vu ce qui s'était passé parce que honnêtement, le car a eu ses pneus crevés. Du coup, il n'a pas pu partir à l'heure prévue. Et du coup, tous ceux qui partaient au bureau qui se sont aperçus qu'il se passait quelque chose. À ces gens-là, on peut reparler de ce qui s'est passé. Ça va leur faire écho. Donc, un exemple, on part donc de Place des Fêtes. On va communiquer du coup à cette occasion sur ce qu'on fait, les assemblées populaires. Devant le lycée, on passe au belvédère de Belleville, on passe à Sorbier-Ménilmontant. Et à Belleville, samedi, il me semble que l'assemblée va être consacrée à reparler de ce qui s'est passé au lycée Jean Jaurès. C'est vraiment une action qui avait une visée globale, c'est-à-dire quel est le sort des migrants aujourd'hui dans notre pays et même à travers le monde, mais au niveau local, parce que ça se passait en bas de chez nous et que du coup, ils étaient nos voisins. Mm-hmm. Alors, bon, c'est un peu décousu notre ouais. propos, mais on y arrive petit à petit. On était en train de faire le tour un petit peu des différentes commissions qui se sont mises en place là dernièrement. Donc, on était sur la communication. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, théâtre forum, communication. Il y a un banquet populaire. Il y a un banquet populaire du coup qui est prévu. Donc voilà, des gens travaillent dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un micro trottoir. Voilà, il y a un micro trottoir. Il y a de la pêche au thon. Projection avec le banquet. Projection. Oui, il y a une projection débat prévue avec a priori. Merci patron. Ouais. Si on peut faire un bal en même temps que le banquet, ça pourrait être cool. Ah ouais. En fait, on voudrait un bal sur la place des fêtes, revenir aux origines de cette place des fêtes et retrouver de l'amour. Voilà, c'est un peu le... On s'est dit, il me semble que finalement, c'était un peu ça l'idée de faire un grand événement le 21, ou peut-être que ce ne sera pas le 21, enfin bon, la date est... Voilà, encore à définir. On improvise, voilà, ouais, c'est un peu toujours pareil, on parle des choses, et puis après on voit comment elles se font dans le réel. Mais du coup, le 21, a priori, c'est de faire un grand événement pour fédérer au maximum, avec le banquet, la projection en fin de soirée, et puis après, tout peut s'y greffer, quoi. Tout peut s'y greffer, et puis y a le projet de micro-trottoir pour aller interroger les gens dans le quartier sur comment ils vivent le quotidien avec la montée des violences policières, l'état d'urgence qui est maintenant prolongé jusqu'à juillet. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Alors le travail de discuter individuellement avec les gens, de poser la question individuellement de comment ils se sentent au quotidien, C'est, à mon avis, le meilleur moyen de les sensibiliser à ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas tous coutumiers de discuter en assemblée. Donc ça, c'est un projet moi, qui me tient bien à cœur. Donc voilà, du coup, toute la semaine, on se retrouve en groupe de travail et on va poursuivre et puis on expérimente. Non, je veux juste dire que oui, c'est, enfin, ouais, l'idée, c'est vraiment de diffuser un peu ce mode de vie donc, qui émergeait avec Nuit Debout. Et donc on en a parlé au début, mais j'ai envie de préciser, pour moi, enfin moi, ce qui me pousse en fait à agir dans ce mouvement, c'est vraiment j'ai vraiment envie que, enfin j'étais vraiment charmé par ce qui se passait sur la place de la République. Et j'ai vraiment envie que ce mode de vie se diffuse dans toute la société, dans toutes les couches de la société, qui est vraiment une molécularisation. J'aime bien ce mot, molécularisation donc dans chaque quartier, dans chaque rue quoi, de Paris, de France et du monde quoi. Et que les gens retrouver un petit peu ce qui se passe sur la place des fêtes, le retrouver un peu plus de manière locale chez chacun d'entre nous. C'est ça, ouais, le retrouver de manière locale chez chacun d'entre nous et de se réapproprier. Ouais, l'idée, c'est vraiment de se réapproprier l'espace physique et mental en fait. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que cet espace géographique, il y a aussi des avancées dans la manière de fonctionner entre nous, parce que c'est pas évident, dit Marie. Oui, donc moi je voulais conclure en fait. Ouais. Ouais. Comment on vous retrouve du coup ? C'est quoi le prochain rassemblement pour venir vous retrouver, place des fêtes ? Un prochain rassemblement samedi à 16h, donc à place des fêtes. Voilà. Tout simplement. Tous les samedis à 16h. Même 15h même. Ouais. En fait, on prévoit toujours des animations avant, alors sauf samedi où on n'est pas très au point. Mais on a prévu de faire que les groupes de travail se retrouvent samedi à 15h et que donc qui veut peut venir s'y greffer et l'assemblée à 16h. Ok, super. Donc tout samedi, l'après-midi, place des fêtes, le soir, place de la République. Et on continue parce qu'avec le 49-3, ça ne va pas aller comme ça. On va continuer et là, on va passer un petit appel là pour avoir quelqu'un à Rennes. Et avant, un petit jingle. Oui, en fait, c'est maintenant. Un petit jingle, sinon je te le fais en live. Alors, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout. Donc, hello, hello, Karim. Allô, Edouard. Allô, ah voilà, merci. Allô, Edouard. Non, c'est Camille. Ah, pardon. À chaque fois, j'oublie. Bon, Camille. Ah, je t'ai dévoilé, là. Bon, c'est pas grave. Camille. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rennes ? Alors, écoute, à Rennes, ce soir, nous, on avait une AG qui est prévue depuis samedi dernier. Donc, on s'est réunis à 18h. On a dû faire le point sur deux choses essentielles qui ont été, d'une part, le fait que la mairie a rompu la convention qu'on avait dans l'occupation du lieu de la Maison du Peuple, pour des raisons que je vais vous expliquer après. Et l'autre chose, c'était le 49-3, et le 49-3 dont on a entendu parler donc aujourd'hui. Et donc il s'agissait de savoir comment on allait réagir à ça, entre autres points, quoi. Et donc... il y a eu le fait que la mairie a refusé de renouveler la convention qu'on avait donc pour 7 jours et donc jusqu'à mercredi soir. Et en fait, l'argument qui a été donné, parce qu'il devait y avoir rendez-vous aujourd'hui à 16h30 pour signer pour le renouvellement de cette convention, donc il devait courir du coup jusqu'à lundi prochain, donc c'est-à-dire jusqu'au 16. Le rendez-vous était pris à 16h30, sauf que ça nous allait pas trop, étant donné que le but, c'était pour nous de voir la proposition de la mairie et d'en rediscuter en AG pour leur donner une réponse. Et... ils ont donc refusé et ils nous ont dit « il y a rupture de convention ». On a demandé pourquoi et la réponse a été « parce que vous avez été en manifestation et on vous a demandé de pas aller dans le centre ». et il fallait passer par la droite en sortant du lieu et pas par la gauche qui nous amenait directement dans le centre, ce qui est une excuse complètement bidon étant donné que ça n'a rien à voir avec l'occupation du lieu, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est un truc un peu punitif quelque part. C'est un truc, oui, disons qu'en fait c'est juste une excuse de dernière seconde parce que en gros ils ont eu des coups de pression de la préfecture, c'est ce qu'une élue vert qui est venue nous dire en assemblée, elle nous a donné cette information là. En gros simplement la préfecture a foutu la pression là-dessus, mais en gros de toute façon ça change rien, nous on comptait rester quoi qu'il arrive. Du coup la suite, vous l'imaginez un peu comment? Bah écoute, les choses se construisent vraiment de semaine en semaine, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez les choses un peu au jour le jour. Là, on est plutôt dans une perspective de, on a un planning, on s'y tient, on ne laisse pas ni le gouvernement ni la mairie nous imposer son agenda, ce qui implique que bah là, aujourd'hui, étant donné qu'on n'est plus toléré dans les lieux, il s'agit de se barricader. Donc on fait des barricades à l'intérieur du lieu pour se protéger, avec des gens qui vont dormir à l'intérieur, avec des plans de stratégie pour pouvoir se défendre en cas d'attaque de la police ou d'autres non-bienvenus. Et on a organisé demain une kermesse, on organise une kermesse demain, toute la journée, où les enfants sont les bienvenus, notamment, enfin en fait tout le monde, pour occuper le centre-ville et pour faire sortir un petit peu, enfin pour qu'on sorte de la maison, quoi, que la maison s'ouvre un maximum sur le quartier de façon à créer des liens concrets et directs avec les gens qui habitent ici ou qui habitent, qui viennent quotidiennement, quoi, sur la place. Donc en gros, ça commence à 11h et ça doit durer jusqu'à la fin d'après-midi où il y a des cantines au milieu, il y a des spectacles, il y a des jeux sur toute la place. On va voir comment ça se répand et jusqu'où. Et à 16h30, on fait une AG de quartier pour penser un petit peu la façon dont on habite ici, ce quartier du centre-ville qui est le quartier Sainte-Anne. De façon, voilà, donc en gros c'est ça en gros les perspectives d'ici, c'est de s'implanter vraiment, de faire en sorte que ce lieu soit imprenable tant physiquement que politiquement. Et alors pour qu'il soit imprenable, salut c'est Manon, du coup ça a changé d'interlocuteur tout d'un coup, mais j'avais une petite question. Et, ouais. Est-ce que justement les populations avoisinantes, environnantes sont plutôt, enfin vous soutiennent, est-ce que du coup la kermesse c'est dans l'idée justement de se mélanger avec cette population qui à la base ne vous connaît pas ou vous connaît mal? Alors c'est un peu, c'est certainement un peu préjugé de dire qu'ils nous connaissent mal parce qu'il y a quand même pas mal de riverains qui viennent en nager. On a rencontré plein de gens parce que on tient un accueil à l'entrée de la maison tous les jours, du matin au soir, pour que les passants et les habitants du coin puissent savoir ce qu'on fait, savoir ce qui se passe et puissent rentrer à l'intérieur et s'approprier le lieu. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit pas les occupants du lieu qui s'accaparent le lieu, mais que on barricade, mais ça veut pas dire qu'on bloque, ça veut pas dire qu'on ferme. En fait, on fait des barricades qui vont nous permettre de nous protéger des arrivées de la police. C'est mais des barricades poreuses. Elles sont pas fixes, quoi, en fait. Elles sont movibles. Ok. Et donc le lieu est ouvert en permanence, en fait, toute la journée, tout le temps. Sauf le soir, à partir d'une certaine heure, ça dépend des moments. En général, c'est après minuit, on ferme tout, on barricade pas forcément. Disons que là, les derniers jours, on avait complètement retiré les barricades dans la mesure où elles n'étaient pas nécessaires. On savait qu'il y aurait pas d'attaque de la mairie, étant donné qu'on avait de la police, étant donné qu'on avait cette convention de signer. Et maintenant, voilà, on revient dans une phase illégale, en fait, à partir de demain soir, surtout, parce que là, c'est le renouvellement qui n'a pas été signé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu vraiment rupture de contrat, quoi. Donc, on est encore là, légalement, jusqu'à demain soir. Très bien. Et du coup, par rapport aux habitants, pour répondre encore un peu à ta question, il y a déjà beaucoup de choses qui se font avec les habitants, c'est-à-dire que des gens qui habitent autour nous proposent de stocker du matos, nous proposent d'accueillir des gens si c'est nécessaire, font des relais d'information. Il y a aussi le kebab du coin qui un soir nous a ramené 20 sandwichs et des frites gratos. Enfin, il y a des liens aussi avec les bars, parce qu'il y a quand même pas mal de bars. Et puis avec la librairie qui est juste en face aussi. Enfin voilà, du coup, les choses se sont déjà. On a fait du porte-à-porte pour aller rencontrer les habitants. Et demain, c'est un coup de fête quoi, pour créer des liens et pour politiser la fête aussi. Chouette. Eh ben, merci beaucoup. Nous, on va conclure parce que bientôt, on va rendre l'antenne. Mais avant, on a quand même notre petite interlude musicale, toujours un peu plaisant. Et je rappelle juste que vous êtes à Rennes et qu'il y a du coup grande kermesse demain. Et à partir de 11h du matin, ouais. Ok, et ben c'est noté, c'est transmis. Et merci beaucoup de nous avoir parlé. Est-ce que je peux dire une toute dernière chose ? Il y a deux choses essentielles qui se passent à Rennes. La première, c'est qu'on assume tous ensemble le fait qu'il n'y ait pas de dissociation entre les bons ou les mauvais manifestants. Ça n'existe pas. Nous assumons tous ensemble tous les divers modes d'action qui peuvent se pratiquer dans les manifestations. L'autre chose, c'est que notre but, c'est pas uniquement de combattre la loi travail, c'est de combattre le monde qui la produit. Donc les perspectives, elles vont bien au-delà du retrait futur de la loi travail. Voilà. Ok, eh ben, on t'a entendu. Merci beaucoup. Merci à vous, salut, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Donc on retrouve au petit tonneau Charlotte et Mangone, voilà, qui vont nous jouer un deuxième morceau. Du coup, ce morceau est aussi en anglais. Oui, oui, parce que vous, votre truc, c'est l'anglais. On parle voilà. En anglais à la maison. Oui, hein. Voilà, parce que bon, ouais, ok, on a compris. Et comment ce morceau s'appelle ? Ça s'appelle Little Dreamer. D'accord. Petit rêveur, voilà. Eh bien, c'est parfait pour finir cette soirée avec vous deux. Merci à vous. beaux rêveurs. Venez tous autour. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient nassés cette soirée, qui étaient à l'Assemblée nationale, qui après sont venus. Merci à tous les participants. Qui se dénassent aussi, qui se dénassent et qui même arrivent sur la place de la République. Là, on vient de voir passer un cortège de, je sais pas, 150 personnes. Ouais, facilement 150 personnes qui sont passées là et qui partent. Voilà. Des manifs sauvages comme on a pu en voir à Marseille, à Lyon, etc. Mais nous aussi, à Paris, on en a. Voilà, donc c'est pas fini, ça continue avec toute cette lutte, cette joie d'être ici avec vous. Et merci à vous deux pour ces deux morceaux. Merci beaucoup. Et à bientôt, Radio merci Debout est là. Demain sera Place de la République. On retrouvera notre espace public sous cette petite bâche bleue. Et il y aura plein de monde autour et tout. Vous pouvez venir, ça va être super génial. Et à un moment donné, peut-être pas demain, on vous fera écouter comment le printemps naît. Parce qu'il naît toujours un jour, le printemps. Donc merci, bonne nuit. À demain.